Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Nouveau ? Vraiment ouais. Nouveau ? Ça commence. Ah, il tire à balle réelle. Faut dire à combien de blagues on a le droit sur ce... Une petite quarantaine. Oh, on est large, on est large. Je ressors mon carnet. Je distribue. Oui, parce qu'en fait, cet épisode est un hors-série. Un hors-série dédié à l'univers de l'entreprise. C'est la façon la plus dégueu de le dire. La maison, le studio Pixar. Où nous allons revenir sur la filmo. Est-ce qu'on dit filmographie pour un studio? Oui, on peut dire filmo. Sur la filmographie du studio, sur les différents films, avec trois invités. Et la petite particularité, c'est qu'on a déjà enregistré cette émission il y a de ça, c'est l'été, un petit peu moins d'un an. À l'occasion de la sortie de Toy Story 4 à l'époque. Et donc là, nous le faisons. À la sortie de Toy Story 5. de la sortie du nouveau film des studios Pixar, oui, à savoir En Avant, Guingamp. Je rajoute Guingamp. Voilà, donc on ne l'a pas vu, mais la suite de là-haut. Oh, très joli. Florent Bernard, je vous serre la main. Oui, bonsoir. Vous avez reconnu le petit ton, vous avez reconnu la fine plume. Il s'agit de Valentin Vincent. Bonsoir. Valentin, veux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Bien sûr, je suis auteur, réalisateur, parfois comédien, et des fois j'officie sur Twitch. No. Tu parles de la célèbre plateforme dédiée aux jeux vidéo. Tout à fait, on fait une émission live avec Julien Josselin qui s'appelle Askip tous les lundis. Tous les lundis à partir de quelle heure à peu près? 20h, 21h? 20h c'est l'heure officielle, ça commence donc à 20h30. Et ça c'est très télé, soir à la télé maintenant. Ah bah attends, la dernière fois je voulais regarder un film, 21h30. Ah voilà, t'es pas. Bah attends, ça nous fait coucher à pas d'heure. Ah oui, non, oui, moi j'ai regardé La Nuit au Musée, 4 coupures pub. Oh non, mais attends. Non, mais j'avais jamais vu. Donc. C'est pas un Pixar, donc tout va bien. Nous sommes également avec Timothée Auchet. Oui. Bonsoir. Il s'est pas applaudi, c'est très beau. Bah, non, je me suis dit, et en fait, bah non. Applaudis-toi. Mais applaudis-toi tout seul. Encore deux. Allez, encore trois. Allez, un petit dernier. Ah, merci. Oui, Timothée, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Tout pareil, sauf que j'ai pas de chaîne Twitch. Mais j'écris, je réalise des courts-métrages et. Et voilà, une série qui s'appelle Calls. Tu m'as fait beaucoup rire récemment dans la dernière vidéo du Monde à l'envers. Oh bah écoutez. Dans laquelle tu joues comme une merde. Ouais, mais attention, c'est fait exprès. Non, mais c'est le concept de la vidéo, souviens-toi. Oui. Et oui, bon, je me serais pas permis enfin. Et c'est très très drôle. En fait, parce que c'est très dur de mal jouer. Et c'est très bien mal joué. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a vraiment des ruptures, des trucs qui sont extrêmement bien gérés. Je voulais te complimenter pour te mettre un peu à l'aise. Merci. Et je préviens les auditeurs, tu as une petite voix, tu as une petite. T'es en petite forme. C'est l'hiver. Tu vas quand même nous donner le maximum. Je sais pas. Je tiens à dire qu'il a une bière dans une main et un thé dans une autre main. Qu'il est en même temps. Excuse-moi, tu es entre deux âges un peu. Bah oui, j'alterne le bonheur et la maladie. Donc, bon. Nous sommes également, vous avez reconnu ce timbre de voix si particulier, puisqu'il est dans ce podcast qui existe depuis maintenant une petite année, une petite ou un petit peu moins. Cet été. Il s'agit de François Descraques. Il s'est pas applaudi non plus. Ouais. Applaudis-toi. 35. Non, allez, ok. François, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? En fait, c'est comme vous tous, moins le comédien, moins le Twitch, moins Calls. Voilà, donc moins de choses que vous. En fait. Oui, François Descraques. Je suis auteur et réalisateur. Voilà. Et je suis du podcasteur, du coup. Et podcaster de Mystère à Saint-Jacques. Mystère à Saint-Jacques, oui. Le concept en quelques mots. Ah, bah, c'est un podcast d'improvisation, un feuilleton. Où les trames sont écrites à l'avance, mais les comédiens ne savent pas leur texte et ils doivent l'improviser en direct. Incroyable. Très, très beau. Moi, je précise que j'ai écouté il y en a combien en tout? Près de 1000. Ça dépend à quel moment on est, mais environ une dizaine, on va dire. Et ben, j'ai écouté les 8 premiers en montant un meuble. Donc, et tu le conseilles pendant la montage je de meubles? Je conseille pas le meuble que j'avais acheté, parce qu'il m'a fallu 8 épisodes pour le faire. Il a fait une heure, donc 8 heures le meuble. 8 heures, c'était un. Non, mais j'ai vraiment découvert ça, donc je vous le conseille. Si vous dites, attends, 8, il y en a 10, c'est long. Non, choisissez un moment où où vous devez faire du bricolage, ouais. Et c'est incroyable. Valentin, c'était une cabane, tu t'es construit une cabane, tu vis dedans. Mon appartement actuellement. Les amis, commençons tout de suite parce que les hors-séries sont toujours un petit peu longs. Pour choisir l'ordre des films Pixar, j'ai décidé en mon âme et conscience de les trier par succès au box-office. Alors c'est peut-être un peu cavalier de ma part, c'est peut-être un petit peu, je ne sais pas, capitaliste. En même temps, je le rappelle, je suis profondément de droite. On est sur la rive droite. Oui, on a dit, bon, écoutez, Balkanier est libéré hein, quand même. Donc, non, mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, ça donne un ordre un petit peu bordélique à l'ensemble. Et du coup, il n'y a pas ce truc de oui, on sait de quoi vous allez parler, oui, on sait de quoi vous allez parler. Et le numéro 1, le premier film, ce qui a fait donc le moins d'entrées, on commence par le moins d'entrées pour aller au maximum d'entrées. Il s'agit du film Le Voyage d'Arlo. Voyage d'Arlo, est-ce que tu peux me le résumer, Valentin Vincent? Oula, oui, j'ai pas révisé, vas-y, mais c'est une rencontre entre un humain enfant et un dinosaure. Et dans mon vague souvenir, c'est le dinosaure qui élève un petit peu l'humain qui ne sait pas parler, qui ne parle pas, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment ça, un vague souvenir. C'est l'inversement, parce que... c'est genre le dinosaure, okay. C'est l'humain et, l'enfant, c'est l'inverse, c'est le Denver. Exactement. C'est de Peter Elliott le dragon. C'est ça. Et Arlo est d'ailleurs le premier dinosaure, plus ou moins. Alors que Denver était le dernier. Donc c'est te dire à quel point c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il a pas vraiment. Il joue très peu de guitare aussi dans le film. Et c'est vrai, disons-le. Et c'est peut-être le défaut du film. Je pense que ça. En fait, il était dernier au box office. Ça manque cruellement de guitare. C'est aussi parce que le dinosaure, c'est pas. Enfin, on n'est pas des êtres humains, on est des dinosaures. Et l'être humain est un animal, ça n'a aucun sens. Ça critique. Ça critique. Non, mais je dis juste que c'est pour ça que les gens, ils ont pas compris. Bon, là, je vais boire. Pour vous donner un indice, là, c'est la bière qui va dans la main, pas la tisane. Hein, je vous le dis tout de suite. Le voyage d'Arlo, The Good Dinosaur en anglais, qui est un film. On peut traduire par le bon dinosaure. L'excellent dinosaure, le délicieux dinosaure. qui a eu un destin un petit peu chaotique. Alors, c'est un film qui est sorti en 2015, un peu entre face deux films. Face à Nemo, non? Face à Nemo, quasiment la même année que le monde de. Enfin, Nemo de Dory. Le monde de Dory. Ah, je ne sais pas, écoute, j'ai pas. Je te balance comme ça. Bah, merci, je prends. Mais c'est vrai que c'est un film en fait qui a été dans ce qu'on appelle le development hell. Qu'est-ce que le development hell, François? Ah bah je connais très bien ce truc. Je suis actuellement locataire au développement hell. Alors je vous explique, c'est très simple. C'est, imaginons que vous avez dit d'un film, vous dites, bon allez, ça va me prendre un an, c'est plié. Et ben 10 ans plus tard, vous y êtes toujours et votre vie est un enfer. D'où le mot hell. D'où le mot hell, voilà. Et ben voilà, donc voilà, je pense que ça résume bien. Et donc oui, ça, mais comme beaucoup de Pixar, la différence de Pixar, souvent, eux, leur développement, elle, c'est un peu la norme, dans le sens où ils mettent du temps à développer les projets, et des fois, c'est pour le mieux. Donc voilà quoi. Ouais, quoi, ouais. Voilà. Mais celui-ci, effectivement, a eu des petits soucis, c'est-à-dire que même le réalisateur a été remplacé. C'est un truc qui s'est fait 2-3 fois au sein de Pixar, Bob Peterson, pour ne pas le nommer, et ils ont dû reprendre le film de A à Z. Et en plus de ça, pour vous donner des petites anecdotes tout bonnement, il y a eu un licenciement de masse chez Pixar. Il y a des dizaines d'employés qui ont été virés en novembre 2013. Et du coup, ça a mis une énorme pause dans la production. Et je trouve, alors c'est toujours, je déteste faire ça quand les critiques font ça, je déteste à savoir essayer d'imaginer ce qui s'est passé sur les défauts du film, mais ça se sent un petit peu, j'ai l'impression. Bah, c'est en 2D déjà, donc ils ont oublié tout le. C'est là les storyboards en fait. C'est ça, c'est les animatiques. Vraiment... tout le monde est parti en plein de. Et il y a un gars déguisé au milieu. C'est réel, je fais toutes les voix. Sur un fond vert mal détouré. Moi je trouve bizarre parce que mais encore une fois c'est un souvenir, enfin je l'ai vu qu'une fois contrairement aux autres qui prouvent que j'ai pas un super avis sur ce film. Je l'ai vu qu'une fois aussi, mais je trouve que ce qui pêche c'est que c'est l'histoire qui était très claire. C'est pour ça que c'est pas autant le développement, le truc. Je trouve que l'histoire était, bah si, l'histoire est bâclée, très classique, c'est un truc qu'on a vu mille fois sans. Dans mon souvenir, ce qui m'avait gêné, c'est qu'il y avait en plus un discours du dinosaure à la base qui est un peu peureux et tout, et qui doit devenir un vrai dinosaure. C'est quand même un truc qui est pas habituel chez Pixar, un truc un peu un petit peu à l'ancienne, un peu à l'ancienne, devient un vrai dinosaure, arrête de chialer quoi. C'était un peu ça le discours, ce qui est très étonnant pour un Pixar et pour un dinosaure. Je le redis hein, c'est apprends à jouer de la guitare, regarde ton cousin. Il cartonne. C'est le plus gentil de tous les animaux. Regarde-le. Putain. Et non, mais du coup, je sais pas en quoi le développement a joué là-dessus, mais je trouve que ce qui pêche, c'est surtout cette histoire de base, quoi. C'est vraiment les fondations du film pour moi. Je me souviens que j'avais aimé certains trucs, notamment que c'était quasiment muet. Ouais, ça c'est. Et c'était cool. Mais j'avais en fait un gros aperçu déjà vu après avoir kiffé et vu Dragon. Ouais, où c'était pour moi le. enfin, Dragon en moins bien. Ouais, vraiment en moins bien, mais du coup, non, j'ai pas. Enfin, la fin et tout ça, tout. Enfin. Moi, j'ai un peu tout oublié, mais... hein, j'avoue. En la vrai, fin mais... était un peu. Comme à chaque fois, il te chope un peu sur certains moments. Je sais que le petit gamin est très touchant à la fin, tout ça, mais. Ouais. Mais oui, il y avait même les persos secondaires étaient très effacés, pas très intéressants. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est autant Pixar, souvent dans les films, ils arrivent à me faire acheter l'univers en 5 minutes assez vite. Et là, au début, je me souviens, ça va extrêmement vite. Alors en fait, les dinosaures, ils sont pas éteints parce qu'on voit la météorite passer à côté. Du coup, ils se sont. Et tu vois, et c'est un peu, je me souviens de l'exposition. Alors je l'ai pas vu parce que j'étais trop occupé à être au développement L. Mais ça se passe dans un monde alternatif, c'est ça? Ouais, en fait, ouais. En gros, le début du film, c'est tu vois la Terre, tu vois les dinosaures. Des dinosaures assez photoréalistes. Non, mais parce que le héros est très cartoon, mais au début, tu vois un peu des dinosaures impressionnants. Et effectivement, la météorite passe à côté. C'est-à-dire que tu la vois dans le ciel, mais elle ne tombe pas sur la Terre. Donc en gros, ça te dit, imaginons ce monde où les dinosaures ne se seraient pas pris la météorite dans la gueule. Qui était dans le teaser, qui était un bon teaser pour le coup. Juste mais cette tous scène-là les teasers de Pixar. Genre, la météorite qui passe, c'est terminé. Mais du coup, c'est pas dans le même monde pratiquement que Super Mario Bros. Le film, dans lequel les dinosaures évoluent. Mais c'est là où ils ont fait une connerie. C'est que c'est le même film. Pardon, mais du coup, en fait, tout ça, ça nique la théorie que tous les films Pixar sont dans le même monde. Si dans celui-là, les dinosaures ont. Bah voilà. Super. Mais alors, oui, alors pour citer vite fait cette théorie, c'est une théorie que plein de gens disent sur internet, à savoir que tous les films Pixar seraient interconnectés parce qu'à chaque fois, il y a des trucs qui sont placés dans tel film. Je me souviens dans Rebelle, genre, on voit une gravure de monstre. Oui, ouais. Dans Wall-E, on voit tel truc de tel film, machin et tout. C'est genre là-bas, c'est des blagues d'animateurs. Oui, c'est ça. Et les gens disent, mais oui, c'est un indice. Alors qu'en fait, ils ont des assets, des props en 3D qui disent, bon, bah, on a qu'à mettre une poupée Woody dans le fond, personne ne le verra. Ça. Et en fait, les gens, ils font des théories de ouf après. C'est aussi ça, je trouve, la magie d'Internet. Oh, et du cinéma. C'est du cinoche. Nous enchaînons avec un autre film, alors là, beaucoup plus ancien, au tout début de Pixar. Il s'agit de Mille et une pattes. Qui aime bien Mille et une pattes autour de la table? Ah, pardon, alors François. J'ai été très vocal. Ouais, mais en même temps, c'est là où j'ai levé la main, ce qui est l'inverse de. C'est vrai. Mais j'ai vu, il est perdant là-dessus. Il a pas compris où il était. Le concept podcast, en fait, c'est là où je l'ai échappé. Eu, ouais. C'est un métier. Bah alors, François, je te laisse nous parler un petit peu du film. Ah, bah oui, t'as ouvert ta gueule. Bien sûr. Mille et une pattes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va peut-être pas résumer le film, on le connaît, mais. Alors, non, mais moi, ce que j'attends dans Mille et une pattes, c'est que déjà, c'est plus ou moins. Un remake d'un autre film, dans le sens où vraiment il y a plusieurs films qui ont la même intrigue, à savoir Three Amigos, aussi La Roue de Dorado, je dirais, et Galaxy Quest, qui sont des films d'imposteurs en fait. Oui, c'est pas fait par des imposteurs. Non, c'est des films faits par des connards qui voilà. Le héros est un imposteur. Le héros est un imposteur, mais surtout. Crois aussi. Comment? Ah non, c'est pas un imposteur. Non, et tu crois, il est élu par la démocratie, mon pote. Ouais. Et surtout, c'est des films où le héros est un imposteur, et des fois, alors là, ce qui est marrant dans Mille et une pattes, c'est qu'il est même pas conscient d'être un imposteur avant que ce soit trop tard, puisqu'il engage, on va dire, il engage des insectes. Oh là là, putain, faut que je le depuis le début en fait. Il y a Kevin Spacey, qui est une sauterelle, et qui vole le riz des fourmis, qui sont bleues dans celui-là. Ouais. Pourquoi? Pour les différencier de fourmis. On y reviendra. C'est Kevin Spacey? Ouais. C'est Kevin Spacey. Il a vraiment un bon nombre de casseroles au cul, Kevin Spacey. Déjà, c'est un bon film. Celui-là. Ok. Ouais, mais bon, déjà à l'époque, il avait volé le riz des fourmis. Personne n'en parlait à l'époque. Mais oui. Et du coup, je trouve que l'histoire, elle est imbattable niveau structure, niveau narration, puisque t'as une fourmi, le héros s'appelle Tic, je crois. Tilt. Tilt. Ouais. Et en gros, c'est un peu le héros un peu lourdingue, un peu, on va dire, gaffeur, qui met tout le monde dans la merde. Du coup, il l'envoie en mission, en fausse mission, dire oui, trouve-nous des héros pour nous sauver, et il pense qu'il va pas y arriver. Et Tilt va dans un cirque. Et il sait pas que c'est un cirque, et il voit d'autres insectes faire des numéros de ouf, et il se dit ah mais c'est des héros, du coup j'ai besoin d'eux. Et les mecs, ils engagent donc le cirque, persuadés que eux ils sont des artistes qui ont été engagés par un producteur pour faire du cirque. Ouais. Et du coup ils sont engagés pour sauver la fourmilière, et là quiproquo. Voilà. Mais tous les quiproquos tiennent, ce qui est fou. Mais oui, pour un film pour enfants, où des fois quand t'es un adulte tu te dis oui bon ok, mais ce qui est fou c'est que tout tient parfaitement. Tout tient, et les héros se dévoilent, et les la vérité éclate au fur et à mesure et tout. Enfin bref, tout est très bien amené, et la fin tient très bien la route sur comment ça se résout tout ça. Très impressionnante la fin. Et non franchement, et puis il y a plein de personnages secondaires très drôles. Oui. C'est un film très riche. C'était leur deuxième à l'époque, et ils ont réussi à faire un truc vraiment très très ambitieux à l'époque. Voilà. C'était très beau pour l'époque, très compliqué en plus d'animer les insectes et tout. Enfin, c'était. Moi, oui, surtout, il y avait les milliards de fourmis, ouais, des fois ça, il y avait des mouvements. J'ai souvenir du coup aux jeunes d'être vraiment marqué par l'univers du film, de vouloir absolument jouer aux jeux vidéo du film. Et tu parlais de fourmis, c'est vrai qu'à juste en face il y avait fourmis. Et c'est marrant parce que à l'époque, je pense que j'ai eu le petit moment où comme fourmis faisait un peu plus adulte avec c'était non fourmis c'est mieux et bah, il y avait Woody Allen pareil hein, quelqu'un qui a des belles casseroles t'imagines les de l'argument on a Woody Allen et eh ben nous on a Kevin Spacey qu'est-ce que vous allez faire toute cette conversation avec l'encul voilà. Et c'est John Lasseter derrière tout ça et du coup avec du recul je pense que donc maintenant je préférais Millie in Pan de c'est ça tout tient la route quoi tout est tu es plus Kevin Spacey que c'est ça que tu dis c'est ça que tu dis oui bon écoutez non mais c'est alors moi c'est drôle parce que justement j'ai un souvenir en allant voir Fourmiz où il y avait le teaser de Mille et une pattes au début, ce qui est quand même incroyable histoire. Parce qu'en fait Fourmiz est sorti avant Mille et une pattes. Et alors je vais vous raconter la petite histoire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en 1988, Disney travaillait sur Army Ants où une fourmi ouvrière pacifiste donnait des leçons importantes à sa colonie sur leur façon de penser très militaire. Donc il y a vraiment pour le coup Fourmiz c'est vraiment ça, c'est une fourmi qui dit mais en fait on n'est pas fait pour tout ça machin. En août, John Lasseter présente le scénario à Disney. Jeffrey Katzenberg, le directeur de Disney à l'époque, quitte le studio et part cofonder DreamWorks. Avec, dans sa poche, un papier sur lequel on ne sait pas ce qu'il y a écrit. Vous n'avez rien pris ? Non, rien dans le bureau, j'ai tout laissé. Donc, il faut savoir que Lasseter et Katzenberg étaient très amis à l'époque de Disney et que ça a un petit peu terni leur... c'est une trahison. Voilà, c'est plus ou moins une trahison. La tension est très vite montée. John Lasseter dira, nous étions la chair à canon dans son combat contre Disney. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet Fourmiz n'avait comme seul but de casser les couilles à Disney et de leur barrer la route, en fait, tout simplement. Katzenberg a fait une offre à Disney, paraît-il, et Steve Jobs, il leur avait dit, si vous décalez la sortie de Mille et une pattes, qui à l'époque devait sortir en même temps que Le Prince d'Égypte, il dit, je vous promets, j'arrête la production de Fourmiz. Alors DreamWorks a démenti cette histoire, mais Disney dit que si, c'est ce qui s'est passé. Et au final, Katzenberg, pour bien faire chez Disney, vu qu'ils ont refusé, il a dépêché toutes les équipes de Fourmiz à finir le film le plus vite possible. Et le film est sorti quelques mois avant Mille une pattes, mais l'histoire gardera que Fourmiz a fait 171 millions de dollars de recettes mondiales, tandis que Mille une pattes a fait 363. Ce qui est étonnant, c'est que les deux films sont plutôt réussis. C'est quand même un, oui, au final, un assez bon souvenir de Fourmiz. Faut remater Fourmiz, hein. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est quand même, ça aurait pu être deux films, surtout Fourmiz qui est fait dans la précipitation et tout. Après, maintenant, tu viens de dire que ça a pris. Non, mais l'animation, c'est cool, ça, c'est qu'au final, c'était quand même deux films assez impressionnants. C'est sorti quand déjà, les deux? Les deux, 2001, c'est... Non, c'est avant, c'est 98, 99. Ah oui. Dans c'est ça le problème. J'étais un enfant, bébé, et je crois vraiment que je confondais les deux et je les mélangeais, donc j'étais flingué. Mais Fourmiz avait ce. Je me souviens d'une scène horrible dans Fourmiz où il y a une fourmi qui voit une loupe géante. Et du coup, elle voit le soleil et elle fait « Oh mon Dieu, la lumière divine !» Et du coup, elle prend feu. Non, mais Fourmiz était vénère. Il y avait une scène, c'était genre Starship Troopers. Ouais. Où ils vont vraiment affronter des... Ils partent à la guerre, quoi. Ouais, non, c'était assez... Bah déjà, quand tu dis « Ok, notre héros, ça va être les héros des enfants, Woody Allen !» Et il va faire une parodie à un moment de Pulp Fiction, le film des enfants. Non, mais c'était dingue, quand même. On a rien du tout. Ouais. Du coup, le voleur a fait plus d'entrées, c'est ça ? A fait moins d'entrées. Non. Ah, ok. A fait moins d'entrées. Mille et une pattes a battu Fourmiz. Okay, mais c'est vrai que la petite guéguerre entre DreamWorks et Pixar reviendra un peu plus tard. Mais en même temps, c'est que cette guéguerre, cette haine, c'est ça qui est dingue, c'est que oui, c'est souvent les films sont faits pour des mauvaises raisons, et des fois ça fait quand même des bons films. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le troisième film, alors lui, là on est sur du très très culte, puisqu'il s'agit de Toy Story. Toy Story 1, donc le premier film. Je la connais pas bien. Il n'y avait même pas le bon air. Non. Toy Story, j'ai mis en fond sonore, vous ne l'entendez pas, mais une petite chanson de Charlie Lécouture, Étrange Bazar, ma chanson préférée. Ah non. Hein c'est ça qui fait Étrange Bazar. C'est bizarre. Mais c'est une chanson du film. Ouais, c'est une chanson du film. C'est une chanson. Je sais qu'il a fait la chanson. Après, c'est la grande Sophie, mais vraiment. Tu l'as sorti d'un chapeau. La grande géant, putain. Donc là, elle est en fond actuellement pendant qu'on parle. Pendant qu'on parle, vous avez pas D'accord. les casques, on donc le saura. Si on chante, ça devient un enfer. Non, t'inquiète, justement, je gère mes niveaux. Les auditeurs de podcast le savent, ce sont des émissions savamment mixées. Toy Story 1, donc le premier film des studios Pixar, le premier film d'animation entièrement généré par ordinateur. entièrement créé. Toi, Timothée Hochet, on t'a pas trop entendu depuis le début de l'émission. Alors là, tu étais vraiment bébé quand il est sorti, mais tu as bien rattrapé Toy Story quand même. Oui, j'ai bien rattrapé. Est-ce que tu apprécies ce film ? Bien sûr. Ouais. Mais c'était un fantasme et un rêve quand on était gosse. Enfin, moi, en tout cas, je commençais à parano sur mes jouets, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je pense que beaucoup de personnes ont fait ça, de pas parano, mais de vouloir, en tout cas, avoir un ami. Et d'un coup, ça te met dans une ambiance et ça te met dans un truc où t'as vraiment juste envie d'avoir plein de jouets et plein de ça. C'est l'enfer des parents, j'imagine. parce que du coup, à chaque fois, tu veux acheter plein de trucs. C'est là où ils sont vraiment malins. Mais tu sais que justement, alors pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est très très drôle, c'est que en fait, Disney ne croyait pas du tout en Pixar. J'ai lu un livre qui s'appelle La Machine à rêve. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait. La Machine à rêve, qui est écrit par le comptable de Pixar. C'est ça. Qui du coup, la moitié du livre, c'est comment ils vont rentrer en bourse. Et, c'est ça. Et donc, après, c'est intéressant. Voilà. Bon, ouais. Si ça vous intéresse. C'est les tableaux Excel pendant 100 pages. après. Non, en vrai, c'est très intéressant. En l'occurrence, même dans les histoires d'argent et de bourse, du coup, ça te dit un peu comment fonctionne la société. C'est assez intéressant. Mais c'est dans ce livre où tu apprends que Disney ne croyait pas du tout en Toy Story. Parce que à l'époque c'était Pocahontas, je crois, ou Hercule. Enfin, ils étaient surtout sur ceux-là, qui étaient par les mêmes équipes qui avaient fait les Aladdin, les petites sirènes. Donc, si tu veux, ils étaient un peu dans leur truc qui fonctionne. Et Toy Story, en fait, ils croyaient tellement pas qu'ils n'avaient pas lancé des gammes de jouets. Ce qui est quand même aberrant, ce que Pixar n'arrêtait pas de le répéter, qui ressemblait au perso du film. C'est-à-dire que tu avais des petites figurines Woody, mais qu'ils n'avaient pas du tout fait le Woody comme le Woody du film, ce qui aurait fait vraiment, ce qui depuis se vend dans tous les apparts de trentenaires, t'as un buzz éclair. On les a tous achetés. On les a achetés quand ils sont sortis, quoi. À 20 ans, en faisant. Ah, enfin 70 balles au Disney Store. Exactement. Ils sont tous trop gentils au Disney Store. La dernière fois, j'étais au Disney Store, ils sont vraiment, tu sais, c'est les Team Disneyland, quoi. Ils font bonjour, monsieur, est-ce que vous voulez un sac Toy Story 4 ? Je fais, écoute. Parce qu'il y a des gens qui les surveillent et ils se disent, tu vois, tu dis, écoutez, j'ai 30 ans, mais je vais plutôt vous prendre le Wally. Je le trouve, c'est plus mon film préféré. Non, mais donc du coup, oui, ils avaient vraiment fait des jouets dégueulasses à l'époque de Toy Story 1 et depuis, ils les ont sortis un peu mieux. Donc tu vois, ils avaient c'est pas con géré parce que du coup, j'avais envie juste d'acheter plein de jouets, sauf eux, parce que sûrement ils étaient pas dispo, quoi. Ah, c'est ça. Mais je sais pas, il est sorti quand exactement? 97, 95. Ouais. Là, j'aurais dit 97. Moi, j'avais vraiment un an. 94. Oh là là. Ah, oui, bah, j'avais 0 ans. donc, du coup, t'étais trop petit, j'arrive pas à savoir. Je sais pas. Ouais, 95, à 96 en France. Voilà, c'est pour ça que je me mélangeais dans les dates. Ah merde, on est tous faux. On a tous voulu se la péter en disant oui, c'est 95. Mais alors, on parlait de développement de Elle, ça a été un scénario très long à écrire et qui a même été storyboardé sur une autre histoire avant de changer complètement. Parce que Woody était insupportable, c'est ça, non? Était trop méchant. Alors, je vous parlais d'un. Influencé par qui? Par Jeffrey Katzenberg, dont on parlait tout à l'heure, qui est devenu du coup le patron de. Enfin, le patron d'ailleurs. Oui, si, le patron de DreamWorks Animation. Mais, alors, remettons aussi les choses à leur place, qui est quand même aussi responsable ou, félicité pour avoir aidé à donner un nouveau souffle à Disney dans les années 90. Complètement. Et c'était un peu lui. On lui attribue en fait avec Robin Williams dans Aladdin d'avoir mis des trucs un peu pop culture dans les Disney, d'avoir mis des petits trèfles pour les adultes et d'avoir fait du coup cette nouvelle génération avec Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène, tout ça, des nouveaux Disney, quoi. Et ça, c'est dans un documentaire très intéressant qui s'appelle Waking Sleeping Beauty. Super parle documentaire. De cette transition de Disney au moment où c'était au plus bas, juste avant, ça se passe entre La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion. Et ça parle pas de Pixar, mais ça parle de cette période-là, et donc ça parle beaucoup de Katzenberg, de Michael Eisner, etc. Et de leur guerre entre deux. Ouais. Mais ça parle pas de Pixar parce que Pixar était assez indépendant de Disney, parce que Steve Jobs faisait un peu barrage en fait. C'était on quoi parle... son poste à Steve Jobs déjà? Bah c'était, je crois, le. Alors je veux pas dire de conneries. Il a pas fondé, il a racheté. Il a racheté Pixar à George Lucas, et en gros après il avait cette boîte, il avait ce truc qui devait faire tourner. Ce qui est dans le bouquin justement dont j'ai oublié le nom, mais il raconte que. Non, c'est la machine à rêve. Que en gros il donnait je sais pas combien, enfin le truc était en train de couler, Pixar ça servait à rien, il alimentait le truc en donnant de sa poche pour pas que ça coule, et en gros sympa. Lui il avait un truc de il avait essuyé les échecs alors que c'était censé être un peu le génie de la Silicon Valley, et du coup avec Pixar il voulait juste que ça marche, quoi, juste faire ça y est je suis, et donc il investissait de l'argent en espérant qu'il y ait un truc qui se passe parce qu'il voulait, il voulait développer aussi la technologie des ordinateurs parce qu'à la base c'est drôle, Pixar c'est ça, le nom de l'ordi, c'était juste pour faire des logiciels et tout, et c'est justement Alors je sais plus avec Ed Catmull qui est le cofondateur de Pixar, mais en gros ils se sont dit non, en fait on va se concentrer sur faire des films, alors qu'avant ils faisaient des pubs, ils faisaient ils vendaient des logiciels, des écoles, des imageries médicales et tout, et ils ont tout enlevé pour se concentrer juste sur faire un film. Et ils ont dit là dessus on va pouvoir potentiellement soit gagner énormément d'argent, soit couler définitivement, mais au moins c'est fini, on arrête de faire n'importe quoi, t'sais. Mais donc oui, pour vous parler de ça notamment, parce qu'à la base effectivement Woody devait être très méchant, c'était une marionnette, donc un truc assez terrifiant, il y a des images qui existent sur internet si vous cherchez. Il y a même des trucs animés, et déjà à l'époque c'était la voix de Tom Hanks, et ça me fait sourire ce que tu dis, que toi tu t'es toujours imaginé ce que faisaient tes jouets à cause de ce film. Quand t'avais le dos tourné, c'est la raison pour laquelle Tom Hanks l'a fait, parce qu'il faut remettre dans son contexte, 95, Tom Hanks c'est une giga rosta, c'est-à-dire que c'est après Philadelphia et Forrest Gump, mais il a accepté de le faire parce qu'en fait quand il a lu ça, il fait putain c'est ouf, c'est le truc que je me dis depuis que je suis tout petit, parce que c'est une idée ultra universelle, quoi. Bon bref, et à l'époque Buzz était un tout petit jouet, Woody était énorme, donc il jouait avec les dimensions des trucs. Et ils ont changé le scénario maintes et maintes fois. John Lasseter l'a beaucoup repris. Il y a Josh Whedon aussi. C'est le seul qui est crédité, c'est marrant. Alors qu'il y a eu souvent dans les Pixar, ou comme dans beaucoup de films hollywoodiens, il y a plein de scénaristes qui passent. Et après, le fait d'arbitrer sur qui a écrit, c'est très compliqué et tout. Ils ont des guildes aux États-Unis, des trucs. C'est très précis. Et au final, je crois que c'est le seul crédité. Alors qu'il est arrivé en cours de route. Complètement. Il a repris en fait le scénario. Et même aujourd'hui, on ne sait pas trop en fait qu'il a fait sur le script en lui-même. Pour le scénario du film, Lasseter dit s'être inspiré de trois films: L'Arme Fatale, 48 heures et Midnight Run. Donc des films pour enfants, mais. Non, mais en gros, c'est des films de buddy movie où ils se détestent au début, ils deviennent potes pendant, et à la fin, ils sont meilleurs amis du monde. Je vous ai spoilé L'Arme Fatale, j'espère que vous m'en voulez pas. Et Toy Story aussi, merde. J'ai pas vu, moi. Donc voilà, donc oui, film quand même culte, s'il en est. Mais c'est vrai que. C'est qui vieillit pas, je trouve. Ouais. Ah ouais? Je l'ai pas revu pour le 4, mais quand le Toy Story 3 est sorti, j'avais regardé de nouveau le 1 et le 2 que j'avais pas vu depuis que j'étais enfant, et je m'étais à ce moment-là rendu compte de la double lecture que t'as dans tous les Pixar, quand t'es adulte et enfant tu les vois pas de la même manière, et surtout je m'étais dit ça, l'histoire elle des deux films, mais on parlera du 2 plus tard, mais elle tient vraiment la route, tout marche bien. Alors l'animation, les humains ils savaient pas les faire, et c'est immonde. Ils ont un peu pas d'âme. Mais du coup, c'est pour ça que c'est l'intelligence qu'ils ont eue. Pareil pour Fourmise, c'est de pas faire des humains, parce qu'ils se sont tout de suite rendu compte. Fourmise, je pense qu'il y a pas un seul humain, ou peut-être un pied. Mille et une pattes. Ouais, il y a pas d'humain. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là dans Toy Story, il y en a un, ils se sont rendu compte que c'était immonde. Enfin, deux avec Sid. Et du coup, non, moi je trouve que ça a pas du tout vieilli. Quand tu vois quand même les comparaisons Toy Story 1 au 4, il y a pas mal de comparaisons qui étaient faites là quand il est sorti. Tu fais quand même, ah oui, quand même. Une évolution d'ordinateur, ouais. Ah oui, enfin, c'est tout à fait normal, sinon ce serait vraiment dommage. On fait les seuls qui évoluent pas. On fait les mêmes. On a un logiciel qui marche très bien. Non, mais c'est vrai que. Mais d'ailleurs, le méchant de Toy Story 1, Sid, quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis, il prend très cher pour. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un enfant. Jouets, ouais. C'est un enfant. Le max qu'il fait, c'est faire péter une. Et quelle créativité, cet enfant, quand même. Il construit ses jouets avec des merdes. Et surtout, après, il continue de le bolosser, puisque dans le numéro 4, je crois, on le voit, il est boueur. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ah, c'est trop drôle. On le voit. C'est... Ou alors, dans le 3, c'est dans le 3, je crois. Dans le 3, on voit les boueurs, c'est Sid. Oh l'enfer. Voilà. Oh non. Donc, ouais, et dans le 4, il y est pas parce qu'il s'est suicidé. C'est lui qui crame dans le 3. Si tu zoomes dans l'image, il est pendu à un arbre. Voilà. Directement. Vous faites faire des fourmis. Tout est lié dans l'univers. Mais avant de parler de Toy Story 2, 3 ou 4, on va parler d'une suite délicieuse, puisqu'il s'agit de Cars 3. Donc, alors, mais c'est pas le pire Cars 3. Attends, c'est pas le pire. Cars 3, ça aurait dû être le 2, voilà, tout simplement. Moi qui ai pas vu le 2, pour moi c'était le 2. Ouais, c'est ça. Moi qui ai vu le 2, pour moi c'est le 2. Alors Cars 3, qui a ce truc, alors tu parlais, c'est rigolo, sur le voyage d'Arlo, genre le teaser, nous avons envie de rêve. Cars 3, il y avait vraiment ce truc là aussi, puisque Cars 3 c'était juste le crash de la voiture de Flash McQueen au ralenti. Énorme drame. Et surtout qu'on voyait pas les voitures en mode avec les yeux, assez réaliste. Ouais. Du coup, tu te dis, tu pouvais ne pas savoir que c'est un Pixar en fait. Exactement. Et là, c'est vrai qu'à celui-là, on a ça, un stade de photoréalisme qui est quand même assez impressionnant. Cars 3, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve quand même qu'il y a des choses ultra intéressantes. Bon, déjà visuellement, il y a des scènes que je trouve incroyables. Je pense à la scène de avec le bus. L'espèce de truc à la Mad Max où ils font une espèce de guerre avec c'est le bus, et je sais pas comment il s'appelle, le bus où ils se crachent la gueule dans machin, la reine là, ça c'est, j'adore cette scène. Et à côté de ça, il y a, enfin je trouve l'intrigue de je suis un maître Jedi et j'ai un apprenti. Ouais. Assez ouais. intéressante. Voilà. Bah, de laisser la place. Plus réussi que dans certains films avec des Jedi en ce moment. Il tire à balles réelles, c'est Valentin Vincent. Mais surtout que dans le 3, c'était une surprise, c'est pas l'intrigue. Le film, on te le vend pas comme étant un film de transmission, on te le vend comme un film de comeback. Et, ou avec un gars qui a réussi pendant longtemps, a un accident, et il se dit bon, ok, faut que je revienne, faut que je sois le numéro 1 comme ouais. avant. Mais c'est un peu un Rocky, genre voilà. il se prend une branlée au début et du coup il dit ok, faut que je gagne. Et en fait, la surprise, c'est que c'est un film sur la transmission, sur l'héritage, sur comment bah, prendre sa retraite. Et ça, c'est surprenant pour un Pixar, surprenant pour. Surprenant, et c'est du coup, c'est là où j'étais vraiment, vraiment accroché. Quoi. Et qui, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Qui dit, non, mais juste qui dit tu peux quand même t'épanouir dans la transmission ouais. presque plus. Que dans le truc où tu te dis non mais je suis toujours au top ouais, ouais. Je suis pas un vieux, je suis toujours là, ce qui est beau je trouve comme, mm. comme message. Et non, et ce qui est étonnant c'est que t'as l'impression que le film lui-même renie le 2 en fait. Il y a tellement ouais. plus rien à voir avec le 2 où c'était parti, on en parlera mais en gros c'est vraiment parti loin quoi, dans l'univers Bond, ouais, quoi, c'est vraiment ça, James ouais. Bond. Là y a, c'est vraiment un retour à un truc assez simple, c'est assez simple comme film. Il y a moi, plein de persos pas... qui dégagent hein, même c'est quasiment, il y a enfin, même son sidekick Martin, on le voit à peine. C'est le tracteur. Il y a plein de, pas un tracteur d'ailleurs, une dépanneuse. Mais il y a plein de personnages qui sont vraiment relégués. C'est un peu le Skyfall des Cars, je sais pas si. Le Skyfall des mais Cars. Mais après moi j'ai quand même pas sur le moment, mais je pense que c'était plus le bon, c'était le film qui j'ai vraiment eu l'impression quand je disais c'était le 2, j'avais l'impression qu'il fallait le faire pour le 2 et que là je m'en foutais un peu quoi. C'était un peu, je voyais un peu tout venir quand même, sauf peut-être effectivement enfin ouais, c'était pas très original. Bah moi, j'étais content de le voir quand t'es coincé dans un avion. Oui, c'est ça. Bien sûr. Je l'ai vu dans un avion. C'est les meilleurs films d'avion, ça. C'est film de. Bon, bah, faut le regarder, quoi. Exactement. Je vais profiter. Je suis assis, je ne peux pas bouger. Je l'ai vu lors d'une insomnie, pareil sur Disney Plus. Non, pas Disney Plus, parce que c'est. Disney Plus. Non, Disney Cinéma, pardon. Disney Cinéma. Et à 4h du mat tout seul. Et j'ai bien aimé. Moi, j'étais bien dedans. Non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, je suis d'accord. Et en plus, surtout, ça s'inscrit dans cette espèce de mouvance Pixar dont on aura l'occasion de rediscuter, de il y a des suites à tous leurs films. Et c'est vrai que c'est un peu, même si tu veux kiffer, il y a un truc un peu lassant de putain, c'est encore une suite quoi. Moi je sais que j'ai eu ce truc un petit peu quand même de j'aimerais des films nouveaux quoi. Tu vois, j'ai en avant. Peut-être en avant, mais il paraît que c'est vachement bien en avant. Bien hein. Soul. Les premières critiques. Il y en a deux là. Bah ouais, ouais. Bah, en même temps, on a eu Indestructible 2 et Toy Story 4 coup sur coup. Donc là, c'est cool d'en avoir un peu. Mais là, il y a deux cette année, c'est ça. Deux cette année. La dernière fois qu'il y en a eu deux, il y en a un qui était. Non, Soul, c'est pas l'année prochaine. Non, c'est cette année aussi. Je crois que c'est à Noël. D'accord, bon, écoute, on aura l'occasion d'en parler. Restons dans Cars, puisque le film juste au-dessus, c'est Cars 1. Cars 1 qui était censé être le dernier Pixar, puisqu'en attends, gros ça veut dire que Cars 2 est plus d'entrée. En même temps, les gens étaient Cars, ça a cartonné. Le nombre d'enfants qui ont des ballons, des machins Cars, c'est vraiment un truc qui a cartonné. Alors tu ne crois pas si bien dire, puisqu'après la sortie de Cars 1, j'ai un petit chiffre à vous donner. Disney a vendu plus de 10 milliards de dollars de produits dérivés dans les 5 années ayant suivi la sortie du film. Ça t'explique pourquoi le 2 a été fait à une vitesse record. Et c'est vrai que si vous marchez dans les rues de votre ville, beaucoup d'enfants ont des sacs cadeaux Flash McQueen. C'est vraiment sans même avoir vu le film souvent. Des t-shirts. Ah ouais, non mais c'est des petites voitures quoi. Enfin c'est con mais c'est les enfants, ils aiment bien les petites voitures. Donc ouais, Cars devait être le dernier film, puisqu'en gros Pixar, avant d'être racheté par Disney, était en fait une société à côté. Et Disney en gros achetait les films pour caricaturer, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais grosso merdo, Pixar faisait les films, Disney les achetait et les diffusait. Sauf que dans leur deal, Pixar ne touchait, je crois pas dire de bêtises, pas d'argent sur les produits dérivés, ou alors très peu. Et donc Pixar voulait négocier avec Disney le montant des produits dérivés, parce que ils en avaient marre. En l'occurrence, je viens de vous le dire, Cars par exemple, c'est fou quoi. Et Cars devait être le dernier, et ça avait été voté avec le président de Disney de l'époque. Pixar commençait à aller voir ailleurs. Disney commençait à développer des suites direct to vidéo de Toy Story, de Monstres et compagnie. Et au final, ils sont revenus, puisqu'il y a eu un deal de fait, ils ont changé de patron, je crois qu'il s'est fait virer, tout simplement. Les actionnaires ont viré le patron ou quelque chose comme ça, et donc Pixar est revenu. Et heureusement, puisque Cars a été un très très très gros succès, même si là on est en queue de peloton, mais ça reste. J'imagine l'actionnaire qui arrive, il fait « Vous savez quoi, Pixar, on n'a pas besoin d'eux. » Très bien, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Oui, parce que pendant ce temps-là, Disney, c'est La Ferme se rebelle, c'est Bienvenue chez les Robinson. C'était pas les plus gros succès. C'est ça, ils avaient du mal à exister en face de Pixar. C'est qui quoi. A fait Planes C'est Disney. Non, c'est Disney. Ouais. C'est Disney, c'est pas vrai. Bah, Disney, typiquement, c'était ce genre de projet, quoi. C'était on reprend des licences et on fait les films sans Pixar. Et c'était un peu moins bien. Mais Cars, moi, je déteste pas, mais j'avoue, c'est pas mon. Enfin, comme Cars 3, quoi. C'est des films où je suis passé. Je suis peut-être trop grand. C'est peut-être des films un peu plus pour la jeunesse. Moi, je l'ai vu après coup, parce que ça m'intéressait pas sur le moment. Et après, comme j'ai vu pas mal de Pixar en me disant, ouais, c'est quand même vachement bien, j'ai vu Cars et moi, je trouve qu'il est très bien. Pour le coup, pareil, c'est toujours. De toute façon, rarement les scénarios sont pétés dans les films Pixar. Et là, non, c'est pas un truc que tu critiques, les scénarios. Et non, Cars, je trouve que c'est un peu basique et tout, mais je trouve que tout marche bien. Après, voilà, c'est pas un film que j'ai revu énormément. Tout marche bien, Navette. Tout marche bien, Navette, pour faire une référence, un ticket pour l'espace. Voilà, un film que peu de gens auront, mais qui est un chef-d'œuvre. Cars, mieux qu'un ticket pour l'espace. Non, c'est vachement bien, un ticket pour l'espace. Allez voir un ticket pour l'espace. Et pourtant, ça parle de NASCAR, et Dieu sait qu'on s'en fout NASCAR. Non, mais ça va au bout du pari, et c'est vrai que moi je me souviens quand on avait vu le teaser du premier Cars, j'avais un truc genre, ah oui, donc dans le public, il y a que des voitures, enfin. Je me souviens, mais dit, bah c'est un peu ridicule. Enfin, quand j'avais vu que la bande annonce, je pense qu'en plus je commençais à être un peu ado, donc genre les films c'était pour enfants, c'est trop nul. Tout le monde s'est hipsterisé, à regarder les modards et tout. Complètement. À regarder South Park en disant, mais c'est ça les génies en fait. Ils critiquent des choses. Car ça critique rien, ok. Mais non, mais c'est. Mais force est de constater qu'en vrai, c'est très très cool. Et puis ça a touché une génération entière de gamins. C'est-à-dire que vraiment, et c'est pour ça que je pense qu'ils en ont fait trois. Les enfants sont comme des oufs avec Cars, quoi. C'est vraiment leur fille. J'étais avec des enfants d'amis à moi, et vraiment, Cars, ils sont en boucle là-dessus, quoi. Mais Cars, c'est un peu le film de Pixar où, moi, ce que j'ai beaucoup aimé à l'époque, c'était de découvrir l'univers, d'essayer de comprendre jusqu'où allait le délire de ce monde de voitures, dans le sens où même les montagnes ont des formes de voitures. Des formes de moteurs, le monde est très étrange. C'est là où, justement, sur Internet, t'as des gens qui théorisent sur qui sont les voitures, est-ce que ce sont des mutants, et t'en as qui ont même fait des comment dire, il y a une vidéo je crois sur ces films terroristes, c'est à quoi ressemble une voiture de l'intérieur, les organes, les yeux et tout, horrible, machin, et où sont les humains, est-ce que les voitures ont mangé les humains, et en fait c'est fascinant quand tu vas là-dedans, c'est horrible en fait, c'est un film d'horreur en fait. Directement. J'ai vu Flash McQueen en vrai à Disneyland, figurez-vous. Alors, à quoi il ressemble? Il est pas ouf, hein. Il est pas ouf, surtout qu'il fait pas des cascades de ouf. Puis prétentieux. Il est très prétentieux. C'est le meilleur. Mais c'est quoi physiquement? C'est une voiture. C'est une vraie voiture dans Moteur Action, là, le spectacle. Le spectacle Action. De cascade de Rémi Julienne. François, tu sais que ça n'existe pas. Hein. Non. Mais, non mais, je voulais prendre mon billet pour le rencontrer, mais. Non mais parce que je me suis vraiment dit. C'est une vraie bagnole. Mais il parade et... pas. Non, non, il non. Il marche pas dans le parc avec les. Il prend les photos des enfants. Non, c'est vrai. Il cartonne des mômes. Il y a eu un drame à Disney. Grave, il a écrasé trois gosses. Faire vraiment attention. Il y a des dérapages au milieu. C'est un bordel. À Moteur Action, en fait, c'était un spectacle de cascade qui n'existe plus, je crois. C'est un spectacle de cascade. Oui, c'est une époque. Un vieux tournage horrible. C'est ça. Et à une époque, il y avait même la coccinelle avant qu'il y ait Cars. Et les gamins étaient là. Yeah, la coccinelle. C'était Choupette. Évidemment, Choupette. Et du coup, avec le temps, ils faisaient genre, on a un invité surprise. Et c'est Flash McQueen, est juste une bagnole qui fait des tours en disant. Mais il avait des yeux ou pas? Oui, il avait y avait des yeux. Et mais les yeux bougent pas. Les yeux bougent pas. Non, c'est nul. C'est nul. Et puis c'est une Twingo, donc c'est. C'est nul. Un Fiat multiple. Il y a les yeux, les phares là, on dirait les yeux. Allez. Ça c'est très drôle d'ailleurs parce que ça fait aussi partie des concept art que tu peux voir, parce qu'il y a des très beaux livres, alors que je vous conseille si vous êtes blindé, c'est les The Art of et là, chaque Pixar. Non, moi je les ai pas. T'imagines, je suis pas blindé à ce point. C'est te dire à quel point ils sont chers. Très blindé. Ouais, et du coup tu voyais qu'ils avaient testé mine de rien les voitures avec les phares, enfin où les yeux c'est les phares, ce qui est le truc que tous les enfants font quand ils imaginent des voitures humanoïdes, et ça marche pas du tout quoi. C'est d'un coup ça leur fait vraiment une gueule chelou. J'imagine que ça doit être horrible. Et en fait non, le mieux c'est vraiment de les mettre comme ils ont fait sur le pare-brise. C'est vrai qu'il faut pas trop rechercher le comment ça marche ce monde quoi, parce qu'il y a plein de trucs très chelous. Mais d'ailleurs, quoi. Dès qu'ils commencent à un petit peu trop l'humaniser, c'est nul. Dans le 3, dans le côté, ils savent faire plein de trucs et tout, ils s'ouvrent des portes, machin, et en fait, ça commence à plus marcher. Quoi. Oui, d'un coup, ça devient la voiture de Roger Rabbit. Et puis ils marchent sur ses pattes arrière. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Parce que oui, mais même dans le 3, genre à un moment ils font du tapis de course et genre ils ont un casse VR et tu fais bon là c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? On continue. Ils baisent aussi, non. Non. Il y a un truc, ça me fait penser. Ça doit exister en porno, oui, hein, forcément. Il y a les séries de vidéos Pitch Meeting, il y en a une sur Toy Story et qui relève quand même une grosse incohérence du premier où il dit que tout le monde. Enfin, quand les humains sont pas là, ils sont vivants et dès qu'ils arrivent, il faut se mettre en jouet. Buzz l'éclair, tout le pitch du film c'est qu'il est persuadé de pas être un jouet Et il dit, ça veut dire que jusqu'ici, avant la rencontre, il vit normalement, il se met jamais. Pourquoi il s'arrête pas de. Ouais, pourquoi, ouais. Pourquoi il est pourquoi fixe quand dans la boîte un humain, même, il est fixe. Pourquoi? Parce que. Et du coup, effectivement, tu fais. Vrai. Ah, oui. Ça ne tient pas. C'est très drôle, il y a 2-3 incohérences comme ça. Il y en a une où j'ai chopé une interview où ils disent alors on l'a noté, mais je pense que là, de ouf. Là, relou. Je pense que c'est un peu ça. C'est que ouais. Tu dis, bah là, bah, c'est le concept du film. Bah, ils en ont fait 4 où tu crois en l'univers, donc mine de rien, c'est que ça doit aller, quoi, au final. On reste dans les suites. D'ailleurs, tu parles de Toy Story, puisqu'il s'agit de Toy Story 2. Vous ne l'entendez pas, mais je mets la chanson la plus déprimante au monde. Ah, de Sarah McLachlan. Ouais, sur Jesse qui se fait abandonner par une petite fille. Tu sais quoi, t'en as parlé, je chiale. J'entends même pas et je chiale. C'est une chanson un petit peu triste. Alors que Toy Story 2 est peut-être un des Pixar les plus drôles, je trouve. Et c'est drôle parce que je le dis vraiment sur une chanson d'une tristesse folle. Bah, le bêtisier était déjà dans Mille et Une Pattes pour le coup. Oui, je crois que c'est lui qui l'avait commencé en premier. Ouais. Mais Toy Story 2, qui est une vraie comédie, qui est même un spoof movie presque des fois, puisqu'il parodie vraiment des scènes de films. Toy Story 2, est-ce que tu aimes ce film, Valentin Vincent? Oui. Voilà. Et eh bien, bonne soirée. J'étais en train de penser aux bêtises en me disant que ça a ruiné mon. Moi, ça m'a. Quand j'étais petit, voir des fausses prises et tout de Mille et Une Pattes, je comprenais plus rien, quoi. Ça y est, c'était vrai, quoi. Donc, c'était vraiment. Devenu fou à cause de ça. Tu voyais un clap, ouais. Non, tu voyais le clap par il rigole. Dans le 2, il pète dans la boîte. C'était hilarant. C'est hilarant. Très bon gag. C'est hilarant. Très bon gag. Non, moi, j'ai beaucoup aimé le 2. Petit trivia, puisque vous savez, je suis un peu monsieur. Je suis un peu le monsieur Cinoche. Non, mais je suis un peu le Tales from the Crypt. Tales from the Crypt, oui. Téléphone de clic de ce podcast. Sachez que dans cette séquence post-générique du bêtisier, et ben écoute, pour Disney+, il y a eu un petit editing, puisque parmi les séquences, il y avait Papy Pépite qui disait à des actrices dans une boîte. Dis donc, tu veux jouer Papy dans Weinstein. Toy Story. Ouais, c'est ça. Qui disait, dis donc, tu veux jouer dans Toy Story 3. Bah viens dans ma loge, machin et tout. Et vu que John Lasseter a été accusé d'agression sexuelle sur des femmes, du coup, Disney s'est dit. Peut-être on va enlever cette séquence. Est-ce que le fait d'avoir lâché cette information sur John Lasseter va pas pourrir tout le reste du podcast? Ouais, non, mais bon. Et tous nos souvenirs maintenant sont pas gâchés. Bon, écoute, on a commencé avec Kevin Spacey, Woody Allen. Donc, oui, cette séquence a été coupée, mais c'est vrai que c'est un film très très drôle, une grosse comédie. C'est aussi le film, alors je finis mes petites trivia, qui a prouvé qu'en fait, dans le premier Toy Story, les jouets, quand ils clignaient des yeux, c'était jamais en même temps. C'était un peu décalé. Et les gens se demandaient si c'était un bug ou si c'était un truc de voulu. Et en fait, dans le 2, ils le refont. C'est un truc vraiment qui était voulu pour leur donner un aspect. Bah, c'est pas vraiment des humains, c'est des jouets. Donc voilà, c'est juste la petite anecdote. Si vous voulez vous la péter. Ouais, oui. Moi, j'ai galère avec les dinosaures. Avec bon, très bien. Timothée Hochet, est-ce que tu apprécies ce film? Oui, j'ai grandement apprécié. En vrai, il faudrait que je le revoie parce que je me rappelle surtout de ce moment horrible où on abandonne ce jouet. Et ça m'a marqué vraiment très très très très très très fort. Ouais. Et le bêtisier aussi où je faisais ah trop bien, ils ont tourné et tout. Et je faisais, attends. Et là, en effet, ça perturbe beaucoup. Mais c'est super. C'est vrai que si tu pousses la réflexion, tu te dis putain, il y a vraiment des animateurs qui sont en train de trimer sur un faux métier en disant c'est pas drôle hein, notre métier. On essaie de faire croire aux enfants que c'est marrant, c'est vraiment le pire truc. Quand on leur a dit surtout. Alors maintenant, ils en pouvaient plus et tout. Maintenant, on va faire un bêtisier. Mais pourquoi? C'est fou. Alors surtout que, alors voilà, tu me relances parce que c'est un film qui a été fait dans l'urgence la plus totale, justement parce que Disney voulait faire un 2 direct to vidéo. Et John Lasseter avait dit, bon, moi je viens d'enchaîner Toy Story 1 et Mille et Une Pattes, je suis claqué, je pars en vacances avec ma meuf. Et dans l'avion qui l'amène tranquillement à ses petites vacances, le John Lasseter lit le scénario de Toy Story 2 et se dit que c'est infâme. Et ouais, il dit c'est horrible. Donc en fait, il a écourté ses vacances et avec toute son équipe. Il est en parachute, il est revenu au bureau. Allez, je m'en vais. Et en fait, ils ont retaffé tout Toy Story 2 en seulement 9 mois avant la sortie du film. Sachant que 9 mois à l'époque avec 8 mois de rendu. Ouais. Parce que les ordinateurs étaient tellement. Mais tu ne crois pas si bien dire, avec quand même l'ultime blague qui est dispo dans un documentaire, j'ai oublié le titre, mais sur Pixar, c'est qu'un des employés a supprimé le film. Alors ça, c'est hyper intéressant comme histoire parce qu'ils en parlent dans Creativity Corporation, le bouquin sur le Pixar. Et ça, c'est un super exemple de management. Puisque en gros ils disent voilà, c'était la merde, machin et tout. Un employé, ouais, a effacé le film. Il a effacé et tout. Et du coup. Le premier truc, c'est comment ils ont réagi par rapport à ça. Alors déjà, le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que donc la personne qui avait effacé tous les fichiers, tout. Bah, c'est DreamWorks. Voilà. c'était quelqu'un qui avait fait une manip pour sauvegarder. Du coup, c'était pas de sa faute techniquement, même si il était responsable d'un désastre potentiel, il n'avait pas voulu le faire. Il n'avait pas fauté. Il n'avait pas fauté. Du coup, ils ne l'ont pas dénoncé. Ils n'ont pas dit « Ah, il y a Michel de la Conta qui a fait ça ». Du coup, ils ont gardé son nom secret pour pas qu'il se fasse pourrir et tuer par tout le monde. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont réussi à avoir des backups grâce à une employée qui était, je crois, en congé maternité. Ouais, qui s'occupait de son nouveau-né. Et qui avait... parce qu'elle voulait bosser depuis chez elle, avait fait un backup sur son PC, quoi, de tout le film. Et du coup, ils se sont rendus compte que, ben, en laissant les gens être un peu autonomes, et c'est comme ça que tu laisses travailler chez eux, tu laisses prendre des initiatives, et ben, tu sauves ton film. Et donc, c'était une bonne leçon de management. Et aussi de ne pas virer quelqu'un qui n'a pas fauté en faisant exprès, alors que c'était grave ce qu'il a fait, mais ce n'était pas de sa faute, quoi. Donc, c'est juste quelqu'un qui a fait « je vais sauvegarder ». Et ça fait, c'est tout. Mais il a fait pomme cul au lieu de Thomas. Et pomme cul, ça virait tout. C'est là où ils se sont dit que leur idée était passée. Apple, ils ont fait bon. Mais c'est dingue que ce soit une époque, enfin l'époque où vraiment il y avait cette expression, tu peux supprimer un film sans faire exprès. Ou en fait, je pense qu'ils ont corrompu, tu vois. Genre, il a sauvegardé, l'ordi a lâché, et en fait, du coup, le fichier était corrompu et tu pouvais plus rien en faire, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas une multitude de copies. Bah ouais, c'est mais parce qu'ils l'ont fait tellement dans l'urgence, c'est ce que te dit le documentaire aussi, qu'ils n'avaient même pas pu faire un truc genre on fait plein de copies et tout. Il y avait une copie où il fallait tracer dessus pour que le film soit prêt à temps. Donc voilà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je trouve ça super que ce soit que le 2 qui soit une grosse, grosse comédie. Et qu'après il soit parti sur un 3 qui est plus même un peu triste, et que le 4 est encore autre chose. Je trouve ça génial que dans une saga il soit parti sur Josh Whedon le cite comme un des films les plus drôles qu'il ait jamais vu, le 2. Ouais. D'accord. Alors qu'il avait écrit sur le premier. On continue tout doucement avec un classique pour le coup, peut-être le classique des classiques, peut-être mon Pixar préféré. En tout cas, je crois que c'est celui de Valentin Vincent. Il s'agit de Wall-E. Alors Valentin, si tu peux nous parler un peu de Wall-E. Bah c'est un film parfait. Non mais et en fait je précise, c'est les 45 premières minutes d'un film les plus parfaites, quoi. Le début est incroyable et tout est bien, mais limite c'est ce qu'a presque fait Arlo et a raté, mais j'allais dire j'aurais presque préféré que tout soit muet comme ça comme le début, mais mais non, j'adore ce film. Alors je dis ça, je l'ai pas vu depuis quelques temps, mais quand je l'ai vu, c'est le film qui m'a fait dire justement après Cars ou comme toi, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais passé à autre chose, ça m'intéressait plus les dessins animés, etc. C'est en voyant Wall-E avec mon cousin, voilà, que je qu'on embrasse, non, où je me suis dit ah ouais, waouh, c'est incroyable là ce que je viens de voir. Et vraiment, c'est ce film-là qui m'a fait réaliser que les Pixar étaient intéressants, et où je suis allé retourner, où je suis allé voir Cars alors que j'étais passé à côté, où je suis allé revoir tous les autres, etc. Et donc voilà, je sais pas, je dis ça, faudrait que je le revoie, mais j'en ai un souvenir incroyable. Et ce personnage est fou, t'as tellement d'empathie pour juste deux yeux, et même pour Eve qui est juste un truc blanc, quoi. Et tout est, voilà, c'est vraiment très bien comme film. François, moi j'étais plus vieux, donc moi je savais que c'était bien, hein. Moi, j'étais un peu au-dessus de vous à cette époque, j'étais éduqué. Mais j'ai adoré. C'est un film de SF, et en même temps tout le monde peut le regarder sans être fan de SF. C'est comme les 45 premières minutes, il n'y a pas un dialogue. Après, c'est un film qui est très étrange sur beaucoup de trucs. C'est que c'est un film qui commence où les humains sont filmés par des comédiens. Donc on voit dans des pubs un comédien. Ouais. Donc c'est l'humain, c'est des gens comme nous. Oui, dans la comédie musicale, tout ça. Ouais, ouais, t'as les vidéos des comédies musicales, donc tu te dis ça se passe sur Terre, et en gros tu te dis c'est un monde où les robots sont en 3D, mais les humains ont existé et tout. Puis après, à la fin, t'as des humains en bibindome en 3D. C'est un drôle de choix quand même. Qui est hyper. En fait, c'est pour ça que le film est tellement. Moi, j'aime beaucoup le film, mais le film, les 45 premiers minutes sont tellement bien que les gens ont oublié la deuxième partie qui est entre guillemets plus classique, qui est un peu en dessous, mais qui reste très bien. Qui est moins spectaculaire. Et moins original. Mais c'est parce que le début est tellement incroyable que les gens ils disent je me rappelle de Wall-E, ça se passe sur Terre. Non, ça se passe sur Terre au début. Le film se passe dans un vaisseau spatial avec des mecs dans des fauteuils roulants volants. Il y a un méchant et tout ça. Il y a un méchant et tout. Et les gens oublient. Il y a un robot qui est vraiment le méchant de 2001. Mais c'est très bizarre. C'est fou comment les gens ne se souviennent pas du tout de ces. Enfin, pas du tout, moins de ces personnages-là, alors que pourtant ils sont importants. Ouais. Ils se souviennent vraiment de Wall-E tout seul sur Terre. Mais j'en parlais avec un pote, on dirait qu'ils ont. Enfin. La sensation que j'avais, moi, parce qu'au début, moi, je me souviens d'avoir été très désarçonné par. Enfin, en plus, pareil, j'étais tellement conquis par les 40 premières minutes. Mais surtout qu'ils l'ont caché dans les bandes annonces. Ouais, ils n'en parlaient pas du tout. Et c'est vrai que ce truc arrive tout de suite. Et du coup, avec beaucoup de comédie liée à ça, puisque quand ils tombent, ils font boing boing, tu vois. Il y a des réparties entre le robot et le capitaine, ça s'envoie des vannes et tout. Et d'un coup, on n'est plus dans un truc. Et je me souviens, mais dis putain, c'est j'ai l'impression qu'ils veulent foutre toute la SF, enfin genre ils veulent faire le film somme de la SF, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait les robots, l'espace, tout ça, et maintenant faut dire bon alors faut faire maintenant la société un peu le Black Mirror quoi, tu vois, faut faire la version un peu pétée de la société actuelle. Et je comprends ce que ça veut dire, parce qu'en fait c'est extrêmement logique avec le propos, à savoir on a abandonné la Terre et on a foutu, enfin je veux dire on est devenu des machines à consommer machin tout ça, donc c'est logique dans le propos. C'est, mais c'est vrai que même en structure scénaristique, c'est très bizarre. Il y a vraiment c'est vraiment le point central. C'est deux films différents. Ouais, c'est deux films collés, on dirait presque. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que après, quand justement le fait de arriver dans un nouvel univers, présenter des nouveaux persos et tout, c'est vrai que c'est pour ça que ça marque moins. Même si je trouve que globalement, ils se débrouillent très bien, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que au final, l'humain qui devient son pote et tout machin, c'est des personnages que tu oublies complètement. Et le méchant, encore une fois, je suis très surpris par ce choix de méchant. C'est étrange en fait de vraiment copier-coller le méchant de 2001. Ouais, c'est pour ça que je te parle de film somme un peu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc de. Et il y a un milliard de références, tu les connais, Valentin. C'est sur le. Non, mais je veux dire, le mec qui a fait le son par exemple de Wally, c'est un très. C'est Ben Burtt. Et on peut dire aux gens qui c'est peut-être Pas du tout. Non, c'est celui qui a fait le sound design de Star Wars. De tous les vaisseaux, de tous les droïdes. Et c'est lui qui fait la voix de Wally et de Eve. En fait, j'avais l'impression vraiment, en regardant pour la première fois, d'avoir un film d'animation qui me paraît pas comme un film d'animation, qui me paraît comme du cinéma pour moi. Et j'avais pas encore fait à l'époque ce truc où en fait ça peut être du cinéma et ça peut donner des émotions hyper fortes et un truc presque plein d'hommages à plein de films et plein de. C'était une vraie expérience de cinéma avec un film d'animation, c'était très étrange, c'était la première fois que je le vivais moi, d'avoir ce truc de putain c'est sérieux, c'est Rebelles de la forêt. c'est aussi parce que techniquement techniquement ils avaient testé un nouveau truc, enfin c'est la première fois où Pixar faisait un vrai gap en termes de technique d'animation et surtout d'image, où ils essayaient de reproduire à 100% un rendu de caméra. Ouais. Et c'est le premier Pixar où ils avaient un conseiller de lumière qui est. L'image est super belle. En fait, c'est Roger Deakins qui était le conseiller. Et donc, Roger Deakins, un des meilleurs chefs-op du monde. Peut-être pour le dire aux gens. Skyfall, 1917 et tout. Il vient d'avoir un Oscar pour 1917. C'est vrai qu'il fait Dragon, il fait de l'animation et du cinéma. Et du coup, d'avoir un vrai gars qui leur dit en fait, vous explique comment les vraies caméras fonctionnent. Ils mettent des défauts d'optique. Ils mettent des défauts d'optique. Ils créent la lumière pour que ce soit naturel et pas parfaite comme beaucoup de films d'animation. Et du coup, y a des problèmes de points, des petits trucs où vraiment tu sens que c'est réel, quoi. T'as l'impression. Et comme le début, t'as pas de référent humain, tu peux, comme tu dis, croire que c'est un film de cinéma et pas forcément un film d'animation. Parce que t'as ce rendu. Le travail, même sur le son, est vraiment fou, quoi. Y a un vrai truc, et je sais plus quelle chanson ils mettent. Y a une chanson, avec les. La cassette, Put on Your Sunday Clothes. Je crois que c'est ça. Mais enfin, il y avait un truc très très très très beau et où c'est pas juste on va sortir une musique traditionnelle. Enfin, il y avait une vraie patte et un vrai propos artistique. Et la fin est déchirante en plus. Moi j'ai quand même un défaut dans ce. C'est parce que on peut spoiler. Tout à l'heure. J'ai les 45 premières minutes surtout. On peut spoiler, on est d'accord. Depuis tout à l'heure, on raconte les résumés de films. Ouais. Non, moi j'ai un tout petit truc, c'est que peut-être je suis juste un gros con, mais dans tout le film, je le trouve mine de rien assez réaliste. Enfin, réaliste, c'est plausible ce qui se passe. Et c'est juste que la fin, quand il se souvient de rien, et il se souvient juste de tout, parce qu'un contact entre entre lui et là, je me suis dit, c'est vraiment. Le pouvoir d'amour. Ouais, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois pas en amour. C'est l'amour en fait. Ouais, mais je déteste ça. Je déteste ça. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais je pense que je suis juste un vieux con. Non, mais voilà, ce truc de cette étincelle fait un peu. Qui est la même étincelle que dans Le Gendarme se marie. Quand même. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Pour moi, c'est un plagiat éhonté du Gendarme se marie. Je pense que c'est un hommage. Au début, Wally devait faire Wally, voilà. Elle veut. Oh, ma biche. Moi, je sais pas faire de pièces. Oh, mais... Je fais pas si mal. Dans les clins d'œil, en fait, c'est aussi un très gros hommage à Pixar et à Steve Jobs. Je crois pouvoir dire que Steve Jobs était déjà décédé à ce moment-là. Steve Jobs. Ah ouais, il me semblait que c'était dans ces eaux-là. Pardon, autant pour moi. Enfin, mais en tout cas, il y a beaucoup. Il devait pas être en grande forme. C'est quoi, c'est 2009, un truc comme ça, Wally? J'en ai aucune idée, parce que tu vois bien que je lance des infos au hasard total. C'est plus tôt que ça. Attends, je regarde vite fait. Wally 2008, mort Steve Jobs. Je mets des trucs très violents sur Google d'un coup. 2011, autant pour moi, c'était quelques années après. Mais effectivement, il n'était pas non plus dans le marathon. Hein. Donc il y a beaucoup de clins d'œil effectivement à Apple. Quand même, quand Wall-E démarre, ouais. C'est le bruit du Mac. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis même rendu compte que pour créer Eve, ils ont demandé de l'aide à Jonathan Ive, qui est la personne qui a designé l'iPod. Donc, tout qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Apple, ce qui explique ce rendu en vrai pas si loin d'Apple. Très blanc. C'est vraiment le prochain Mac Pro, je pense. Ce design. Et d'ailleurs, dans Wall-E, il y a aussi cette scène quand même qui est folle avec l'extincteur qui est magnifique, je trouve, ouais, et qui est un peu reprise par Sandra Bullock dans Gravity. Oui, je voudrais quand même le dire. C'est un peu la même scène. Voilà, j'avais besoin de le dire parce que sans la musique de qui, c'est quoi la musique Newman? Non, je sais plus. La musique est cool aussi de Wall-E. Je crois que c'est le fils Newman. Thomas Newman. Je crois que c'est Thomas Newman. C'est un neveu, un fils. Je sais plus. J'ai appris, et j'aurais pas le chiffre exact, que dans leur famille Newman, il y a genre 92 Oscars, un truc. Enfin, c'est. Est-ce que tu n'aurais pas écouté le dernier épisode de Total Tracks? Total Tracks, très bon podcast. Je dis un chiffre vraiment au hasard, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le film d'après, je pense qu'on a un petit peu moins de choses à dire, parce que c'est un film assez décrié de Pixar, alors que c'est un film très attendu, ne serait-ce que pour des questions de enfin une représentation de princesse badass. Maintenant, c'est la norme, mais à l'époque, c'était un peu plus surprenant. À l'époque, c'était. Puisqu'il s'agit du film Rebelle. Ouais. Rebelle qui, encore une fois, dans cette longue tradition des teasers de Pixar qui t'annonce un film. Super. Et qu'en fait le film parle d'autre chose. Oui. Rebelle, pour le coup, ça fait l'effet contraire. Voilà, parce qu'ils nous avaient quand même caché. Je voulais voir un bon film. Bah finalement c'est un mauvais, c'est surprenant. Rebelle, alors on est pas très fan de Rebelle. Ah, je l'ai pas vu, j'ai critiqué. Ah, tu l'as pas vu? Oh. Timothée, toi tu l'as vu? Oui, je l'avais vu dès qu'il était sorti parce que je pensais que ça allait être un super film en effet grâce à la bande-annonce et c'était vite. Et ensuite j'ai vu et j'étais un peu déçu parce que c'était très classique, très. Je trouvais pas qu'il y avait de trucs vraiment hyper émotionnel ou intense ou c'est ça, c'est que c'est pas nul, c'est pas insultant, non, c'est pas, mais pas c'est vrai tout. Que c'est très décevant, mais ouais. C'est surtout, c'est le problème de Pixar justement, que comme pendant très longtemps leur film, chaque film est un classique instantané, un modèle pour des générations, quand un film est sympa, tout le monde dit c'est nul. Ça aurait été quelqu'un, mais personne ne dit ça des pingouins de Madagascar par exemple. Non, mais c'est vrai, ça aurait été un autre studio, c'était un bon film. Mais en parlant d'autres studios, je pense qu'il a souffert de Dragon aussi. Je crois que c'est à la même période. C'était les Et là, DreamWorks qui avait un peu galéré pendant quelques années avec des monstres contre aliens, machin, pas incroyable, qui débarque avec Dragon qui est juste fou. Qui pour le coup, tout le monde disait. C'est à un ou deux ans près, c'est un truc comme ça. Et tout le monde disait, en gros, juste que Dragon c'était un Pixar quoi. Mais qui est un ancien Disney Dragon d'ailleurs, je crois que c'était à des gars de Lilo et Stitch qui avaient. Oui, exactement. C'est ça, bien sûr. Et je pense que parce que c'est un peu le même univers, un peu écossais, viking, tout ça, et donc je trouve que ça avait souffert. Et pour tout, moi après j'avais aucun souvenir en fait de Rebelle, juste qu'il y avait quand même un design assez étonnant pour les personnages qui ne sont jamais et pour les humains même. Pour les humains, c'est ça. Un design très cartoon, très plat, avec des nez tout plats, des trucs, des visages très géométriques qu'on n'a pas revu dans d'autres Pixar. Et mais ça, je trouvais que c'était une bonne idée pour le coup. Ça changeait. Une musique très belle aussi, je me rappelle. Oui. Je crois que je me rappelle de la musique qui était vraiment très belle, très écossaise et tout ça. Bon. Et c'est le réal du Prince d'Égypte, non? C'est Chapman ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai pas toutes les infos. Un projet qui pouvait être très bien et j'en ai aucun souvenir. Pour et alors, bon oui, effectivement, on spoil comme des salauds depuis le début, mais bon, Rebelle, peut-être vous l'avez pas vu, donc je vais le spoiler. Mais il y a une intrigue assez similaire à Frère des Ours, mais quand oui, même. Qui était un film surprenant celui-là. Qui était un film. Ouf, mais qui était Disney aussi. Mais en fait, t'avais la même intrigue un peu de réincarnation, de réincarnation en ours et de je veux tuer un ours, mais en fait c'est la réincarnation de machin et du coup je sais que. Et c'est un ours en plus. Et c'est un ours, c'est le même animal. Mais Frère des Ours, l'intrigue, elle est tragique, mais de ouf quoi. Il est horrible ce film. Il est horrible ce film. C'est un film pour enfants dans lequel. Alors je vous résume le film. Frère des Ours, c'est un film sous-côté de ouf. C'est un. Allez, trois frères. Ils sont super potes au début. Ils sont en mode on est trois frères, on est trop bien, on est trop content. Le premier frère, je crois, l'aîné, on lui dit il y a un ours, machin et tout. Il va pour le tuer, il se fait tuer par l'ours. Bim, le premier frère, il est mort, il est dead. T'en enlèves un. T'en enlèves un. Deuxième frère, il dit je vais venger mon grand frère qui a été tué par l'ours et tout. Il tue l'ours, mais en tuant l'ours, il y a une malédiction qui tombe sur lui et il se transforme lui-même en ours. Donc le deuxième frère est un ours. Le troisième frère, qui est le petit frère, il dit je vais tuer l'ours. Donc il veut tuer son grand frère en fait. Attends, c'est pas fini. Le deuxième frère, qui est devenu un ours, il se fuit dans la forêt, il est en mode merde, je suis un ours et tout, personne ne le croit, personne ne l'entend, il peut pas parler et tout, etc. Il rencontre un petit ourson tout mignon, qui est un peu chiant, mais qui devient un peu son pote. Il dit, bon, on va rester ensemble et tout. Qu'est-ce qu'il dit, le petit ourson? Il dit, ouais, il y a ma mère qui est partie, elle a besoin de venir me chercher. Twist. Ah bah oui. En fait, il a tué sa mère et son pote. Et je me souviens avoir rarement eu alors c'est pas au cinéma, c'était à la télé, mais dit, mais comment ils vont s'en sortir là, c'est shitsperien quoi. Tu deviens pote avec un gars et en fait t'as tué sa mère et il le sait pas, et toi tu le sais, tu fais waouh, ça nous a et changé. Ton frère veut te buter parce qu'il pense que t'as tué ton autre frère. Il pense que t'as tué toi. Merdier, ouais, c'est ça. Et tu dis non, et à la fin, bon, c'est pas aussi voilà, c'est ça. Et à côté de ça, c'est Cad et Olivier qui font des caribous. Voilà, qui est quand même aussi plaisant. Voilà, c'est quand même plaisant aussi. On revient à Un ticket pour l'espace. Je suis content. Ça fait deux fois qu'on cite ce film dans un podcast consacré à Pixar. Non, frère des ours, c'est très très bon film. Qui fait partie de cette génération de films qu'ont eu une salle. Enfin, fin 90, début 2000. Il y a eu plein de films qui sont passés un peu à trappe, comme La planète au trésor, Cusco, comme Dingo et Max. Ouais. C'est des films qui sont vraiment bien. Ouais. Et je vous invite à les regarder si vous aimez Dingo et Max, incroyable. Ce Dingo et Max, c'est un classico. La planète au trésor, ça m'avait marqué de ouf. C'était. Et ça, pareil, j'ai regardé une vidéo, et c'est pareil, développement L d'une dizaine d'années. En fait, c'est les mecs qui ont fait La petite sirène, qui à chaque fois revenaient avec l'étonnant et on leur disait. Non mais cassez pas les couilles, faites si vous faites un autre succès c'est bon. Donc ils font Aladdin, faites encore un autre succès. Bon, ils font Hercule et genre ils en font un tous les deux ans. Et quand ils font enfin leur film de cœur de machin, ils se plantent 2000. Ouais. Ne pas croire en ses rêves. Leçon du jour. Qui est la leçon d'un des Pixar, mais pas celui d'après. Puisque oui. Celui d'après, nous sommes. Je suis désolé, on y retourne dans l'univers de Cars. Mais putain! Avec le 2. Ah, c'est parlé! Avec le 2, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous l'entendez pas, mais dans nos oreilles, il y a Benabar qui nous régale. Et oui, c'est lui qui avait fait une petite chanson pour Cars 2. Il avait fait la chanson Mon cœur fait vroom. Benacar. Benabar. Blablabar. Blablabar. Oh merde. Oui, donc Cars 2, alors le film de chevet de Valentin Vincent. Je le critique beaucoup. Qui regarde pour s'endormir. Non, mais parce que j'ai pas aimé sur le moment, mais je l'ai jamais revu. J'avais pas de souvenir. J'étais juste déçu de ça partait trop loin. Ça avait pas. Pareil, bien aimé la bande annonce quand ils ont annoncé que ça allait se passer dans le monde entier, qu'il allait y avoir des voitures en France et tout. Oui, il y avait une voiture de Formule 1. Mais oui, moi je vous pensais voir une R5. Qui parlait français. Doublé par qui? Par moi, mon gars. Et non, en fait, ça m'avait beaucoup déçu parce que c'était juste un film un peu fou d'espionnage et tout, mais où du coup t'avais envie de dire pourquoi les voitures quoi. En fait, justement, les indestructibles à la limite, il y avait un truc d'espionnage, voilà, ça marche très bien parce que c'est pas des voitures. et ouais, je sais plus, bah, voilà, je critique énormément, mais en vrai, je m'en souviens plus. Mais c'est presque un film qui n'est pas canon dans l'univers Cars en fait, c'est ça qui est fou. Non, mais voilà, pas grand chose à dire. J'ai envie de dire enchaînons celui d'après qui est vraiment très très cool, qui est, je crois, mon préféré à moi, avec peut-être un autre qu'on n'a pas encore cité. Et on va te juger tout de suite. Non, je crois pas, puisqu'il s'agit de Monstres et Compagnie. Ça va, Monstres et Compagnie. Monstres et Compagnie, un film que je trouve incroyable. Enfin, pareil, on parle d'histoire qui se tient de A à Z avec des thématiques fortes et en même temps des retournements de situation, qui est un truc qu'en plus j'ai l'impression que Disney applique maintenant à tous ses films. C'est-à-dire que tu regardes. Enfin, j'ai l'impression que les Le méchant doit toujours être caché. C'est ça, le méchant c'est un gentil pendant tout le film et à la fin en fait c'est un méchant. Voilà. Et Monstres et Compagnie, il y a de ça. Et c'est un film que je trouve vraiment j'ai envie de dire aussi parfait, parce que là pour le coup en plus l'humour est très drôle, l'émotion est très triste, ça soulève l'univers tient debout de ouf. Et c'est dingue comment les persos tiennent la route et les gens se souviennent d'eux au-delà de ce que je trouve génial avec Monstres et Compagnie, c'est que vraiment le duo de personnages, pourtant c'est des monstres, l'un c'est un œil, l'autre c'est une boule de poils, et pourtant les gens les conçoivent comme des personnages vraiment forts en trois dimensions, surtout Mike, Bob, c'est marrant, Bob Radowski, doublé par Billy Crystal. C'est fou comment il marque les gens, il est drôle et tout, etc., alors que techniquement c'est un œil avec des bras et des jambes, tu vois. Donc ils ont réussi vraiment à les rendre touchants, à les rendre vraiment forts, ces personnages, alors que c'est des monstres, quoi. Enfin, c'est des mondes. Après, il y a aussi ce truc, on en a pas beaucoup parlé depuis le début, mais Pixar, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils font un peu du star talent. Alors, savoir, le star talent, c'est le thème qu'on utilise pour dire on prend des acteurs un peu connus pour jouer les personnages, sachant que Pixar, je crois que c'est dans l'autre sens, je pense qu'ils font déjà jouer les gars et ensuite ils animent sur les voix. Mais c'est vrai que du coup il y a toujours des excellents acteurs qui jouent les personnages principaux. Là en l'occurrence c'est John Goodman et Billy Crystal, et c'est vrai que le duo, même si tu te disais ils joueraient deux ouvriers dans une entreprise normale et tout, le duo t'as envie de le voir en fait, Billy Crystal, John Goodman et Steve Buscemi. Et Steve Buscemi en méchant. En fait, ils prennent des comédiens en plus. C'est pas comme par exemple en France où on va prendre des gens juste parce que c'est des gens connus pour être connus. Là, ils vont prendre des comédiens. Là, Steve Buscemi, c'est pas le gars. Les enfants vont pas dire: ah, Steve Buscemi, je l'adore dans Fargo. Tu vois. Donc, du coup, ils vont prendre des gens c'est drôles. C'est mon pédophile préféré des ailes de l'enfer. Et du coup, ils prennent des gens qui sont drôles et surtout qui ont des voix de ouf. Ouais. Parce que c'est là où les VO sont toujours. Voilà, Steve Buscemi, Billy Crystal, John Goodman, voilà, c'est des voix incroyables, quoi. Et c'est pas pour dire que la VF est pas bien. Non. Voilà, mais déjà, la façon de faire est pas la même, puisque comme je disais, ils enregistrent d'abord les voix et ensuite ils calent l'animation dessus. Et souvent, en plus, ils sont obligés de revenir plein de fois. C'est que c'est arrivé pour un autre film, donc Inside Out, qui a été réécrit plein de fois, où dans Inside Out, le héros, un des héros, c'était le personnage joué par Bill Hader à la base. Ouais. Et en fait, ils ont refait, ils ont dit non, finalement, tu seras plus là. Mais en fait, les gars, c'est comme s'ils tournaient, enfin, ils enregistrent plein de versions du film sur des années et ils voient leur personnage évoluer et tout. Donc, ils ont un boulot sur 3 ans en fait. C'est pas une après-midi pour doubler le film, quoi. C'est 3 ans d'investissement. C'est le premier Pixar où le héros, alors après, il y a disons Sully en tout cas, n'a pas d'histoire d'amour. Et il y en aura assez peu en fait dans Pixar. Il y a souvent une petite love story derrière. Et il y a Rémi dans Ratatouille, il y a j'ai oublié l'enfant de Coco. Enfin voilà, il y a quelques personnages comme ça, mais souvent il y a une petite backstory. Mais là je vous le dis, il n'y en a pas parce que c'est une relation père-fille, en tout cas père de substitution. C'est pas ce que je voulais dire. Bizarre. Non mais. Non mais, et d'ailleurs, alors petit trivia, est-ce que vous connaissez le vrai prénom de Boo? Parce qu'en fait on le connaît dans le film. C'est-à-dire que Boo, en vérité, à un moment, quand elle tend son dessin à Sully, elle le signe. Marie Chantal. Putain, c'est fou que t'aies dit parce que c'est Mary. Oh merde. Ouais, non, mais bien joué. Non, c'est Mary. Et en fait, parce que la voix de la petite était une petite fille qui s'appelle Mary et qui est la fille d'une des storyboardeuses du film. Voilà, et une des meilleures doubleuses en plus, parce que sa voix, elle marque tellement. Ouais. Alors que pourtant, la VF, elle est folle. Hein. Putain, la. Mais d'ailleurs, les voix sont très cool, puisque les voix françaises de Monstres et Compagnie sont géniales. C'est Eric Métayer. Qui fait Bob Razowski et la voix de Jack France. Non, attends, aussi Jack France. Oui, Jack France. Oui, le doubleur qui fait de Niro, de John Goodman, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ça marche trop, trop bien. Métayer, c'est un acteur très doué, mais c'est aussi un très bon doubleur. Enfin, comédien de doublage. C'était un juste dans On ne demande qu'à en rire aussi. C'est vrai, c'était un juste dans On ne demande qu'à en rire. Et il fait super bien. Enfin, j'adore la voix qu'il donne à Bob Razowski. Il y a plein de petites vannes en français rajoutées que j'aime beaucoup. Et là, on parlait aussi de faux bêtisier. Moi, j'adore la fausse comédie musicale à la fin que je trouve extrêmement drôle. Pour le coup, j'avais compris que c'était à l'époque. Au bout de la troisième fois, attendez. On essaye de me. Et là, vraiment, j'avais beaucoup ri sur ce bêtisier. Et je crois que c'est même un des trucs qui m'a donné envie de faire des cinémas. Je me suis dit putain, ça a l'air trop marrant d'être sur un tournage, quoi. Mais bon, il y a pas de monstre comme ça, mais et je me rappelle aussi sur le DVD Depardieu, hein, c'est vrai. Je me rappelle sur le DVD ou je sais plus où, j'avais trouvé le court-métrage avec la voiture. Ah oui, la voiture de Bob, bien sûr. Et ça, j'avais adoré aussi, même si je trouvais ça un peu bizarre comme un truc en dehors de l'univers, du coup. Et c'est un peu un cauchemar rêve dans ma tête de ça existe vraiment, ce truc là. Mais surtout que c'est un peu de l'humour très Looney Tunes, celui-là. C'est qu'en fait il teste les fonctionnalités de sa bagnole et ça fait des trucs de ouf. Surtout que le script doit faire une page parce qu'il n'y a pas grand chose à décrire, et après c'est que des gags de storyboard de il met sa mala, il rentre dans la boîte à gants, il ressort par là, enfin c'est... Mais il y avait souvent d'ailleurs des petits courts-métrages. Je sais qu'il y avait Cars Toons qui était en gros des courts-métrages autour de Cars. Il y avait des Toy Story, en fait, il y en a plein. Il y a eu les courts-métrages avant chaque film, et en plus des petits courts-métrages en télé, les Toy Story c'était en télé. Ouais. Et sinon, il y a eu tous les courts-métrages en début de film qui sont souvent après des gens qui vont réaliser aussi. Mais les courts-métrages en début de film qui sont plus souvent des histoires originales, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, il y en a des incroyables. Ils sont je me souviens des oiseaux sur le fil électrique là qui était super. Ouais, là, c'est aussi. Incroyable. Ouais. Il y avait une compilation d'ailleurs de tous les courts-métrages. Je les ai, il y a trois. L'orchestre aussi qui était. Ouais. Il y en a avec un magicien et un lapin aussi. Oui, qui est très très drôle aussi. Mais je vous les conseille. Presto, qui est le nom de leur logiciel du coup. Ah, Presto. Presto, c'est le nom du court-métrage. Une sauce de pâte. Et c'est devenu le nom de leur logiciel de rendu ou un truc comme ça. Bon. Mais en tout cas, je crois qu'ils sont. Ils doivent plus être sur YouTube trop parce que je pense qu'avec Disney+, ils doivent vraiment faire le tri maintenant. Mais en France, on a la chance d'avoir des éditions DVD de tous ces courts-métrages. Moi, j'ai les trois. Je crois qu'il y a trois coffrets et il y a vraiment tous les courts-métrages dedans. Et je vous invite à les regarder. Et là, c'est quoi ce truc qu'ils ont sorti? Il y a un truc qui s'appelle Pixar Shorts ou je sais pas quoi. Étudiants. C'est ça. C'est une espèce d'école, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est plus ou moins des étudiants à qui ils ont le matériel de Pixar quoi, pour faire des courts-métrages. Alors, je sais pas comment c'est organisé, mais en gros, c'est plus ou moins ça. Quoi. Et j'ai vu le court-métrage de la pelote de laine qui se fait, voilà, qui démissionne et tout. Enfin, c'est assez. Et puis en plus, ça ne ressemble pas. Enfin, ça ressemble pas du Pixar, ça veut rien dire, mais c'est pas forcément de l'animation Pixar quoi. C'est-à-dire après, que c'est pas. Après, ils avaient fait des. Pardon. Fait des trucs avec le film avec le parapluie et tout, qui était aussi très réaliste. Night and Day, qui était incroyable. Qui était en 2D pour le coup. Alors justement, c'est un des meilleurs films en 3D que j'ai vu parce que c'est en gros, il était avant Toy Story 3 que j'avais vu avant Là-haut qui était en 3D du coup et que c'est le premier film que j'ai vu en 3D. Oui, en 3D avec des lunettes 3D. Et du coup, Night and Day, ça ressemble à un film 2D classique et en fait, ça joue énormément sur des profondeurs, sur des passages d'un premier plan à un second plan parce que c'est un personnage dessiné un peu comme, alors comment décrire à l'audio, comme le petit cellulo, je sais pas si vous vous souvenez, un truc dessiné et il y en a un qui représente le jour, un qui représente la nuit et à l'intérieur, on voit un monde de jour et un monde de nuit, mais du coup, vraiment dans la profondeur et il y a tout un truc de, il se passe l'un devant l'autre, la nuit passe devant le jour, etc. Et à voir, du coup, c'était vraiment un court-métrage réfléchi pour le voir en 3D, en lunettes 3D, alors qu'il était en 2D, qu'il avait cette impression de 2D, quoi. Non, mais c'est c'était un super très peu clair, regardez Night and Day. Voilà. On passe à mon autre Pixar, pardon, préféré, puisqu'il s'agit, réalisé par Brad Bird, il s'agit de Ratatouille. Oh oui! Ratatouille, avec l'excellente musique de Michael Giacchino, qui fait maintenant toutes les musiques d'Hollywood. Hein, sur son Twitter, il marque comment le prononcer, mais je sais plus, mais c'est une vanne. Mon nom se prononce et c'est vraiment Gookin, je sais pas quoi. Il est très c'est peut-être le vrai truc, il fait toute la musique de Lost. C'est quelqu'un d'extrêmement dommage. Beaucoup de jeux vidéo aussi. Pour faire genre, je suis auteur, je vais vous le dire, c'est les musiques que j'écoute quand j'écris souvent. J'aime bien avoir les musiques parce qu'en fait, il en fait des très belles et des fois, il fait des trucs d'action très agréables à entendre parce que les musiques de films d'action à écouter seul, des fois, c'est un petit peu. Enfin, ça perd en intérêt. Moi, c'est ce que j'écoute quand je. Non, vas-y. mais en l'occurrence, Giacchino, c'est vraiment. Enfin, j'adore la musique qu'il fait. Et donc, Ratatouille. Alors, Ratatouille, ce qui est rigolo, c'est que. Autant le The Good Dinosaur, donc là le voyage d'Arlo, tu sentais que potentiellement il y avait un bordel en interne. Autant je trouve que Ratatouille c'est un film maîtrisé de A à Z, qu'il y a eu les mêmes emmerdes à l'écriture puisque l'histoire n'était pas exactement celle-là et que Brad Bird est arrivé tard, je ne sais pas si on peut dire tard, mais arrivé en tout cas en second temps sur le projet. Et surtout que c'est un film où t'as l'impression vraiment que la base du film c'est un jeu de mots. C'est ça. Ils sont dit c'est un rat qui fait la cuisine, ratatouille, allez action. Et vraiment je pense qu'ils n'avaient pas grand chose de plus et Brad Bird est arrivé et, c'est lui qui a amené cette histoire sur la passion, sur essayer de réaliser ses rêves alors qu'on vient pas d'un monde fait pour ça et tout, et du coup il a réussi à en faire un film universel. Alors que voilà quoi, ça parle de rat qui fait de la musique, la cuisine. Et c'est, enfin, il est incroyable ce film. Et en plus, c'est peut-être le plus beau film visuellement qui se passe à Paris. Ouais. ever. Donc, il est incroyable. Et puis l'originalité, tu vois, justement, c'est que d'aller un film d'animation mais sur la cuisine avec des rats à Paris, enfin c'est vraiment à chaque fois t'as une couche de genre ah oui ça a pas été fait, ah ça non plus, ah ça tu vois il y a un truc dans l'animation pour enfants, en tout cas enfin pour enfants je me comprends, très très bien, pareil, rien à dire, c'est incroyable. Et pareil, postulat de base chelou, à savoir tout le truc de tirer les cheveux, je me mais souviens mais ça aussi, comment ils arrivent à te le faire comprendre et l'accepter en une scène alors que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et tu fais genre, oui, ok, il contrôle comme une marionnette à travers sa toque en le prenant ses cheveux. C'est bon, j'ai. Ok, suivant. Et en fait, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est que le film, toutes les 10 minutes, il t'apporte une nouvelle strate, comme un nouveau concept. Ouais, il te surprend en fait. Voilà, ouais. Mais à chaque fois, il t'arrive à t'amener les choses, à te l'expliquer. Après, tu dis, ok, concept suivant. Et c'est hyper cohérent. Et bref, la fin, je pense que c'est la fin. Le climax du film, c'est peut-être un des trucs les plus marquants de tout Pixar. Je suis d'accord. C'est un truc où tu te dis, ok, c'est devenu même un mème tellement que le truc il est visuellement en deux secondes tu comprends le truc et c'est peut-être la meilleure résolution en un plan, en un mouvement de caméra, il te résout toute une intrigue impossible à résoudre et tu fais genre ok c'est bon, ils ont tout gagné. Et qui surtout résout l'intrigue, mais qui résout aussi même, enfin résout, qui même apporte la grosse pierre à tout le propos du film. C'est d'une très grande intelligence. Et non, c'est vraiment incroyable ce film sur ce que ça dit, et tout cetera, sur c'est tout le discours de fin. C'est très, pour le coup, à la fin, il y a le personnage du critique qui te dit la morale du film. Donc c'est très, il y a pas d'ambiguïté quoi. Mais en même temps, il y a pas d'ambiguïté, mais les héros perdent. Et ça c'est fort quoi. C'est que en gros, ils vont au bout du truc. Ils disent ok, ils ont réussi à convaincre un gars, mais on est d'accord que leur resto c'est mort, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est très fort. Et moi j'adore, alors je sais pas si c'est la première scène du film, c'est une des premières scènes du film, c'est les rats dans la maison de la vieille. Oui. En termes de découpage, cette scène elle est incroyable. Mais Brad Bird, c'est pas un brosse à chiottes quoi. En termes de réalisation. Oui, non, c'est assez dingue. Et pareil, le comédien qui joue le rat, c'est Patton Oswalt. Et pareil, qui est en fait un stand-upper qui est vraiment Rémi. En fait, c'est fou. Enfin, si vous regardez les spectacles de Patton Oswalt, c'est un passionné. C'est un geek, c'est un mec avec beaucoup de réparties vanneur. Et en même temps, c'est un mec qui a une vraie émotion dans ses spectacles. Je vous invite à regarder son dernier spectacle sur Netflix. Est-ce que c'est le dernier? En tout cas, c'est celui qu'il a fait après le décès de sa femme. Annihilation. Exactement. Décès de sa femme et de mère de sa fille, qui est une histoire horrible. Et il arrive à faire un excellent spectacle qui est quand même très très drôle et en même temps, bon, qui t'arrache les tripes, hein, évidemment. Et donc voilà, Patton Oswalt et du coup Ratatouille, un chef-d'œuvre. Toi, Timothée, j'ai rien à dire de plus. C'est super et puis voilà. Non. Et très bonne attraction à Disney. Horrible. Oui, on en parlait la dernière émission. Moi, j'ai pas aimé l'attraction de Ratatouille. Ah ouais? Tu l'aimes? Ah, j'adore cette attraction. Bon, bah, t'as été payé pour la pub. Oui, après voilà, je touche énormément de. Je suis payé en livre art off. énormément. Donc c'est te dire. C'est fou. Non, mais pourquoi t'as pas aimé? Je sais pas, j'ai trop attendu, je crois. Et vraiment, il y avait vraiment 2h30 d'attente. J'ai fait, vous foutez de ma gueule, ça dure 30 secondes. Voilà, j'ai mis des lunettes 3D, il y a juste un truc qui bouge. Non, mais bon, merde à la fin. Oui, non, si t'as fait la queue longtemps, je comprends. Il y a un truc très triste à l'attraction Ratatouille, c'est t'as le single rider. Et ça, j'ai fait. Le single rider, c'est tu fais l'attraction tout seul. Oui. Et tu dis, voilà, vraiment, crachez-moi directement à la gueule pour dire que je suis une merde, quoi. C'est vraiment genre, tu veux pas faire Ratatouille tout seul? Tout seul. Ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner du temps, mais t'es tout seul. Alors, c'est une tristesse. Oui, pour le coup, oui. Un taux de suicide très élevé dans le single rider de Ratatouille. À la fin, tu rends les lunettes 3D, il te donne une lame de rasoir. Voilà, tenez, c'est. La voiture rentre toujours toute seule à la fin. Ah, tiens. Et j'avais fait, dans le même principe, il y a Universal Studio, il y a Transformers. Qui est la même attraction, ouais. Oui, mais là, pour le coup, je la trouve incroyable. Par rapport au film. Ah, mais par rapport au film, génial. Mais c'est parce que t'es un putain de beauf aussi. Mais oui, j'adore ça. Michael Bay, tu déconnes quoi. Attends. Non, mais bon, merde. Je l'ai dit loin du micro. Mais pour la petite anecdote, vu qu'on est dans le délire et le suicide, vu qu'on s'éclate, en fait, il faut savoir que cette histoire de Ratatouille est inspirée d'une histoire vraie. Puisqu'en fait, le film commence aussi sur ce truc très triste d'un chef qui perd une étoile et donc met fin à ses jours. Ah bah oui. Qui est arrivé à Bernard Loiseau, qui est un cuisinier. Et c'était un oiseau dans sa toque. C'était pas du tout un oiseau dans sa toque. Bernard Loiseau. Non, c'était pas rien à voir avec. D'où le suicide. Hein. Non. Suicide-toi. Il disait dans sa toque. L'oiseau voulait être libéré. Un putain de pigeon qui lui picorait le haut du crâne pendant deux ans. Je peux plus vivre. Il faisait des recettes, il devenait fou, il était devenu fou. Putain, c'est une icône de ma région, bordel, vous le jouez, un peu de respect. Bernard Loiseau, effectivement, et qui s'était suicidé parce qu'il avait perdu une étoile, donc c'est une histoire vraie. Et il y a une autre chef française qui s'appelle Hélène Darroze et qui dit que, en fait, pendant qu'ils ont écrit le scénario et commencé à faire les storyboards, ils sont venus dans toutes les cuisines parisiennes et elle a trouvé qu'il y avait des ressemblances entre le personnage de Colette dans sa façon de parler au commis, exactement. Elle s'est retrouvée dans le personnage. Donc voilà, ils sont vraiment venus à Paris pour s'inspirer. Et dire, il y a pas mal de rats dans vos cuisines, disons. Ratatouille qui, moi, pour vous dire à quel point je suis incroyablement fan de ce film. Il y a à peu près une ref à Ratatouille dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai fait le sketch avec Mr. V et Ludovic où on parodie Ratatouille, réalisé par Félix Guimard. Dans Groom saison 2. Pardon ? On l'a dit, c'est dans Série Mania. Il y a quoi ? Y a une Groom de, comment ? Une saison 2 de saison Groom. Saison 2 de Groom ? De Groom. Bah, tu sais, c'est une série YouTube. Oui. Du coup, ils ont signé une saison 2. C'est-à-dire la suite. C'est-à-dire, ouais, voilà. C'est-à-dire, il y a eu une saison 1. Et après, ils ont réclamé une deuxième. D'accord, on l'aura faite, quoi. Oui, bah, pas nous. Ouais, voilà. Je suis pas du tout frustré qu'il n'y ait jamais de fin à cette histoire. Pour lequel j'ai mis beaucoup de moi. Je parle des emmerdeurs, saison 1. Ouais, mais en même temps, vous touchez beaucoup de droits d'auteur, c'est faux. C'est donc ouais, en Groom saison 2. Comment tu garderas un peu quand même. Oui, bah tout le début c'est drôle. Et dans le spectacle de Baptiste Le Caplain, j'ai réussi à caler une petite vanne sur Ratatouille. Donc voilà, c'est mon petit. Je me le cale un peu partout. Je crois qu'il y en a un dans Bloqué aussi. Je crois que je l'ai mis dans Bloqué. Je l'ai mis dans Pitch. Enfin, il y en a partout. N'hésitez pas à me les lister. C'est vraiment un film que je trouve incroyable. Et j'adore faire référence à Ratatouille. Le tu film cuisines avec un rat constamment. Tout bonnement. Mais tu aimes la ratatouille ? Je n'en ai jamais mangé de ma vie. Le Groom 2, le film d'après, s'intitule Les Indestructibles. On reste avec Brad Bird. On reste avec Michael Giacchino. Incroyable. Cette BO. Alors oui, alors pour le coup, ouais, un thème ultra culte, un peu jazzy. Cette BO est incroyable, voilà. J'adore la BO. Pas la BO des Indestructibles 1. Elle passe là ou pas ? Le 2, elle est trop bien aussi. Là, elle est en train de passer. Ah, super. J'ai dit non, mais je rappelle moi, mais oui. C'est la même. C'est juste 2 heures d'un peu plus de BO des Indestructibles. Les Indestructibles, en fait, ce qui est assez fou dans Les Indestructibles, c'est un film qui a été fait un peu avant la grande mode des super-héros, puisque c'était avant la. La vague Marvel, c'était après Spider-Man, c'était après Blade, ainsi que Blade 2. Oui, très bon. Chef-d'œuvre. C'est quelle année les Indestructibles ? T'arrêtes de me poser des questions. Mais non, mais j'ai envie de parler. Mais on parle de quoi ? On parle du 1 ou du 2 là ? On parle du 1, j'ai dit le 2 ? Non, on parle du 1, on parle du 1, on parle des Indestructibles 1. Bah donc qui... pareil, ça veut dire que le 2 a fait plus d'entrée que le 1. Le 2 a fait plus d'entrée que le 1. Le 1 est sorti en 2004. Ah oui, c'est vraiment avant. Il y avait eu X-Men, quoi, en gros. Il y avait eu X-Men, et je pense même qu'il y avait eu de X-Men 2. Ouais, c'était vraiment. C'est ça que je voulais savoir. 2004, et ouais, avant la grande mode des super-héros. C'est même sorti avant les 4 Fantastiques, ce qui est quand même un peu fou. Parce qu'en vérité, ils ont un peu repris les pouvoirs des 4 Fantastiques. C'est-à-dire que t'as la femme, t'as l'invisibilité. Tu as Elastigirl, voilà, c'est ça. Et Elastigirl, pour la petite anecdote, a donné du fil à retordre aux gens qui faisaient les effets spéciaux des 4 Fantastiques, parce que quand le film est sorti, ils ont fait oh putain, c'est vraiment beaucoup mieux que nous, et du coup, ils sont retournés en post-production pour rendre l'élasticité un peu mieux que ce qu'ils avaient fait, parce que Elastigirl avait mis le niveau un peu haut, quoi, voilà, tout simplement. Est-ce que vous aimez ce type, Timothée Hochet ? Bien sûr que j'avais donc 10 ans quand c'est sorti, et c'était une des expériences les plus marquantes en termes de jeunesse, et regarder un film d'animation et j'avais trop kiffé, je voulais avoir des pouvoirs, ça a pas marché du coup, mais des déceptions Pixar, vraiment que d'espoir qui ont mis en moi, et vraiment je me dis bon, mais avec un peu de chance tu vas vivre dans le monde de Wall-E bientôt, c'est vrai, quelle chance. Je vais vivre ça, yes. Non mais ouais je me rappelle de la fin qui était hyper, y a pas une scène post générique ou pendant le générique, je crois que ça finit en gros teaser en tout cas, ça finit avec un nouveau méchant, ça m'avait hyper surpris de ce truc d'un coup qui arrive et qui annonce d'un coup une suite, alors que... Et ce qui est fou, c'est qu'au début du 2, qui est quand même sorti 14 ans après, c'est que ça reprend à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ça reprend au teasing du 1. L'Indestructible qui est le premier Pixar avec beaucoup d'humains. Alors il y avait des humains dans Toy Story, tout ça, mais c'est en tout cas où les héros sont des humains. Et des cheveux qui bougent. Et des cheveux qui bougent. Non, et c'est des... vrai. Et c'est ouais, vrai. Ouais, non, des cheveux qui bougent. Et même beaucoup de. Il disait Brad Bird qu'il avait des problèmes avec des vêtements. C'est-à-dire qu'il expliquait, il y a une phrase de lui qui est connue où il dit il est plus facile en animation de faire exploser une planète que de faire un personnage qui en attrape un autre par le col de la chemise. Il parle de cette scène où à un moment un perso prend l'autre par le col de la chemise et c'est une tannée parce que tous les plis, les ombres de plis, tous ces trucs-là, c'est un enfer encore plus en 2004. Les Indestructibles, toi tu achètes ? Ah ouais, j'ai adoré le premier, beaucoup moins le 2. Mais le premier, je l'ai adoré. Je trouve qu'il est pareil, structure parfaite, mélange de genre en même temps original. Tout est très bien, quoi, la structure. Et le propos est très fort aussi. Et c'est là où ça devient intéressant quand tu analyses un peu tous les films de Brad Bird, parce que tu peux te dire mais jusqu'où ça va sa théorie de il y a des gens qui sont talentueux et puis il y a les connards qui ont moins de talent, et ce serait bien de dire que les gens qui ont du talent faut les mettre en avant et pas non mais là je caricature, mais dans celui-là c'est un peu ça, c'est un peu c'est un film où le méchant veut être un super héros mais il est ingénieux. Alors c'est là c'est fou, c'est que le méchant c'est un gamin qui fait des gadgets pour imiter les pouvoirs du super héros. Il est ingénieux, il est trop fort, mais on lui dit reste à ta place, tu sais pas, t'es pas un super héros. Du coup il devient fou, il devient méchant, et il décide de anéantir le mythe des super héros en vendant, on va dire, en démocratisant des gadgets pour que plus personne, enfin que tout le monde soit au même niveau que les super héros, pour que comme il dit, si tout le monde est super, personne ne sera super. Qui est quand même une vraie bonne idée de méchant. Mais oui, et surtout que tu comprends, enfin dans ce film, alors bien sûr il est méchant et tout ça, ce qu'il fait c'est mal, mais son parcours, tu le comprends en fait. Ouais. En fait, ce qui est assez fou, je trouve, avec le personnage de Syndrome, que je trouve être extrêmement intéressant, même presque plus intéressant, même si c'est génial le côté super-héros has-been qui reprend du service avec Monsieur Indestructible, mais ce que je trouve génial, c'est que tu sens qu'ils ont été obligés de le pousser très loin dans la méchanceté pour que ça reste le méchant, sinon oui, il pourrait vite devenir le gentil. Ils sont vraiment obligés de dire oui, tuez le bébé. il dit vraiment des trucs ultra violents. On le voit vraiment tuer tous les super-héros. Enfin, à un moment, quand Mission Indestructible est sur l'écran et qu'il voit qu'il y a vraiment une cinquantaine de morts, hein, ni plus ni moins, ils sont obligés d'aller jusque-là pour essayer. Parce que sinon, tu l'excuses très vite. Tu le vois enfant, tu le vois frustré. C'est un fanboy à la base. C'est ça. Non, mais c'est peut-être celui-là, encore celui-là, il marche très bien, mais. Quand ils ont fait après avec c'est Brad Bird qui a fait avec comment il s'appelle, Damon Lindelof, Tomorrowland. Ouais. Tomorrowland, c'est un film qui est très bancal pour plein de raisons, mais aussi parce que le fond est très problématique, je trouve. Un fond de dans la vie, il y a des gens qui sont très intelligents et il faut les mettre dans un autre monde parfait pour qu'ils. C'est vrai qu'on est à deux doigts d'apprendre qu'en fait Brad Bird est vraiment une théorie sur les Aryens parfaits. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est, enfin, je parodie là, mais ça reste quand même très intéressant sur ce que ça dit sur justement. En gros, lui, c'est ce qu'il dit dans ce film, c'est que ça parle de gens, on va dire, très talentueux, donc très des super héros, à qui on dit c'est pas bien d'être supérieur aux autres, rester dans la norme. Et le gars a un boulot un peu merdique, tout ce il est frustré. On demande aux enfants de pas montrer leur pouvoir. Tu vois, donc la blague de fin, c'est que la résolution du truc, c'est qu'ils disent aux gamins. Tu peux être le premier, mais pas trop non plus, tu vois. Genre, il faut que tu te limites pour pas non plus que les gens soient trop jaloux de toi. Mais voilà, c'est hyper intéressant comme discours, en fait. Et c'est un film avec beaucoup, enfin, qui questionne même, enfin, qui interroge même la question du super-héros, ce que fera presque pas Marvel derrière, même si moi, je suis pas du tout un anti-Marvel, mais ce que je trouve très intéressant, c'est c'est de questionner la place du super-héros dans la société. Souvent, c'est les meilleurs films de super-héros, c'est ceux qui font ça, quoi. Spider-Man Logan, 2, Logan, Spider-Man 2, enfin, tous ces films-là, quoi. Les X-Men, Watchmen, tout ça. Et le méchant ressemble à Freakazoid un peu. Il y a un peu de ça. Mais techniquement, physiquement, ils l'ont basé sur Brad Bird. C'est vraiment la tête de Brad Bird. Ça en dit très long. Trop bien. Et la voix française de Syndrome, c'est Bruno Salomon. Et il fait un taf de malade. C'est-à-dire que tu ne le reconnais pas. Et c'est vraiment. Il est très, très, très fort. Nous continuons avec, pareil, un film très aimé de tous, mais qui aussi, je trouve, souffre du même problème que Wally, à savoir, il y a un peu de partie. Il s'agit de Là-haut. Ah oui. Là-haut, alors évidemment, le début de Là-haut, qui est quand même maintenant devenu une blague, tellement c'est devenu truc qui arrache les larmes. Mais pareil, c'est un film qui a un début, alors là, c'est encore plus court que Wally, c'est-à-dire que c'est vraiment 5 minutes qui te surpassent. Tous les autres films que t'as vu de ta vie. C'est vraiment comme tu dis, c'est devenu une blague. C'est un exemple qui est devenu une blague tellement c'est un exemple de genre voilà un bon début de film qui. En fait, dès que tu dis un début de film qui te met, qui te retrace une vie en 5 minutes, c'est un là-haut. Ouais, c'est ça. Je me suis dit ça avec Marriage Story récemment. Ouais. Je me suis dit bah oui, c'est là-haut en fait. Enfin, tu vois, il te retrace, mais ça veut dire c'est même plus. Enfin, c'est pas que c'est un copié ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est devenu même un trick de. Peut-être avant aussi. Oui, bien sûr, mais c'est un trick de scénario que je trouve ultra efficace et super. C'est super bien fait. Surtout, c'est très surprenant. Ouais. Dans la part d'un Pixar, de commencer par des enfants qui en fait vont vieillir et mourir, tu vois, tu fais genre oui, c'est la mort, c'est voilà les enfants ce qui va arriver. Mais même que au bout d'un moment, que le héros soit une personne âgée en fait, c'est quand même aussi un parti pris. C'est toute la période, c'est ce qui est fort chez Pixar, c'est comme on parlait de Ratatouille et tout. Quand il y a eu ce petit truc avec DreamWorks où ça se ressemblait un peu, là après ils sont partis tellement loin, Pixar, de genre nous, notre héros c'est un vieillard. tu vois, c'est un rat et un cuisinier, ça c'était vraiment bien là-haut. Moi je suis d'accord, j'ai un petit problème où au bout d'un moment, tu vois, quand il y a des chiens qui conduisent des avions et tout, avec des voix ça, cassées, avec des voix, et la moitié, ouais, c'était ouais, limite. Non mais c'était je suis pas chiant. Non, mais, j'estime pas être chiant. J'ai ma limite. En fait, c'est des chiens qui conduisent des avions. Je l'accepte dans des trucs d'anime, dans d'autres choses. En fait, c'est, dès le début, c'était un monde où justement il y avait. Et là, c'était, je trouvais que ça sortait un peu de. Enfin, pareil, il est hyper réel. Le, tout le début, pour le coup, est hyper réaliste. De, c'est une vraie histoire. De, tu vois. Alors oui, c'est un. T'imagines dans la première scène où on voit la fille avec sa femme et tout d'un coup t'as un chien qui arrive dans l'avion. Tu tues ta femme et tu fais genre. Non, mais ça arrive au bon moment. Surtout qu'il part quand même avec une maison et des ballons de baudruche. Et surtout, je te dis. Il y a exactement 20 000 ballons qui soulèvent la maison et il en faudrait plus de 9,4 millions pour la maintenir dans les airs. Quelqu'un a fait le calcul. Voilà, donc mais ça tient pas debout dès le début. Non, c'est vrai, c'est pareil. Bon, ok, je suis encore chiant sur un truc. Non, mais c'est vrai que. Mais c'est, ça m'a donné. Je sais pas si c'est exactement ça. Peut-être que c'est. En plus, c'est très drôle. Les chiens sont très drôles et tout. Mais c'est le sentiment d'un peu de film. Il y a ça. C'est qu'un début hyper fort. La relation après avec le gamin hyper fort et tout. Et après, il faut ce final un peu. Cet acte 3 un peu grandiloquent. Mais en fait, et tout. Il faut un méchant. Le problème, c'est ça. C'est il faut un méchant et que ça part que très loin. Il y a les chiens qui conduisent les avions. Même ça le dodo. Il y a le dodo un peu gogol aussi qui est très marrant ça. Qui sera et surtout qui sera repris et qui sera conduire ce qu'il veut et qui sera très repris par Vaiana et le poulet hein. C'est un peu c'est la même chose, c'est la un peu même le même perso, chose, c'est vrai. Ouais. Mais après voilà, c'était quand même très réussi. Et c'est très coloré là, l'image est très belle moi je trouve. Enfin quand ils arrivent dans la forêt, autant j'accroche pas l'histoire quand ils sont en Amazonie, enfin c'est pas l'Amazonie mais enfin qu'ils sont dans la grande forêt tropicale, autant je trouve qu'en termes de lumière, oui, d'ambiance, ouais, et tout, de la couleur, musique aussi encore une fois, c'est Giacchino, magnifique. Mais pareil, l'Oscar, premier Oscar pour Giacchino sur là-haut. C'est vraiment des films qui voilà, dont le début surpasse tellement la fin que les gens oublient. Donnez-moi le nom du méchant. Ouais. C'est un chien qui conduit un avion. Voilà. Non, mais je sais que c'est un petit vieux parce qu'il y a une baston de vieux à la fin qui est très lente, qui est un peu marrante. J'ai mais... aucun souvenir de ça. Voilà. C'est un aventurier aussi. Mais c'est la force du film, c'est de dire en gros, vous avez retenu l'âme principale du film, l'essence, mais pas toutes les intrigues. Quoi. Bah, du coup, c'est à se demander s'il n'y avait pas eu cette intro, est-ce que le film aurait eu un tel impact sur tout le monde. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que même en vrai, c'est là où tu dis effectivement le méchant et tout, mais même la substance. J'ai pas beaucoup de souvenirs de scènes entre l'enfant et le vieux, par exemple, tu vois. Mais peut-être parce que j'ai. Ouais, non, mais je me souviens de trucs un peu mignons. Je me souviens même de la blague très drôle où il est dans les airs déjà et le petit est sur le machin et il lui ouvre quand même pas la porte. C'est très très drôle comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas d'exemple précis de. Par exemple, le petit, je me souviens plus de ce qui. De... C'est qui ses parents, c'est qui c'est. Voilà, mais on sait pas grand chose de lui, quoi. Mais justement, il est plus ou moins orphelin parce qu'à la fin, c'est. Quand il a enfin sa petite médaille dans le. Parce que le début est très triste, mais la fin, c'est touchante aussi parce qu'il a enfin sa petite médaille et en fait, je crois que c'est. J'ai peur d'y avoir une connerie, mais je crois qu'on se rend compte qu'en fait, il a pas de parents. En fait, il a des parents, mais ils sont pas là. Ils parlent même pas. On les voit dans la. Ils sont là, d'accord. Ils sont là, mais on les y parle pas. Ils étaient même pas là pendant son petit truc de médaille ou je sais pas quoi. En fait, il est SDF. Et... Non, pas les meilleurs parents. Il me semblait craquer, il a tout imaginé. Il me semblait un truc un peu fort où tu faisais ah ok, mais d'accord, ses parents sont peut-être là, mais en tout cas, ils sont vraiment loin de nous. C'est vraiment un petit gamin tout seul qui. Mais après voilà, moi je trouve que c'est un très beau film, mais c'est juste que et puis surtout en fait je crois que ce qui m'a surpris c'est que l'humour de Pixar m'a toujours fait tellement rire et que là d'avoir un humour qui me touche un peu moins, ça m'a un peu, et même sur le côté vieux grincheux, je pense que j'attendais un peu plein de vannes de un vieux con coincé avec enfin tu vois un espèce de Tati Daniel un boomer ouais. C'est ça que tu veux dire. Et oh, j'arrive pas à aller sur ma tablette, t'as la pire version de là-haut quoi. Mais oh, mon wifi il bug. Non mais donc du coup je pense que j'ai été un peu déçu de ces trucs là. On a rajouté des blagues sur les serviettes Stena et tout, voilà, ouais. Les sièges ouais, Stena bien sûr ouais, évidemment. Mais après voilà, je ne suis absolument personne pour juger là-haut. Oui ça reste mais... comme tu disais c'est que enfin on est là c'est quand même, ça reste un de leurs meilleurs en plus je trouve. Non c'est un très très très beau film et le film d'après je le trouve incroyablement sous-coté puisqu'il s'agit non pas d'une suite mais quand même d'un prequel. Mais alors oui, là on est d'accord. Voilà. Puisqu'il s'agit de Monstre Academy. Voilà. Prequel fait quelques années après Monstre et compagnie. Film pas tant vu que ça. Alors en même temps, je dis ça, on est déjà très très haut dans les sphères du box-office, mais j'ai l'impression que c'est pas le film qu'on cite beaucoup quand on parle de Pixar, quand on parle de tous ces films-là. Alors que je le trouve d'une intelligence incroyable, François. Pourquoi toi t'es aussi à fond sur ce film? Alors tiens, justement, on parlait de méchants dans le film, et ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de méchants. Et donc ils ont pas essayé de tirer un méchant, un nouveau personnage au bout de 45 minutes et tout. Vraiment, c'est un film qui tient par juste deux persos dans une fac et qui essaye au début d'être ennemi, puis après qui s'allie. Et surtout, c'est un film sur l'ambition et comment, en fait, on n'a pas forcément ce qu'on veut et on doit, on va dire, c'est l'âge où on apprend un peu ses limites. Et c'est là où c'est très courageux parce que c'est un film qui te dit très clairement, voilà quoi, tu vas pas forcément avoir ce que tu veux, réaliser tous tes rêves, mais tu peux les réaliser d'une autre façon si tu comprends, si tu apprends à te connaître toi-même et tout. Et c'est ce qui arrive au personnage de, notamment de Mike, donc le Bob, qui est un peu le vrai héros de l'histoire. C'est ça, là le 1 était un peu, c'était Sully et ouais, sa relation avec Boo, là c'est vraiment Bob Razowski, voilà, le héros. Et du coup, de le voir au début avec son rêve d'enfant, de dire je veux être dans la compagnie, là, des monstres et compagnie, je veux faire peur, je veux être un. Et qui est persuadé qu'il va y arriver, et qui se dit si je veux y arriver, si je suis motivé, je peux y arriver. Et tout le monde se fout de sa gueule et dit non, je vais y arriver. Et d'habitude, dans un film, on va dire, surtout dans un dessin animé. Non seulement dans un dessin animé, mais même dans un film de fac. Oui, en tout cas, tu te dis, eh ben, il va y arriver à la fin. Eh ben, pas du tout. Et c'est son cheminement et son alliance avec Sully, qui est le gars qui lui réussit tout en faisant rien. Qui est un douchebag, voilà, ouais, qui est un espèce de connard arriviste. Voilà. Et c'est hyper fort le moment où l'intrigue devient un film un peu d'alliance. Puis au début, ils sont ennemis, après ils s'allient. Mais c'est là où c'est fort, c'est que c'est ce moment où. Il triche à l'examen pour son pote, ouais, pour pas qu'il soit déçu, parce que tout le monde dit mais en fait c'est pas pour toi ce métier en fait, ouais. Et en fait il triche pour lui, et quand il se rend compte que et le spectateur se rend compte en même temps, c'est-à-dire ouais, qu'à la fin tu crois que Bob Razowski a gagné, il a fait peur, et en fait tu te rends compte qu'effectivement c'est Sully qui a triché pour le faire gagner, pour le faire plaisir, et ça leur retombe quand même, parce que moi j'ai eu peur pendant le film que ce soit genre ah d'accord, ça va être un mensonge, bah c'est bon, il c'est a bon. Réussi son truc en trichant, on peut y arriver. Ouais, c'était un peu ça. Mais en fait, ils le construisent tellement comme ce que tu dis, n'importe quel film, c'est genre tu veux y arriver, tu vas y arriver, ce qui est aussi chouette comme discours. C'est très américain. Mais c'est ça. Ouais. Et là, ils te le construisent tellement comme ça, et en fait, ce retournement de fin, non, c'est vraiment pareil. Je suis d'accord avec toi. C'est, je l'ai revu il y a pas très longtemps, ça marche très bien. Et comme tu dis, il est passé vraiment un peu en dessous, les gens l'ont un peu critiqué et tout, alors qu'il est, je sais pas, en fait, il est très différent de Monstres et compagnie, et oui, tant mieux, ça. Parce que c'est plus, comme tu dis, c'est pas vraiment une suite, c'est pas le même film, c'est les mêmes personnages, mais c'est pas du tout le même genre de film. T'as l'impression qu'ils ont utilisé les personnages pour dire. Pour raconter des choses. Ouais, et puis surtout pour que quand tu vois Monstres et compagnie, tu te dises, bon, bah, ils ont réussi. Enfin, tu vois, en gros, il est vraiment heureux, ce personnage. Vous m'avez pas fait croire qu'il était heureux à la fin, puisque j'ai vu le film d'après, et je vois qu'il est heureux. Ouais. Mais effectivement, t'es obligé de passer par là pour accepter ça. Mais oui, et puis même, les designs des monstres, je les trouve super, moi, dans celui-là. C'est un très bon exemple de préquel, en fait. Ouais. Qui marche vraiment, quoi. Moi, j'avais peut-être trop. Je m'attendais peut-être trop à retrouver. La magie que j'avais eue parce que j'avais vraiment adoré Monster Company, et du coup quand je l'ai vu j'étais un peu déçu en sortant, parce que c'était pas ce que j'attendais, mais c'était un truc de con, genre vraiment de bah t'attends un truc et en fait c'est pas ça, et du coup non, mais c'est pas un truc de con, c'est pas un film sur l'émerveillement comme le premier, c'est sur la magie de et c'est moins l'univers est plus réel, alors oui, que dans Monster Company c'est vraiment non, enfin c'est tout est tout, oui, t'as pas l'équivalent des portes, voilà, je suis d'accord. Et mais c'est enfin j'ai pas détesté, je me suis juste dit bon bah je m'attendais pas à ça, et mais faudrait que je le revoie du coup, parce que en termes de structure, en termes de tout ce que vous dites là, je me dis ah peut-être en fait c'était c'est un film qui justement arrive à un peu comme Ratatouille, dans le sens où pareil, toutes les 10 minutes le concept évolue, change un petit peu, et du coup tu crois comprendre au début, très vite tu te dis ok, ça va être un film sur donc Bob versus Sully, comment ils sont ennemis, et en fait très vite ça change, ils sont obligés de s'allier, et après très vite ça change, ils deviennent potes. Mais ils font pas l'erreur de dire et à la fin il nous faut un nouveau monde, encore une fois un nouveau univers, non il dit non, on garde ce monde d'université, on y reste, même si à la fin ils vont plus ou moins dans le monde réel, mais c'est lié à l'université, et à la fin ils sont virés, ils ont échoué, quoi. Ouais, et y a plein de petits trucs en dessous. Moi j'avais un peu peur des easter eggs de eh bien vous allez voir comment un tel est devenu un tel. Et en fait, même ça, ils s'amusent avec ça de façon assez intelligente. Oui, puisque le méchant du 1 est en fait un mec qui se fait vraiment emmerder en classe dans le préquel. Et au-delà de la blague qui est quand même marrante, bah c'est intéressant en fait. Et ça te fait voir un peu le... Il crée le méchant, c'est eux qui créent le méchant. Et surtout, Sully est vraiment un connard. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, pour avoir. Pour parfois écrire pour des gens. Comment dire, qui sont des non ah oui, okay. Non mais pour... non mais tu vois, ça arrive jamais ça. Non, ça n'arrive jamais. Jamais. Non mais tu vois, c'est un peu la relation acteur auteur, c'est-à-dire que quand t'as tu vois, t'as quelqu'un qui représente vachement bien, donc Sully qui est l'acteur, qui est quelqu'un qui a pas besoin de se faire, t'as l'impression qu'il a pas l'air de beaucoup bouger son cul, mais qui va quand même être une rosta parce qu'il est doué, parce qu'il est talentueux. mais qui en même temps, s'il a pas en dessous l'équivalent d'un Bob Razowski, qui est un acteur frustré, qui est, c'est un peu quand même le cas de beaucoup d'auteurs, qui va du coup l'aider un petit peu à devenir le meilleur de qui va un peu l'aider à devenir le meilleur de lui-même. Et en fait, ça, moi, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vraiment vrai. Parce que du coup, tu retrouves, tu n'as pas ce que tu avais dans tes rêves d'enfant, mais tu l'as ailleurs et c'est vraiment, je pense, mieux même. Enfin, tu peux quand même exister à travers ce truc-là et je trouve ça vraiment super de dire ça à des gosses. Et surtout que ce lit est incompétent sans Bob. C'est il lui manque un truc quand même. Il se fait, enfin bref, il est nul, il a pas de rigueur, il croit même pas en lui-même en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce que lui apporte Bob, c'est ça, c'est que ce lit, il se dit ouais, tout le monde me kiffe parce que je suis, c'est ça. Cool, famille. Ouais, il voilà, est cool ça, et surtout il est fils d'un mec connu et tout, etc. Ouais. Mais lui-même, au fond de lui, il pense pas qu'il est si bon que ça. Et du coup, il a besoin d'un Bob pour l'encourager et pour le driver, quoi. Parce qu'il y a un vrai truc d'adolescent d'ailleurs aussi de pas croire en toi machin et donc du coup d'être très désinvolte en même temps, je m'en bats les couilles, je m'en branle et tout, et qui est vraiment un comportement d'autodéfense qu'ont les adolescents. Et c'est pour ça que le film est intéressant, c'est pas tant que Bob va briller à travers ce lit parce que ce lit est trop fort et que Bob est à côté de ce lit. C'est non, parce que les deux brillent l'un avec l'autre en fait. C'est ça où ils ont réussi à faire une vraie relation intéressante, quoi. Et les persos, tous les petits persos secondaires marchent bien aussi. Et la scène qui est une vraie scène d'angoisse aussi dans le dortoir. Oui, c'est génial. Quand pour le coup ils ont peur des enfants. Ouais, c'est des vrais enfants. Des vrais enfants dans un dortoir. Et justement, quand je l'ai revu récemment, c'est une vraie scène d'horreur en fait. Et je aimé voir ce film. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a, il a pas eu le succès du premier, qu'il a été un peu décrié et tout. C'est que je pense que c'est pour le coup pas un film pour enfants, quoi. Il y a plein de trucs. Déjà, l'histoire, voilà, c'est une histoire qui nous parle, nous, plus. Ouais. Je pense que ado, ça serait passé à mais côté. Surtout, c'est un film de jeunes actifs, un peu. Ouais, c'est ça. Exactement. Et pour les plus petits encore, ce moment-là est terrifiant. Ah bah ouais. Détester voir ça, quoi. C'est vraiment un surtout film que, d'horreur, oui, quoi. Dans le premier, t'avais Boo qui était toute mignonne. Là, t'as une armée de gamins effrayants. Hyper flippant. Celui d'après est beaucoup plus connu puisqu'il a fait beaucoup parler de lui à l'époque, vraiment plutôt en bien. Puisque c'est Titanic. C'est... Non, oui, c'est un dessin animé bien fait, hein, le truc. Non, il s'agit de Coco. Voilà, pareil, qui a tiré beaucoup de larmes. Oh, oui. Un très beau film sur le droit d'auteur. Ah, bah, oui. Et le fait de déposer ses textes à la SACEM ou à la SACD, sinon on se le fait voler. Voilà, c'est le film. On passe à... Coco de Lee. Ah, oh, putain, j'ai oublié son nom. Ulrich. Oui, voilà, c'est ça. Ulrich. Monteur, qui a commencé en tant que monteur au sein de Pixar. C'est une grande famille. C'est une très grande famille. Et puis Dieu sait que le rythme est extrêmement important dans ce genre de production. Est-ce que vous avez kiffé Coco? Parce qu'en fait, il y a eu un grand vague d'amour sur Coco à sa sortie et j'en ai fait partie. Enfin, et moi toujours d'ailleurs en vrai. Enfin, je trouve le film génial. J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'un ressenti. Oublié un peu. Non, mais qu'il y a eu un espèce de backlash de attention. Oublié c'était pas comme, si ouf. Exactement. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de contre-coup. Ah ouais. En fait, c'était peut-être pas. Mais peut-être je le fantasme. Hein. Je vois l'impression. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a été oublié. C'est plus ça. C'est que j'ai l'impression que Coco c'était un. Ouais, le film, genre, tout le monde a dit c'est. Ouais, t'as pas vu Coco, putain. Ouais, c'était. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et qu'après, il a un peu disparu, tu vois, même du merchandising, des trucs, qui est un peu un signe chez Disney, de genre, bon, bah, c'est passé, quoi. On passe à autre chose. Peut-être c'est ça qui fait l'impression de genre, bon, c'est pas non plus. T'as raison, c'est vraiment le merchandising, c'est pas un film comme Cars où les gamins ils jouent pas avec des squelettes. Non, mais d'ailleurs, il y en a un peu et c'est immonde, hein. Enfin, genre, à Disneyland, t'as des peluches qui sont en fait des peluches normales, mais sur par-dessus. Il y a squelette, mais donc tu sais, la peluche elle est pas belle, quoi, tu vois, elle est un peu dégueu. Il pourrait juste vendre des ukulélés et des guitares. Bah, je crois que c'est un peu. Ouais, bah, c'est. Moi, je la prends, je le prends tout de suite. Hein, non, mais tu vois, même le chien ou le tigre, tu te dis ça pourrait être un peu déjoué. Le chien qui était un peu. Qui était très bien, mais un peu déjà vu, c'est un peu doug, un peu déglingue. Ouais, bah, l'animal gogol, la poule, le dodo, ça me fait toujours rire. C'est tous les personnages de l'Hôtel Transylvania. Exactement. Mais non, moi, Coco, j'étais quand même en larmes. Et puis pareil, alors là je trouve que en termes d'animation d'être humain, pareil, on a quand même passé un step. C'est fou. La peau de la grand-mère surtout est hyper. Les petits poils. Les petits poils avec les petits duvets de mamie. On a tous retrouvé le duvet de mamie. Ça nous a piqué. Ça nous a piqué les joues pendant les étrennes. Non mais trop bien, Coco. La mise en scène et le thème, de la mort, c'est vraiment le. Ça t'a touché toi, Timothée? Oh oui, j'ai chialé, vraiment, j'ai chialé. Mais j'étais surtout très heureux que ça parle de la mort de cette façon et que putain, c'est une parfaite introduction. C'est le premier film que je montrerai à mes gosses. Tiens, voilà la mort. Tu connais ça, voilà. Et les jouets, ça ne dit pas. Tu peux voir tout ce que tu veux après. T'as vu la mort. Moi, j'ai. C'est super. Mon neveu l'a vu et c'était une période donc il était assez jeune et où ça lui commençait à se poser beaucoup de questions et ça lui faisait assez peur toutes ces questions de mère machin. Et quand et moi je l'avais vu et quand mon frère m'a dit qu'ils allaient voir Coco, j'ai vraiment eu cette peur de genre ah ça va le il va être effondré parce que c'est vraiment le moment où il commence à se demander où est parti machin que, tu vois, de... et en fait comme tu dis bah déjà il a trouvé ça très bien et en fait il ça lui l'a fait accepter, il a compris le message du film et en fait et ça l'a pas du tout Et c'est pour ça que je m'étais dit la même chose, c'est le genre de film qui est vraiment un bon film sur la mort et qui te rend pas déprimé quoi. Quand il y a eu 10% de plus de morts depuis d'enfants, je crois, depuis la sortie du film, où les gosses sont, bah, c'est pas grave, c'est... maman, on l'accepte beaucoup plus. La musique dans le monde de Coco. Non, mais après, bon, alors c'est complètement repris de certaines croyances mexicaines, mais même le concept même de. Tant que tu y penses, tout va bien. C'est assez joli, moi je trouve quand même. Comme, super comme, après, en fait, les gens, je sais que c'est Navo. Alors j'espère ne pas mal citer Navo. Lui, c'est ce qui l'avait gêné. Il y avait un peu un truc de bah, fais quelque chose marquant de ta vie. Sinon, on va vite t'oublier. Non, c'est le souvenir de, parce que la grand-mère. Ouais, si, d'accord, ok, je vois ce que je veux dire. Par rapport à l'intrigue du. C'est du, sûr du, que, ouais. Que t'as deux façons de te faire. Soit c'est ta famille qui t'aime, soit tu crées un tube. Ouais, c'est ça. Non, pour les autres. C'est plus la famille, c'est le côté le souvenir chez les autres. Et j'ai une question pour vous, amis cinéphiles. Avez-vous vu le, parce que je l'ai pas vu, le film de produit par Del Toro, La Légende de Manola. Oui, parce que c'était un peu le même délire, l'impression non même ou bah, peut-être en fait, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas vu du coup. Donc. Alors moi, je l'ai vu à l'époque, mais j'avoue, j'ai pas grand souvenir. Mais j'ai quand même souvenir que ça. En fait, j'ai l'impression que il y a pas le. C'est vraiment le monde des morts, quoi. C'est vraiment ça se passe pendant la fête des morts et tout ça. Il y a pas tout le côté quelqu'un va mourir, toute l'histoire de la. J'en ai pas. Alors peut-être que oui, et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui me le disent, mais je ne m'en souviens pas en tout cas. Mais voilà, j'ai l'impression que si j'avais vu Coco et que, oui, que vu que j'ai vu le film avant, ça je m'aurait pense un que les peu gens tilté. Parlé aussi, ouais, ça m'aurait un peu tilté. C'est un film d'il y a deux ans. Mais le film a fait un peu polémique, hein, parce qu'il y a des artistes mexicains qui trouvent que c'est vraiment Mickey qui reprend des croyances et qui d'un coup, enfin tu vois, qui en fait des trucs, qui en fait du merchandising, oui, qui voilà. Mais ce qu'il faisait, mais Disney avec Mulan, c'est une légende. Enfin, tout ce qu'ils font, tout ça, c'était des légendes. Alors que nous, les Français, et Ratatouille, on dit oui, trop bien. Non mais c'est, moi je trouve ça cool que les gens justement qui te mettent au goût du jour d'autres cultures, quoi. Bah il y avait un truc. Alors on est très mal placé puisque, alors je crois qu'aucun de nous n'est mexicain, mais en plus il y a le fait de le sortir. L'année où Trump est en campagne, enfin il y avait quand même tout un truc un peu chouette autour de autour d'ailleurs, de son film, ce c'est film. Le mur, c'est juste le mur. Beaucoup moins sympa. En avant, ouais. Beaucoup moins sympa. Voilà, donc non, Coco très bien. Et juste pour la petite anecdote, là où je dis que ça a été poussé encore plus loin, il faut savoir que toutes les scènes où il y a de la guitare dans Coco, ce sont des vrais accords qui sont joués, c'est-à-dire qu'ils se sont cassés le cul à animer vraiment les doigts sur les bonnes notes. En se tapant des tutos en gros plan, enfin pas des tutos mais des vidéos où les doigts sont filmés en gros plan et ça joue vite en plus hein, c'est et pas ça joue très très très vite et en même temps quand ils en sont à foutre des pauvres pelotes de laine sur un t-shirt et tout pour être réaliste ils peuvent bien mettre les vrais doigts sur une guitare, c'est le Zikos qui parle. c'est le mec qui punk son tube. Mais en plus dans ce film il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que il y a quand même un personnage récurrent on va dire et tout, c'est Frida Kahlo. Super. Et ça pareil, les gamins ils s'en foutent tu vois, mais ça marche, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, ça marche nickel. Quoi. Bah et c'est une porte d'entrée. tu vois, c'était Frida Kahlo. Je vais te montrer quelques peintures. moi j'adore Coco, j'adore vraiment ce film. Et à chaque fois que je le revois, il refait son effet. Mais moi, je l'aime tellement ce film, je trouve tellement touchant que quelqu'un qui me dit qu'il a pas aimé, je me dis, il y a un problème. Je le bloque dans la vie, tu vois déjà. Et je me dis, cette personne est un cyborg. Oui, voilà. Tu n'as pas d'âme. Voilà. C'est tout. Ça va être testé pour vérifier qui est un alien en apparence humaine ou pas. Voilà. Tu vois, celui d'après est aussi extrêmement touchant et extrêmement connu pour plaire aux adultes et aux enfants, puisqu'il s'agit de Inside Out, Vice Versa. Même si j'ai jamais compris le titre vice-versa. Ouais, parce que Inside Out, je comprends. Dehors, dedans, vice-versa, je sais pas. Bon, bref. En même temps, dehors, dedans, c'était un titre bof. Ouais. Un très bon porno. Ouais. Voilà. Pareil, une idée simple pour un film très fort, j'ai l'impression. Non, mais parce que en vrai, c'était ça. Moi, parce que entre là-haut, en avant, dehors, dedans, ils sont des vraiment... c'est vraiment des directions quoi. Donc, en même temps, le premier c'était une histoire de jouets. Bon, après, tu te démerdes. Par là-bas. Non, mais ce que je trouve assez intéressant dans Vice Versa, c'est que l'idée de ok, c'est des émotions qui vont être leurs émotions. C'est une mauvaise idée à la base. Ah ouais, c'est ça, c'est un truc très simple. C'est presque un cliché de. De réunion d'auteur. Ouais, ouais, c'est ça, nous, quand on réfléchissait à des sketchs et tout, le truc de. C'est des pensées dans la tête, c'est devenu presque un cliché de genre, non, ça c'est bon, on l'a fait, ça a été vu, machin. Dans et des tout. Pubs. Et, ouais, dans les pubs. Et là, quand. Moi, je me souviens de lire le pitch de ce film en me disant, oh, mais attends, mais c'est. J'ai du mal à lire l'article, c'était leur film, leur projet de film il y a 15 ans, c'est pas possible que ce soit maintenant, ils vont pas le faire maintenant quoi. Et ils l'ont fait, et ils l'ont bien fait, ces salauds. Ouais. Ouais. Tout le concept est exploité vraiment tellement bien et de façon touchante. Et là, enfin, moi c'est mon préféré, je pense. En termes de qui m'a touché, qui m'a ému récemment, où je me rappelle être râlé le voir, le voir plusieurs fois et au cinéma. Et où, notamment dans une salle avec que des gosses qui comprenaient pas vraiment, qui comprenaient pas tout, et ils étaient trop jeunes, je pense, pour comprendre. Je sais pas à partir de quel âge tu peux vraiment comprendre certains trucs, mais c'est vrai que c'est vraiment sur la psychologie de quelqu'un, c'est sur tout le monde des rêves, enfin. Sur la psychologie d'un enfant, ouais. La dépression. Et sur un film d'animation sur la dépression. Ouais, quand c'est même, fou. Je pense de dire seul. À la fin qu'il faut accepter la tristesse pour vivre et pour c'est tellement fort. La musique de Chacchino est folle. Enfin, moi, il y a des moments hyper doux, hyper où elle se remémore des souvenirs, des trucs où quand Joa regarde ses souvenirs de patinage et tout, moi je chiale. Voilà. Et c'est surtout que c'est un film où le dénouement du film ou la construction du film est lié au cheminement du réalisateur lui-même. Et c'est là où il y a dans les documentaires qui parlent de comment ils ont écrit le film, c'est hyper intéressant parce qu'à la base, pareil, ils étaient partis sur l'idée des émotions, machin. Et c'était donc la peur qui devait être un peu l'allié de la joie en disant bah oui bah l'inverse de la joie c'est la peur, du coup c'est un buddy movie sur la joie qui est contente et la peur qui fait chier parce qu'il a peur de tout. Et c'était ça leur film pendant un an ils ont fait ce film, ils l'ont écrit, ils l'ont doublé et tout ça. Et on voit, il y a un super bonus où on voit le réalisateur qui à un moment on lui dit très clairement bah tout ton film ne marche pas. T'as quelques jours pour trouver une solution parce que là vraiment ton film ne marche pas et on risque de t'arrêter ton film, tu vois. Ouais. Et il part dans la forêt, il se filme au téléphone et il explique ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Et il dit bah je suis triste parce que il y a tellement de gens avec qui j'ai travaillé sur ce film avec qui je vais devoir dire au revoir. Et en parlant de ça, en parlant de cette tristesse qu'il a de quitter les gens avec qui il a travaillé et de dire bah c'est peut-être ça en fait le film, ça parle de la tristesse de quitter les gens et pas de la peur. Et là, il débloque le film, et donc le personnage de la tristesse était vraiment pas du tout un personnage important, et ben devient le personnage le plus important du film. Et du coup, c'est hyper intéressant comment il a trouvé cette idée-là, alors qu'il était parti sur une autre idée à la base. C'est quoi. J'ai deux questions pour toi. Alors, j'ai pas fait le film. Hein, voilà. Non, déjà, t'as vu ça où, du coup Des podcasts. Je crois que je me rappelle la vidéo, je sais plus, on peut la voir sur Internet, où il en parle, le réalisateur, où il parle de ce moment où il fait une thérapie avec lui-même pour savoir un peu où est-ce qu'il va avec ce film et tout. Mais le réalisateur qui est Pete Docter, voilà, Docter ouais, qui a fait là-haut et qui maintenant je crois est le nouveau depuis le licenciement de John Lasseter, patron de Pixar, en tout cas qui gère le créatif. Oui. Je sais plus si c'est lui ou parce qu'il y en a un qui s'est rebarré aussi, mais je sais pas. Lui. Mais en tout cas il gère. Et surtout, par contre, je trouve qu'il y a un personnage qui empathie un tout petit peu, c'est que joie, peur et colère sont très forts et que, du coup le dégoût. Le dégoût, c'est très... Et moi c'est le petit défaut. D'un défaut du film où t'as l'impression que même eux savent pas trop quoi en faire et là pour faire quelques blagues de genre j'aime pas les brocolis et ils avaient ça comme blague. Après et après les enfants sont quand même vite. Ont un truc de repousser des choses beaucoup, je pense que c'est quand même un lien quand t'es gamin. Oui, t'aimes pas, tu réfléchis pas. C'est vraiment genre, j'aime pas, je repousse. Et tu vois, et c'est là où je trouvais que je comprends pourquoi il est là, mais c'est vrai que tu sens qu'il est. Enfin, tu sens que c'est qu'il est moins, en tout cas, il a moins des scènes un peu cool comme Colère par exemple, qui vraiment du coup c'est efficace, c'est droit, et surtout le design des personnages, parce que c'est quand même fou d'avoir créé des designs sur des émotions où tu comprends tout de suite tu vois, peur je le trouve à pleurer de rire non mais vraiment c'est, je trouve qu'il y a des ruptures, des mouvements de bras, c'est presque très Looney Tunes en fait, parfois plus que Disney je trouve. Et bah, ce moment dans les pensées abstraites là, tellement expérimental, c'est pour ça les enfants adorent cette scène, ça qui est fou, c'est que d'un coup il y a des écoute, moi je l'ai vu avec une petite fille et non John Lasseter. Allez, 56. Un podcast de 20 minutes. Alors qu'on parle de Pixar quand même. Moi je l'ai vu avec une petite fille et à ce moment-là elle hurle de rire quoi, parce que d'un coup en fait les formes deviennent des trucs chelous en fait, donc en fait je pense que la base de l'humour c'est être surpris, tu vois, c'est genre t'es surpris, tu fais oh putain, et tu vois, et je pense que quand t'es un truc aussi basique, de quand elle passe par des trucs qui deviennent des trucs chelous, bizarres, tu vois, tout plat, exactement comme quand on regardait Bibi et Pécoyote se faire écraser et d'un coup ils sont tous gondolants, tu vois, je pense que c'est des formes coup, qui plaisent aux gamins quoi. Comment elle a vécu le film, enfin dans est-ce qu'elle en a tiré des leçons, ou est-ce que t'en sais rien, ou est-ce que ou est-ce que par exemple quand l'ami imaginaire disparaît, enfin ça non, ça le cœur, je pense, elle, de elle tous est les adultes, mais non, elle les était très triste. Elle est très triste parce que t'as un éléphant rigolo qui disparaît quand même. Oui, c'est vrai. Mais par contre, je te le dis, après, je dis pas qu'elle représente, c'est pas la mère des enfants à Enfantville. à Enfantville, c'est elle qui décide de ce qu'ils pensent tous. Elle se fait chier au bout d'un moment. Parce que en plus, c'est un film de 2 heures. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est. Ah, puis elle a 5 ans, hein, donc c'est pas non plus. Tu vois. Mais le Big Bang, ça la touche. Les villes qui commencent à s'écraser, machin, et elles doivent courir pour y échapper, ça la touche. Je pense pas qu'elle ait compris qu'il faut de la tristesse pour être heureux, j'en sais rien. Quoi, elle fugue à la fin. Ouais, tu vois, je pense que c'est des trucs qui la dépassent un petit peu, mais c'est super, je trouve. Elle va pouvoir y retourner parce qu'elle a quand même beaucoup rigolé. Je pense qu'elle aime bien le film, mais voilà. C'est juste au bout d'un moment, elle s'est fait chier, donc je pense que le problème, c'est quand tu t'ennuies vers la fin, t'as pas forcément. Elle fait quoi quand elle se fait chier? Elle est sur Insta. Elle est sur son grand. Ouais, elle est sur son tel. Elle se lève, elle me parle beaucoup plus. Enfin, tu vois, elle fait des trucs. Ah, c'était pas dans un cinéma. Ah non, c'est dans un salon. Je pensais vraiment qu'elle se levait dans un cinéma. Que le cinéma, c'est assez atroce hein, quand il y a des enfants. Enfin, je veux dire, faut accepter qu'ils parlent, qu'ils se lèvent, que des fois ils se lèvent. Peut-être pas des questions tout de suite. Moi, je vais au cinéma, je vous le dis tout de suite, à 22h30 en VO. C'est sûr, je ne peux croiser personne. Je me souviens d'une séance de Lego Batman d'une tristesse. Je croise un gars et alors évidemment il me fait oh Floodcast. Et bah oui, ça pouvait être qu'un gars qui écoute un podcast sur des débiles. On était que deux. Et côte à côte. Non. Bah attends, il est venu à côté de toi. Oh là, t'imagines le truc. Enfin, s'il nous écoute, je te fais des bisous, mais ça aurait. Bah, il nous écoute, hein, c'est sûr. J'aurais détesté que tu te mettes à côté de moi. Vraiment. Moi, j'aurais pas osé mettre à l'opposé. J'aurais dit, il va peut-être mal le prendre. Que je m'éloigne. Oui, t'aurais choisi une distance très. Pour dire, genre, je sais que t'es là, et je vais pas en plus envahir ton espace est-ce personnel. Est-ce que tu ris autant seul comme ça, ou surtout avec un. Non, moi je ris très fort au cinéma. Et c'est d'ailleurs tout le. C'est la même chose que quand t'es en. Quand je suis avec des potes. Avec 1000 personnes dans une salle. Ouais. Okay. Et c'est très relou parce qu'à côté de ça, je suis super chiant avec les gens qui font du bruit. Mais j'en ai parlé d'ailleurs dans ce podcast avec François, mais je ris très fort. Donc il y a vraiment un truc quand je fais bon, chut. Et du coup les gens font bah gars voilà, faut être concret un peu dans tes avis, tu vois, bon bref. Nous avançons sur une pépite. Tu ris comme Nelson dans les Simpsons. Ouais, et Eleanor Coste. C'est l'enfant de Eleanor Coste et de Simpsons. Celui d'après est tout à fait culte, puisqu'il s'agit, on parlait d'une attraction où il y a 4 heures de queue. C'est le monde de Nemo avec la musique merveilleuse de Thomas Newman. Qu'on entend tout de suite. Le piano qu'on entend en ce moment. Le monde de Nemo, je dirais mon troisième préféré avec Ratatouille et Monstres et Compagnie. Parce que je trouve ce film. Comment dire. Je sais pas, j'ai. En fait, je saurais. Bon, déjà, tout ce qui est avec des darons, hein, vous avez remarqué, c'est quand même des trucs qui me touchent beaucoup. Mais je trouve ce film d'une espèce d'intelligence vis-à-vis de. C'est une aventure quoi. Enfin, je trouve ça sec, j'adore quoi. C'est une aventure qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand j'ai dû aller voir le remake du Roi Lion, qui est quand même la même histoire, je me suis dit, ah, c'est vrai que même dans l'original, ça prend des grosses pauses le Roi Lion, tu vois. C'est-à-dire que il rencontre Timon et Pumba, ça s'arrête, ensuite il repart, hein, ce machin. le monde de Nemo, ça s'arrête à aucun moment. C'est-à-dire qu'il est tout le temps le personnage de marin en déplacement pour essayer de retrouver son fils. Sans que ce soit un défaut, ouais. Comme sans dans Star Wars, de Skywalker. Voilà. Oui. Non, mais c'est en fait, je trouve ce film incroyable parce que bon, déjà, il m'émeut, c'est vrai, il m'émeut. Il est 7h du matin. Il m'émeut énormément. C'est-à-dire que je trouve ce film extrêmement touchant. Et il y a cette scène que j'adore où les poissons avec l'oiseau et tout, enfin il y a la rumeur qui remonte de il a parcouru l'océan entier machin et tout, et ça arrive à l'albatros qui va le dire au poisson dans l'aquarium et il dit ouais, il y a ton père, il s'est battu contre trois requins, donc le petit poisson fait bah non, mais ça doit pas être mon père. Il fait bah si, comment s'appelle-t-il, Marin je crois. Et t'as vraiment l'enfant qui est comme un ouf et qui dit c'est mon père, et il raconte sur de la musique tout ce qu'a fait son père. Je trouve cette scène incroyable. Et dans le même genre, il y a une scène pareille qui est au même niveau en termes d'émotion. C'est la scène où ils sont avec les requins là, et t'as une bombe. Ouais. Et la bombe explose, t'as le bateau qui explose, t'as une énorme explosion. Et après, on voit à la surface, il y a deux oiseaux. Et t'as une petite bulle qui fait plouc. Et l'autre, il regarde son pote oiseau, il fait super. Et il se barre. Dans la VF, il dit même élégant. VF, bonne VF de Dubosc. Incroyable. Ouais, on ne le reconnaît pas. Mais oui, on ne le sait pas. Et c'est une vraie très bonne VF. Sauf quand il dit dis donc, on n'entend pas Patrick. Là, effectivement, on reconnaît un peu. Mais... Et par contre, tu parlais d'histoire d'amour. Il n'y en a pas dans celui-là, parce que ce n'est pas une histoire d'amour qu'il a avec Doris. C'est vrai, histoire d'amitié. C'est vrai. Et c'est ce qui mais c'est aussi après Monstres et Compagnie. C'est pour ça que je parlais de Monstres et Compagnie, c'était le premier. Parce que techniquement, comment dire, draguer une meuf qui est amnésique, c'est borderline. C'est comme quand t'es en soirée et que tu bois pas d'alcool et qu'il y a une meuf bourrée. Tu ne la dragues pas. Voilà, c'est la même chose. Oui, c'est vrai qu'ils ont dû se poser la question. Sauf peut-être John. Mais d'ailleurs, le monde. Je comprends pas. D'ailleurs, le monde de Nemo. Attends, mais il y a un boulevard là. Le monde de Nemo, d'ailleurs, qui est un film aussi qui a remis sur le devant de la scène Hélène DeGeneres. Ce qui peut paraître fou quand on le dit maintenant, parce que Hélène DeGeneres est une giga star. Mais à l'époque, en fait, elle venait de se faire virer de sa sitcom. Elle avait fait son coming out qui était pas bien passé à l'époque, enfin qui lui avait fermé beaucoup de portes. Et en fait, c'est Andrew Stanton qui était venu la voir en disant bah en fait moi j'ai écrit avec ta sitcom en fond et j'ai pensé à toi pour le rôle. Et elle le dit dans l'excellente émission de David Letterman sur Netflix. Mon prochain invité n'est plus à présenter, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et elle en parle, ça lui a vraiment remis le pied à l'étrier et maintenant c'est une gigastar quoi. Et il a remis en lumière aussi énorme le fait d'acheter des poissons, malheureusement. Oui, qui est vraiment contradictoire avec le message de film, qui est vraiment les humains c'est pas bien, faut pas. Mais vraiment juste tout le monde a acheté ensuite des poissons clowns. Alors c'est marrant que tu dis ça, puisque les gens ont été tellement nombreux à acheter des poissons clowns à partir du film que l'espèce s'est retrouvée menacée d'extinction dans plusieurs pays. Ouais, c'est vraiment con quoi. Ils ont fait bon, j'étais vraiment pas, vous avez pas compris le film. Moi je l'avais vu dans un contexte hyper particulier, parce que je venais, c'était quand, c'était en quelle année ça, 2002, le monde de Nemo. Bah je te dis ça dans seconde. Ouais mon pote. Non mais je venais d'avoir un accident de voiture, vraiment on devait aller chez des potes et donc 2003 2003, voilà, c'était cette année-là. Sûrement mais quand même, conduire à 8 ans, c'est peut-être ça. C'est ça le problème, c'était ça un gros problème. C'était pas des oiseaux, mais c'était moi. Et non, mais bah, du coup, accident de voiture, vraiment hardcore et tout ça, tout le monde va bien. Mais du coup, on était trois dans la voiture, ma mère et mon frère. Et du coup, on va à l'hôpital. On devait aller chez des potes. Et on va à l'hôpital. Et moi, j'étais derrière avec la ceinture au milieu, là. Il n'y avait pas de ceinture. C'est juste une ceinture du bas. Ah oui, d'accord. C'était pas celui qu'on voulait protéger le plus. Non, vraiment pas. Et pourtant, en fait, ça m'a. Parce que le choc était tellement violent que ça les a brûlés au niveau de la ceinture là. Ouais. Et moi, j'avais juste ça. Et du coup, ils m'ont laissé partir le soir même à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Alors que ma mère et mon frère sont restés. Et du coup, que faire dans ce cas-là, je sais plus où mon père était, mais du coup ils m'ont dit bah si tu veux vas-y va chez les potes avec chez qui on était censé aller. Du coup je fais ok, j'y vais, enfin on m'amène j'imagine. Et là ouais, si t'as pris la voiture derrière je marche 4 heures sous la pluie avec mon valet-chambre. Et là j'arrive et mon pote de l'époque m'accueille et genre tout le monde est compréhensif, ça va et tout, et il me dit si tu veux j'ai le DVX de Le Monde de Nemo. Et genre t'as dit je préfère Cars. Du coup Cars. Non mais du coup c'était la première fois, il était même pas sorti au cinéma, ou alors il était au cinéma et c'est la première fois que j'ai regardé un DVX Et c'était magique. J'étais dans un univers. Enfin, un univers de pirates, mais ok, ouais. D'accord, très bien. Ouais, désolé, mais c'était. Mon frère et ma mère étaient à l'hôpital. Moi, j'étais là, ouah, des poissons. Ouais, tu dû prendre de la weed à l'époque. Je t'avais acheté sur la route le tonneau. Après des 4 heures de chemin. Non, c'était comme un rêve. Et je me rappelle, je crois que c'était la version québécoise. Mais je sais plus, parce que c'était pas exactement. Mais je pense qu'il y avait eu un truc où c'est sorti avant. Parce que moi, je l'ai vu en DivX aussi, mais il y avait une histoire. Je sais, pour, pareil, j'ai l'impression de l'avoir vu avant le cinéma. En DivX, ouais. Je pense qu'il y avait eu une fuite à cette époque-là. Un peu le premier DivX de bonne qualité. Tout le monde était là, genre ouais, j'ai Nemo. Ouais. Wow. Les dealers dans la rue. Tu veux Nemo ? J'ai du shit et Nemo. Mais tu choisis. Tiens, Nemo. Mais non, c'est vrai que le monde de Nemo, je trouve le film vraiment bien. Je trouve qu'il ne vit pas une. Enfin, et pour le coup, je trouve le rythme incroyable. Ouais. Et il arrive même à échapper à ce truc, c'est-à-dire qu'il sauve Nemo. Et à la il y a une dernière péripétie. Mais quand même, elle est pas chiante. C'est-à-dire qu'elle est logique dans l'histoire où ils essaient de faire basculer le bateau. Et c'est vrai que les humains sont vraiment des merdes du début à la fin du film. Il n'y a pas un humain qui est racheté, en fait. C'est que des débiles profonds. Et je sais pas, je trouve. Et tout le début... monde a acheté des poissons. Voilà, c'est ça. Pour donner pas du tout raison au film. Et le début aussi triste. On parlait de là-haut, mais c'est vrai que c'est quand même un début de film où la mère meurt. Et puis voilà quoi. Et allez, tous ses frères et sœurs. Et tous ses frères et tous les embryons. Et après, c'est. Allez, on y va. Allez, c'est parti. L'attraction est plus marrante. L'attraction. Ça serait super que l'attraction ce soit vraiment juste le début. Tout le monde meurt et t'échappes. Et à la fin, il y a que le poisson qui fait maintenant, on va essayer de survivre, Nemo. Et allez chercher la photo qui est là-bas. La photo en larmes dans l'attraction. Ah non, allez-y tout seul. Non, mais alors, par contre, c'est marrant que tu parles de cette scène de début parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une polémique. Parce qu'autant on parle de fourmise qui a plagié Mille une pattes, on parle de tout ça, mais en France, Franck Le Calvez, un auteur français, a assigné Disney pour contrefaçon en raison de son livre Pierrot le poisson clown. Puisqu'en 95, il avait déposé à la SACD un scénario de film d'animation mettant en scène un poisson clown, et devant les échecs à 3 millions de production, il l'avait adapté en 2002 en bande dessinée, un an avant la sortie du Monde de Nemo. L'histoire du livre, c'est le Pierrot le poisson clown vit heureux avec ses parents et Rose, leur anémone protectrice, jusqu'à l'arrivée de Liona, la rascasse. Chassée par Rose, Liona s'est promis de se venger et de manger la famille clown. Pierrot doit faire preuve de courage pour lui échapper. Heureusement, Pierrot est aidé par de gentils poissons qu'il rencontre tout au long de ses aventures. Avec ses nouveaux amis, il découvre que la vie lui réserve de belles surprises. Le plus troublant reste le début de l'histoire, où effectivement c'est une attaque d'un poisson alors qu'ils sont dans leur anémone et compagnie. Et l'auteur dit on y retrouve les mêmes personnages secondaires avec un poisson chirurgien et une crevette nettoyeuse. Moi, je suis dégoûté. Mais en l'occurrence, ce sont les seuls. Comment dire ? C'est la seule ressemblance, et le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'auteur en lui disant que non, ça n'avait, même si c'est similaire, ça n'avait rien à voir et que sur les dates ça ne collait pas au niveau de le livre, il venait de sortir un an avant, donc par rapport à développement de film, tout ça. Il a dû du coup verser 38 000 euros de dommages et intérêts parce que tu t'attaques à Disney, mon con. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'il peut le dire. Bon, allez, c'est tranquille quoi. Bon, il a plus rien fait après quoi. Ouais, je pense que c'était compliqué. Bah, il a fait une BD sur un mec dans le monde des morts, mais il a fermé sa gueule. Il a dit non, c'est pas. Non, prenez presque ce que vous voulez. Le film d'après, bah écoutez, on est dans le même délire puisqu'en fait c'est le monde de Dory. Simplement, qui a encore une fois. En fait, à chaque fois, je dis mieux marché, mais peut-être qu'il y a des délires d'inflation que je maîtrise pas bien. Plus de gens dans le monde, je ne sais pas. Non. Le monde de Dory qui va un peu dans cette grande tradition des suites de Pixar où c'est n'importe quoi. Ouais. À savoir, mais moi j'aime bien le monde de Dory, mais où on joue un peu avec les règles, où on casse un peu le jouet, où on s'en bat un peu les couilles pour faire des blagues. Je sais que Valentin, toi t'es pas un grand fan du monde de Dory. Non, après pareil, je l'ai vu qu'une fois au cinéma et j'ai eu un peu. Alors quand même, c'est quand même mieux, mais un peu le syndrome Cars 2 de genre, en fait je comprenais le côté on fait n'importe quoi, j'adore l'idée que ce soit dans un aquarium géant où tu peux du coup faire plein de trucs, mais j'avais l'impression qu'ils étaient bloqués, tu vois, genre il y a tout un passage où les poissons sont dans des bulles, des sachets, et où ils se baladent, ils sautent, ils vont dans un truc, ils conduisent une poussette, encore une fois, la pieuvre conduit un camion, hein, je le rappelle. Ouais, j'allais venir parce que rappelez-vous que les chiens qui conduisent des avions, c'est pas ma passion, alors une pieuvre, un camion. Non, mais il y a la pieuvre et le camion, mais la pieuvre à la limite, ça, tu peux imaginer qu'elle respire à moitié, machin, tout. Ouais. Les poissons, ils sont vraiment. Ils passent plus. J'ai eu l'impression qu'ils passaient la moitié du film hors de l'eau, ce qui est quand même con pour un film sous l'eau. Et surtout, t'as Marin. Alors, ça va toujours dans la logique de. Il surprotège son fils, mais bon, t'avais un peu l'impression que cette intrigue était finie à la fin du 1. Et là, il lui dit carrément bah vas-y, on saute sur des jets d'eau pour aller ailleurs. Enfin, tu sais, oui, c'est vraiment la joie avec ton fils. C'est vraiment comme si un père dans le 1 était un peu protecteur et dans le 2 il lui dit bah vas-y, on va traverser l'autoroute parce que maintenant je te fais confiance. Bah, c'est ça. Donc c'est bon, on peut courir sur l'autoroute. Non, mais c'est ce passage là, ouais, les jets d'eau, les trucs. Je sais pas, il y a un truc où j'ai pas accroché. Je pense que j'attendais beaucoup, j'avais adoré le premier, j'avais beaucoup d'attentes sur le côté aquarium, le personnage oui, de aquarium du dans pool, le sens aquapark, ouais, oui, énorme. Et en fait, c'est normal, moi c'est pareil, je pense que t'as envie de t'amuser avec cet univers, mais je me suis plus dit pendant le film, il y avait les fonds marins, j'adore les fonds marins. J'adore les documentaires bah, sur les fonds marins, c'est les deux trucs. Non mais ouais. En plus, j'adore vraiment les fonds marins et moi j'avais vraiment un truc c'est il y a encore une infinité de possibilités de personnages et tout et qu'au final on se retrouve avec je sais pas un film. Bah là il y a les phoques, les belugas, enfin ils vont ailleurs quoi, ils vont ouais, c'était pas ce que je sais pas, j'ai pas accroché, je crois que ça allait comme tu dis, ça allait trop loin. Après ça reste comme tu disais, François, c'est parce que c'est Pixar et qu'il y a genre sur beaucoup de films la barre est très haute et que là en vrai ça reste un très bon film d'animation, très marrant, très bien fait. Et l'émotion, je trouve, marche quand même très bien sur le personnage de Dory pour le coup, ouais. Parce que oui, c'est Dory, difficile c'est de faire c'est quand même un film sur un sidekick, ce qui est quand même souvent les trucs qui, enfin tu vois, c'est comme si on faisait un film sur l'âne de Shrek, tu vois, c'est un peu relou. Et en ça, fait, tu vas être considéré tellement fort. C'est écrit, hein. Ouais, et après, ils sont allés voir Eddie Murphy qui a dit très bien, ce sera le PIB de la Belgique. Ils ont fait, allez, laisse tomber. Mais je trouve que oui, tout le truc où elle cherche ses parents, du coup, puisque en gros, le 1 c'était un père cherche ses enfants et elle cherche ses parents. Je le trouve très émouvant. Et ouais, tout le truc des petits cailloux, tout ça, je trouve ça assez joli. Mais oui, tout ça, c'était bien. Il y avait les personnages des phoques, là. Très drôle. Avec le saut. Très bien. Non, mais il y a plein de trucs très bien, mais voilà, j'ai moins accroché, quoi. Et la pieuvre, enfin, la première fois où tu vois la pieuvre, quand elle fait mes lions. Ça, c'est vraiment marrant. En fait, comme à chaque fois, je pense que, à part peut-être Arlo, où tu as l'impression que c'était un peu classique, un peu vide, dont on a parlé dès le début, il y a toujours quand même des idées incroyables dans chaque Pixar, quoi. Ouais. Là, tu l'as pas vu, François ? Pas du tout. Mais franchement, mate-le, hein, y a des trucs vraiment cool, c'est intéressant. Tu là, au moins, si je l'ai vu, j'ai aimé. Et après, voilà, ça a pas été. Mais j'ai été très touché du personnage de Dory. Et pour le coup, encore une fois, ils ont vraiment insisté sur le fait que voilà, il faut pas acheter de poissons. Et les humains n'ont pas. C'est faux, ils ont bien sûr acheté plein de Dory. Et ça a été un désastre, encore une fois. Mais à part ça, non, vraiment, c'est super. Si tu veux vraiment te briser le cœur définitivement, Timothée, tu vas à Disneyland Paris, qui ne sponsorisera jamais ça le podcast jamais après, cœur, après cet ça. Épisode. Ça... Tu vas au Rainforest Café de Disney Village, non. Dans lequel il y a des poissons exotiques dans un tuyau au-dessus du restaurant. C'est les poissons que tu peux manger, j'espère. Tu ne peux pas les manger, mais qui sont devenus handicapés mentaux. C'est-à-dire que j'ai une image. Non, mais j'ai une image qui m'a brisé le cœur avec ma meuf. On y est allé bouffer et il y avait un poisson. Bon, c'est horrible ce que je vous dis, mais bon, il y a un poisson qui faisait des tours et sa bouche frottait la vitre. Donc il y avait vraiment un truc de bah ça y est, il est devenu fou ce pauvre animal. Et il faisait des tours, il faisait. Tu sais, c'est Nemo 3. Ouais. C'est ça se passe que là-dedans. L'animal est vraiment devenu complètement malade et je trouvais même surprenant que Disney, qui font très attention à pas déborder, laisse ce poisson immonde parce que vraiment c'était traumatisant. Quoi. C'est-à-dire qu'on s'est même barré du resto parce que tu peux pas manger, tu vois vraiment un poisson faire des tours comme dans un film d'horreur. Ah, c'est un gros poisson. Ouais, c'est un poisson qui est la moitié d'un avant-bras quoi. C'est une baleine, vous avez pas vu. Il vient de mimer la taille d'une baleine, ce qui est immense. Surtout que Disney, ils sont connus pour faire des animatroniques un peu pétés mais rigolos, tu vois. Et là, ils sont dit non, on va mettre des vrais poissons. Oui, c'est pas le crocodile de merde où tu jettes des pièces à l'entrée. Non, là, c'est des vrais poissons. D'ailleurs, je m'en souviens plus, mais il n'y a pas du tout dans le monde de Dory un truc sur. Parce que c'était un peu aussi déjà. On parlait déjà un peu de toute la problématique des Marine Land et tout ça aux États-Unis. Si, donc, ils en parlent un petit peu dans je le film. Je sais plus comment, mais. Oui, je crois qu'il y a un message comme ça. Je sais quand plus quand à travers quoi. Ils ont le beluga qui essaye de s'enfuir. Bah, tout le monde arrive à se barrer, plus ou moins, je crois. C'est surtout ça à la fin. Enfin, il y a quand même beaucoup d'animaux qui arrivent à se barrer. C'est vraiment un peu comme beaucoup de Pixar en fait, c'est tu pars d'un endroit pour t'évader et là aussi c'est ça, c'est-à-dire la plupart arrivent à se barrer puisque le camion en fait est plein de poissons dedans. Ah mais oui, c'est le camion conduit sur l'autoroute par un poulpe géant. Mais tu sais quoi, j'ai envie de le revoir en fait, voilà. Bah écoute, je te le cours. En fait au pire tu vas bien te marrer, ce qui est quand même toujours cool quoi. On arrive à la fin de cette longue liste avec bah là il nous reste quasiment il nous reste que des suites en fait les amis, on a fini les films originaux puisque le film d'après Les Mignons. Non, il s'agit de Toy Story 3. Alors une suite, mais qui quand même a un peu marqué, j'ai l'impression, l'histoire de, enfin le cerveau de chacun. Bah, la chialade. Puisque voilà, la fin est pareil, très triste, très intelligente. François Descraques, qu'est-ce que tu aimes ce film? J'adore Toy Story 3. C'est vraiment, enfin, pareil, c'est à chaque Toy Story, c'est toujours genre, allez, c'est le Toy Story de trop. Et non, en fait, c'est un chef d'œuvre. Chaque fois, c'est fou. Et celui-là, c'était pareil, surtout c'était longtemps après. Et c'est là où, en plus, ils sont trop forts, c'est que à la fin du 2 ou à la fin du 1, je sais plus, qu'ils disent, mais tu te rends compte que. Ah oui, c'est à la fin du 2 où ils disent, tu te rends compte que Andy, il va grandir un jour, il va t'abandonner. Et t'as Woody qui fait, ben, je. C'est pas grave, ce jour-là arrivera, mais ce sera dans longtemps, hein, n'est-ce pas? Et puis et quand tu vois le 2 à l'époque, tu te dis pas qu'ils vont le faire. Et dans le temps, ils font « Et on va le faire !» Et c'est le moment où ils déménagent, et tout le monde va être abandonné. Et c'est le début du film. Et c'est... Et même le chien, il est tout vieux. Ça, j'ai trouvé ça horrible. Il y a un rappel de mort au début, où tu vois le chien, fait « tout Oh, fatigué. Je suis fatigué !» Là, tu fais « Vous m'avez vraiment mis ma vieillesse dans les gueules. » Bénichou, le chien. Là, il est doublé par Pierre Bénichou, il fait « Ouf, ouf, ouf !» J'ai fait Bénichou. Tu l'as bien fait. En faisant Benguigui, t'as bien fait Bénichou. Ces références depuis le début de ce podcast, toutes les références qu'on a citées. C'est vraiment les grosses têtes du web, hein, on y est, là. Moi, j'assume. Tu veux dire, les voix, tellement que... Mais ouais, non, c'est génial ce film. Ouais. C'est génial et une fin incroyable, enfin en termes de tension ça, sur le vraiment le bah, l'espèce de la fonderie là. C'est tellement, enfin oui. Bien sûr qu'ils vont pas au bout du truc et qu'ils meurent pas tous cramés et tout ça, mais tout ils vont tellement loin. Ah bah ça y est quoi. Et surtout ouais, vraiment ça dure longtemps. Ça dure, tu te dis bon ouais. Bah, c'est la fin. Et ils montent les gros plans et ouais. Chacun se regarde. Chacun se prend la main et tu te dis non, mais c'est un enfer ce film. Est-ce que vous avez vu ce très beau montage très drôle, une vidéo YouTube? Oui, qui montre à sa mère. Et il remonte le film. En fait, il remonte Toy Story 3 et en fait, il fait finir ce film, au moment de la fonderie. Il met le générique. Et il met le générique sur de la musique triste et t'as vraiment la mère qui fait quoi? Le mec est choqué. Il les laisse comme ça pendant. Ouais, et le lendemain, il lui dit et ouais, ou peut-être une semaine. Et après, il lui dit non, mais en fait, c'était faux. Ça finit pas comme ça. Mais genre vraiment, elle y a cru. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est horrible. Ils ont pété un câble. Mais ouais, non, c'est un film de très puis touchant avec effectivement la transmission à la toute fin quand il lui dit au revoir. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais oui, il y a un an sans doute. dans l'émission. Dans cette émission. Pour le moment, cette émission n'existe pas encore. Hein, faudra croiser les doigts. Ouais. Mais quand j'étais allé voir Toy Story 3 avec plusieurs amis à moi, et évidemment, on était, tu vois, on voulait pas pleurer tous, c'est débile. Mais à l'époque, on ne voulait pas chacun regarder ce film en faisant ouais, c'est bien, on est sorti, on t'a bien aimé, ouais, c'est cool, ouais, c'était bien et tout. Et le temps a passé quelques semaines, moi après, on commence à parler des trucs un peu, je sais plus comment, mais dans une conversation vient les trucs qui ont fait pleurer, et je sais pas lequel de nous commence en disant faut que je t'ai fait un truc. Vraiment, ouais, c'était genre la scène de fin dans Toy Story quand je voulais pleurer, quoi. Et je crois que je dis ça à un pote qui me dit, mais moi aussi, mec, mais je n'osais pas, et en fait tout le monde, et on était tous un par un à dire mais moi aussi. Et tu sais, c'était ce truc de on a tous voulu pleurer et comme des cons on a tous fait non, pas pleurer devant des jouets, quoi. Donc et je l'ai revu, moi ça marche à chaque fois, je l'ai revu pour le coup chez moi, maintenant je me lâche complètement sur cette scène. Mais non, cette scène elle est trop belle. Donc c'est la scène de transmission où en gros c'est, en fait tu pleures de, t'es triste mais de t'es content, quoi. C'est vraiment bah voilà, il passe à une enfant qui est heureuse d'avoir su jouer. Et voilà, ça a une très belle fin. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé le 4, j'ai fait genre... Ouais, pareil. Et on encore une fois. Je me suis dit vraiment, et encore une fois. On va y venir. Il va y avoir débat sur la fin. Moi, j'ai aussi ce truc quand même, parce que je trouve que c'est présent dans pas mal de Pixar, mais c'est peut-être moi, c'est que dans ceux où je suis le plus ému, c'est à chaque fois ceux-là où il y a l'idée la plus pétée, je trouve. Et alors dans le 3, c'est la Alors ça, moi je trouve ça rigolo. Moi, c'est Buzz l'éclair qui parle espagnol. Ah oui, c'est vrai. Ne comprends pas ce délire. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Et le 4 me l'a un peu confirmé de bah, c'est Woody le héros parce que Buzz, on sait pas quoi. C'est un peu dommage. Ils ont tout donné dans le 1 en fait. C'est ça, c'est et même dans le 2, il est un peu sauveur. Il y a le père, enfin, il y a le père, non, il y a la blague, je suis ton père et tout. Oui, et puis il va sauver Woody, donc il y a quand même un truc. Mais là, le 3, on a oublié que la moitié du film, c'est il le reboot et du coup, il parle espagnol et il fait. Il danse, de la salsa, des maracas. Et vraiment, il y a un peu un truc de. Bon bah là vous êtes parti ailleurs. Et Monsieur Patate est une crêpe et c'est pleurer de rire aussi. C'est tellement fou ça. C'est pareil, ton cerveau saigne parce que tu dis alors donc du coup les crêpes et peuvent pourtant être des jouets et après ils sont allés au bout du truc puis dans le 4 ça parle de ça. Oui. Ça parle de ça. Et ben allons-y directement puisqu'effectivement le film juste après c'est Toy Story 4 qui est sorti il y a quelques mois. Juste après le flot de casque qu'on a enregistré. Le flot de casque la foirade. Alors je crois qu'on y allait tous un peu reculons parce qu'effectivement le 3. Alors déjà il y a ce truc. On l'avait vu ou pas? Non, on l'avait pas vu. On n'en a pas parlé de celui-là. Ça c'est la nouveauté là. Depuis le début en fait on répète mot à mot ce qu'on a dit la première fois. J'ai un scénar. Ouais, j'en suis à la page 34. Donc ouais, il y a ce film là Groom qui... 2 non plus, il y avait pas non plus l'année dernière. Et donc ce film là que ouais que les gens n'attendaient pas spécialement, parce que déjà il y a ce truc un peu mental de bah une trilogie c'est bien, c'est trois épisodes, et puis des fois quand il y en a plus on est un peu déçu. Et là il y a ce numéro 4 qui sort et que moi j'ai quand même bien aimé en fait. Mais commençons par François qui l'a vraiment bien aimé, j'ai l'impression. Alors j'ai trouvé très bien parce que pareil, je partais de loin aussi, j'étais en train de me dire à quoi il va servir, qu'est-ce qu'il va raconter, je comprends pas l'intérêt puisque le 3 c'était la transmission. Et en fait c'est là où c'est très fort dans le 4, pareil, en mode en fait on te dit pas vraiment de quoi ça parle, et en fait ça parle de l'absence, comment dire, enfin c'est un peu, je sais pas si c'est tiré par le jeu, mais ça parle de fait de choisir de pas être père en fait, ou pas être parent on va dire. Tu n'es pas obligé le drame de Woody c'est de dédier sa vie aux enfants et d'être dévoué pour les rendre heureux quoi qu'il arrive. Et que en gros, on lui dit, bah tu peux prendre ta retraite à un moment, tu n'es pas obligé de t'occuper de tous les enfants, etc. Et ça, c'est très courageux de comment dire. Alors que justement, c'était la base du perso. La base du perso, Woody, il a beau avoir des défauts, il a toujours voulu rendre Andy heureux. Ouais. Et là, le fait qu'il ait été transmis à une autre enfant et qu'il dit, ok, je vais faire la même chose. Et je vais pas me plaindre, et c'est ça ma fonction. Oui, sachant qu'elle ne l'aime pas spécialement. Enfin, c'est pas son jeu préféré. C'est l'axe très fort aussi, l'axe du début, c'est que c'est un jouet parmi tant d'autres. Et non seulement c'est pas son jeu préféré, mais en plus, elle tombe amoureuse d'un autre jouet qu'elle fabrique elle-même. Et c'est pareil, le premier truc, dans la présence, je me dis, mais quel intérêt de faire une fourchette, je comprends pas et tout. Et pareil, ils te le vendent très bien dans le film. C'est qu'ils disent, bah non, mais c'est pas tant que le jouet est intéressant, c'est que c'est son jouet qu'elle a fabriqué, elle a mis tout son amour dedans, du coup c'est son jeu préféré, c'est tout. Qui est très drôle en plus. Et en plus c'est très marrant. Et il y a cette scène où elle s'ennuie à l'école, enfin où elle est toute seule, où elle a pas d'amis à l'école. Moi je trouve cette scène très intelligente, parce que tu comprends tout en fait. Elle a pas de potes machin, et donc du coup elle se fabrique son jouet parce que c'est sa seule. Et en plus tu peux réfléchir sur le fait que quel intérêt pour une petite fille, on va dire, de notre époque, d'avoir littéralement un jouet de boomer, quoi. Un cowboy des années 50. Tu te dis, bah ouais, on s'en fout, tu vois. Mais oui, est-ce qu'on a tous les vieilles peluches de nos grands-parents, de nos parents, on disait, mais on va jamais jouer avec ça, ça a l'air immonde, ils ont des yeux trop grands, c'est dégueulasse, il y a des coutures apparentes. Et du coup, c'est hyper logique qu'elles disent, bah non, Woody, non. Comme 5, elle est pote avec un iPad. C'est un iPad qui parle, ça va être charmé. Et en plus, alors du coup, en plus, c'est là où pareil, c'est hyper fort, dès le début, la scène de séparation avec. Donc la bergère, le flashback, voilà, et qui est hyper dur, ou pareil, on voit qu'il essaie de sauver à tout prix les jouets, il dit non, reste tous ensemble. Et moi, ça c'est très fort dans le cas, c'est que on voit un personnage, un leader, qui veut faire que tout se passe bien et qui doit apprendre à laisser passer les choses, à abandonner. Il y a un vrai truc aussi d'ego, voilà, t'es plus le jouet tant aimé. Et c'est, ça reflète d'ailleurs la méchante de l'histoire qui veut être aimée. Et du coup, il y a tout ce truc de Woody qui est en mode non, vas-y, dégage, t'es la méchante et tout ça. Et à la fin, en mode je te comprends totalement. Alors, c'est pareil. Là, la méchante est très bien construite. Elle sort pas de nulle part. Elle arrive pas trop tard. En plus, ces espèces de là qui sont flippantes. Si on les vend, les pantins. Avec la musique de Shining, vraiment, ils ont mis la musique de Shining à un moment donné. Et super. Et je trouve l'univers est super, les persos super, et la finale. Et le fait aussi, il retrouve dans le bout, qui pareil, elle a grandi sans enfant. Et qui dit, c'est possible en fait, d'être un joueur abandonné. Ça fait pendant tout les Toy Story, on te dit, être un joueur abandonné, c'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur. Parce que t'as plus de but. T'as plus de but, du coup, c'est mieux mourir, tu vois. Et là, ils entendent que non, en fait. Tu peux vivre sans, entre guillemets, sans enfant. Donc c'est là où le film a un double dialogue, on peut dire, tu vois. Ou sans responsabilité, on va dire. Mais c'est drôle que moi j'ai vu un truc similaire, mais pas exactement ça. Pour moi, c'était presque la vie quand ta famille roule, quoi. C'est-à-dire que quand tes enfants ont 18 ans, grosso merdo, tu vois. Il y a un peu ce truc-là aussi. Pour Woody, c'est ça. Ouais. Pour Boo, oui. C'est plus. Pour Boo, je sais plus si ça s'appelle Boo. Bebop, enfin, le bergère, quoi. La bergère. C'est plus, on peut être une femme sans avoir d'enfant, c'est son personnage à elle. Pour Woody, c'est plus ça, c'est plus, c'est bon, j'ai fait mon taf, je dois abandonner, je dois la laisser. Ma vie, quoi, voilà. Et c'est hyper fort, pareil, je pensais pas que c'était nécessaire, et en fait, je me dis, non, pour Woody, c'est nécessaire. Parce que sinon, c'est vrai qu'à la fin du 3, tu dis, Woody, il recommence le même cycle, avec un autre enfant. Il est en boucle, il est en boucle, tu vois, il va re-être abandonné à un moment, etc. Et là, en fait, non, ils disent non, il nous manque en fait un chapitre. Et je me dis, mais oui, putain, mais oui, c'était important en fait cette histoire. Ouais, c'est déjà tu m'as convaincu, donc. Non, moi, bien joué. Donc bien joué. J'ai le DVD, je te le vends. Non, non, moi j'ai beaucoup aimé et pour tout ce que t'as dit. Pareil, petite déception de Buzz qui disparaît, qui était quand même pour moi c'était c'est, comme il l'avait construit comme un buddy movie. T'avais vraiment le duo et là c'est un film sur Woody. Mais presque mais tous les personnages, hein, c'est quand même un peu frustrant. Patate, Zigzag, tous. Et en même temps. C'est malin parce qu'ils ont déjà fait le 3 avec tout le monde. Donc oui, il y avait... oui, bien sûr. Mais il y avait même en fait, le 2 en vrai. J'arrêtais pas de jongler entre le 3, c'était la conclusion parfaite. Pourquoi j'ai ce chapitre en plus? Pourquoi tu sais, j'avais cette impression. Et par moments, à me dire, ah, en fait, c'est presque un meilleur message que le 3. Fallait le mettre à la fin du 3. Tu vois, ce truc de je savais pas sur quel pied danser. Et en fait, je pense que c'est juste un bon film. Mais moi, il y a un truc qui est marquant aussi dans ce film. Donc l'histoire est très bien, mais visuellement, par c'est une claque. C'est que vraiment, par rapport aux autres, ils se sont dit, alors là, tout va être photoréaliste sauf les jouets, mais et tout ce qui est défaut d'objectif, on en parlait et tout. Alors j'ai oublié le nom, donc ça va être nul, mais je pense que les internautes vous trouverez. Il y a une vidéo sur YouTube qui parle vraiment de comment ils ont en gros cradossé l'image de Toy Story pour en faire une très belle image. Ouais. Et moi, oui, sur la poussière, ouais, ou c'est les trucs ça, comme sur ça. La poussière, il y a sur le plan les du chat qui est très connu. En fait, ils ont créé un truc qui simule un objectif, enfin une gamme d'objectifs, je sais plus. Mais il y a ce plan, il y a ce plan. En fait, en gros, c'est une vidéo qui explique que c'est des vrais objectifs de cinéma alors que c'est de l'animation et des trucs sur les profondeurs de champ qui sont normalement pas possibles mais qui sont amusés à faire et tout. Et aussi, je pense que c'est le premier Pixar. Ils sont tous très bons. On parlait de Wall-E qui est magnifique et tout. Mais moi, c'est le premier où il y a certains plans où j'ai fait wow! Sous la voiture, Woody qui chiale sous la voiture, sous la pluie. Cette intro sous la pluie et tout, mais où il se met à chialer sous la pluie. Ce plan est incroyable en termes. C'est un des plus beaux plans de cinéma. Et je parle de tous les films confondus. Quoi. C'est fou ce truc. Et là-dessus, ils ont fait très fort. Les jeux, Non, vas-y. J'avais vu une vidéo sur YouTube où je sais plus comment ça s'appelle quand on fait en sorte que le fond soit net et le premier plan soit net aussi. C'est les objectifs à double job, machin. Ouais, c'est ça. Quand tu fais ça dans un vrai film, on a vu la même vidéo, je pense. Quand tu fais ça dans un vrai film, il y a le milieu qui est un peu flou. En fait, ils ont recréé ça. Ils auraient pu juste faire un truc tout net et comme beaucoup de films d'animation font. Et là, ils se sont dit non, on va vraiment. Pour que ton cerveau l'assimile comme étant un vrai objectif. C'était Mais c'était ce plan dont je parlais, c'était le plan du chat qui s'étire, où en fait la lumière est un peu cramée, où il y a de la poussière qui est dans et les poils du chat. Enfin, c'est vrai que c'est un truc assez, assez dingue. Et l'humour est quand même toujours très très drôle avec les personnages de Key & Peele. C'est vrai qu'il y a Key & Peele littéralement dans le rôle de Key & Peele. Dans le rôle de Key & Peele qui sont vraiment, je pense, ont improvisé deux semaines et ils leur ont pris des vannes. Et Keanu Reeves. Qui m'a un peu plus saoulé, moi, le personnage du motard. En fait, je l'ai trouvé qu'il avait beaucoup de place dans le récit. Il les aide à la fin et tout. Et j'étais un peu genre, bon, je m'en fous un peu. Mais c'est aussi le truc de Toy Story, c'est que si t'as pas des jouets qui te rappellent des jouets que t'avais, je pense que tu t'en fous un peu. Et ça, c'est vraiment un jouet à l'ancienne. Et surtout, j'étais un peu frustré parce que j'adore la scène quand ils vont le chercher, où ils ouvrent une espèce de vieille malle, enfin une espèce de vieille armoire. Et devant, il y a des très très vieux jeux à clé. Tu vois, donc ils sont vraiment des jouets à l'ancienne. Et je me dis, putain, ça, c'est un univers de ouf. Et bon, ils s'arrêtent pas très longtemps, mais Key & Peele, moi, il y a toutes les phases où ils imaginent comment ils pourraient se barrer, où ils attaquent la vieille au visage et tout. Qu'est-ce que c'est drôle. La fin où ils deviennent des monstres immenses, et que c'est aucun sens. C'est d'un coup, on sort totalement de Pixar là. C'est juste un délire incroyable. Je me souviens même plus de ce qui se passe. Mais ils imaginent des trucs. Et à la fin, vraiment, ils s'imaginent en train de devenir des monstres immenses qui défoncent toute la fête foraine et ça devient Godzilla, quoi. Non, mais c'est un film que je trouve à plein de. J'ai envie de le remater aussi, parce que je l'ai vu qu'une fois pareil. Au cinéma. Exactement. Mais je me souviens, être sorti un peu déçu quand même, mais parce que. Parce que le 3, mais je pense que c'est un film qui. C'est les films où après t'as des enfants et tu fais oh putain les bâtards en fait, ok. Ils ont parlé à mon double du futur. Oh mon dieu, ils sont très très forts. Et on termine avec le dernier, donc le gros succès. C'est bizarre de finir sur celui-ci, mais il s'agit des Indestructibles 2 qui a été un succès et un peu surprise. Est-ce que c'est genre gros succès par rapport à Toy Story 4 ou Alors pour te donner des chiffres précis. Je veux des chiffres. Toy Story 4 a fait 1,073 milliard d'entrées. Là où les indestructibles de dollars de recettes. C'est vraiment la Chine un sixième de là. Ouais, de dollars de recettes pardon a été rentable à 537%. Là où les indestructibles c'est bien. Non, je crois qu'ils sont contents. Ouais. Et là où les indestructibles 2 a rapporté 1,243 milliard, donc 200 millions de plus. Ce qui est pour Disney que dalle. Vraiment que dalle. Mais qui a été rentable à 621%, ce qui a coûté un peu. Donc ils avaient vraiment besoin d'attaquer un mec qui fait des BD en France. Il a demandé 38 000 balles. Lui, ça a dû lui ruiner tout quoi. Mais il est le mec qui peut dire au repas de famille, j'ai attaqué Disney en fait. Ouais. Et tout le monde lui fait. Et alors, non mais je vais prendre de la dinde au marron. Ouais, c'est ça. Et alors, bah file-moi un Tupperware si je peux ramener un peu à la maison. Je t'en supplie, aide-moi. On est d'accord que c'est gratuit. Hein. C'est toi qui paye l'addition. Parce que, okay. Ouais, les Indestructibles 2. Alors on va pas en parler mille ans parce que pareil, moi j'ai été quand même un peu déçu par ce film. Mais en même temps, j'en attends. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai été un peu déçu alors que j'en attendais pas grand chose. Parce que j'adore Les Insuccessibles 1, mais c'est pas un film qui m'a marqué dans ma jeunesse. Je l'ai kiffé, quoi. Je le trouve très bon, mais j'ai pas été transporté par des trucs. Et là, je sais pas, j'ai trouvé le truc. Alors, j'ai appris qu'il avait été, pas en développement elle, mais qu'il y avait eu aussi beaucoup de réécriture. En l'occurrence, le méchant, ce qui m'a un peu donné une piste de réflexion en disant c'était ça qui m'a un peu. Parce que clairement, ouais, le méchant. Ouais, puis il a un peu comme syndrome, mais en même temps, un peu plus politique, bizarre. J'ai pas tout compris sur le. Ouais, je me suis demandé si. Ouais, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, mais je suis d'accord, genre, tu vois, je l'ai pas revu, j'en retiens pas un truc incroyable. J'en retiens la musique qui est toujours incroyable. Ouais. Et je me dis, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un très très bon film de super-héros. Sauf que j'ai vu les 22 Marvel aussi, qui sont pas tous très bons pour le coup. Ouais. Et du coup, on en a vu plein de films de super-héros. Et j'ai juste eu l'impression de voir un film de super-héros qui tient trop bien la route, mais qui n'apportait pas grand-chose, si ce n'est bah, le côté un peu du coup qui fait un peu du bien de femme forte et de ouais, et les scènes d'action sont ouf, la scène de moto élastique, la réelle est incroyable, les scènes d'action sont fantastiques. Mais tu vois, je me suis, quand on parlait d'originalité, de trucs un peu fous, de messages dans la tête, de parler de dépression, tout ça, là je me suis plus dit c'est un super film de super-héros, c'est au-dessus de la plupart des Marvel, j'ai l'impression, en termes de films de super-héros. Ah oui, bien sûr, moi j'en suis persuadé, enfin moi je trouve. Mais je suis d'accord, je suis sorti en disant bon bah c'était un bon moment quoi, sans plus de... En fait je trouve que le film... Le méchant, je pense que ça joue, c'est que tu vois quand même pas mal venir l'espèce de twist, qui est un peu... Tu vois qui va être le méchant, j'ai pas eu de surprise, voilà. Mais tu le vois venir et en même temps ça n'a pas le sens. Oui, en même temps, c'est ça. T'es critique avec ce film. Ouais, mais surtout qu'il y a, et puis il y a un truc en plus de très série B, quoi, de contrôler l'esprit. Alors du coup, ils ont les yeux bleus. Enfin, moi, c'est des trucs où j'ai du mal à. Bah, ouais, c'est ça peut jouer dans après, dans le genre, ouais. De... Mais ils ont fait Marvel, hein, avec Loki, oui. Qui voilà. Moi, ce que j'ai trouvé décevant, c'est que je trouve que le pitch de base est hyper intéressant, de se dire ok, dans la suite, c'est donc Miss Fantastique qui devient, on va dire, la super-héroïne et Monsieur. Celle qui travaille, voilà, quoi. Ouais. Et Monsieur Fantastique reste à la maison. Je me suis dit, tiens, c'est cool, je me demande où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Et en fait, ils vont nulle part avec ils ça. Vont pas, ouais, c'est parce ça. Parce qu'en fait, dès le départ, elle veut pas vraiment le faire. On lui dit, mais si, c'est bien, elle le fait. Elle fait une mission où ça marche. Et dès qu'elle comprend que son mari, voilà, c'est la merde et tout, c'est rare, il arrive pas avec le bébé, elle dit, bon, bah, je rentre. Et en fait, du coup, ils vont pas au bout de son personnage, en fait. Ouais. Ils sont censés être, on est censé être avec elle. Là où dans le premier, le personnage de Mr. Fantastic va, pas fantastique, mais indestructible, va tellement loin sur ses rêves, sur comment il est à la base, comment il perd tout, comment il cache à sa femme le fait qu'il devient, il redevient super-héros, comment après il a peur de perdre sa famille, après il devient une super famille de super-héros. Mmh. Et voilà. Enfin, ça va tellement, ils ont tellement développé son personnage dans le premier que la mère, elle est pas développée dans le 2, c'est juste elle est trop forte. Ouais. Et ils lui mettent une méchante voilà pour dire bah en gros c'est une fille contre une fille, mais ils vont pas pousser le truc plus loin, tu vois. Et au final, ils rebondissent, ils vont tellement nulle part que pratiquement tous les gags avec le bébé, c'est les mêmes gags qu'il y a dans le court-métrage qu'il y avait à l'époque où avec la babysitteuse et tout, tu vois. Du coup, bah t'as vu le court-métrage, t'as zéro surprise sur ça. Et au final, et à la fin, la famille fait la même chose que dans le premier et tout. Enfin, bref, donc Et il y a un truc aussi où c'est logique dans le canon, mais en tant que spectateur, tu t'en fous, c'est qu'il découvre ces trucs-là. C'est-à-dire que Monsieur Indestructible qui découvre que son fils a plein de super-pouvoirs. Nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on le sait. Ça fait 15 ans qu'on le sait, donc on s'en fout complètement, quoi. On en a un peu rien à foutre. Alors, en fait, c'est ça qui est trop bizarre. C'est que. Ouais. Je trouve ça très. Enfin, pour le coup, tu sens qu'ils auraient pu faire la suite à la Toy Story 3 en mode ben, 15 ans plus tard. Ouais. Tu vois, genre, on assume. Ouais, genre, il est grand-père. Voilà. Ouais. Et en fait, ils se sont dit non, non, non, les gens, ils ont aimé les persos, on a déjà les jouets, ils sont déjà lancés. Du coup, il faut pas que les enfants aient grandi. Du coup, la blague, c'est qu'ils ont dû changer le doubleur du gamin, parce qu'entre temps, le gamin il a grandi. Mué, ouais, bien sûr. Mais du coup, ben, ils peuvent aller nulle part dans l'histoire, parce qu'ils ont déjà tout raconté avec cette famille, à cet âge-là, dans cette situation-là. Ils ont rien de nouveau, en fait. Ouais, l'ado est toujours ado. Ouais. Y a des... En fait, moi. Il y avait quoi avec cet ado? Il y avait pas un truc au début où elle a un mec, elle veut pas lui dire que elle est super. C'est le gag du. Elle est timide et puis je sais plus le père. Le mec, il y a un gars qui lui fait oublier tout ce qu'il a vécu. Ouais, avec le je sais plus s'il y a une conclusion à ça ou pas. Oui, mais en fait, c'est pour lui faire oublier qu'elle était super héroïne et du coup. Ah oui, c'est ça. Et pareil, c'est tellement en arrière-plan, voilà quoi, c'est. Pour le coup, ça faisait vraiment ce direct ou DVD, mais au cinéma. Quoi. Et moi, j'étais un peu frustré parce qu'au début, ils te présentent un gars où tu penses que ça va être lui le méchant, parce qu'ils t'ont pas encore présenté la meuf qui est genre un fan des super-héros. Oui. Et je m'étais dit, oh putain, s'ils font un truc où le méchant, c'est en gros le public qui va voir tous les Marvel, enfin tu vois, un truc un peu osé au sein même de Disney, en plus, j'aurais trouvé ça super fort. Et vu que Brad Bird, c'est un peu un mec qui aime bien faire des doigts d'honneur à genre, ah, vous aimez ça, et bah moi, je vous prends l'encontre-pied, vous aimez bien Mission Impossible, bah moi, je fais celui où les machines elles marchent pas et où Tom Cruise il va se casser la gueule et machin. Je pensais qu'il allait, allait y avoir un vrai propos sur l'amour des super-héros où tout le monde se branle sur les Marvel et tout. Ouais. Et en fait, ils le font jamais vraiment. C'est pas sur les Marvel que. Ouais, ça fait. Ah, pardon. On va conclure là-dessus. Je peux pas te dire mieux. Écoutez, les amis, merci beaucoup. Peut-être on peut juste se dire qu'est-ce que vous attendez? Donc, il y a En Avant qui va sortir. Donc, En Avant, oui. C'est dans le monde un qui peu. Qui a déjà eu un procès aussi d'ailleurs. Pour la petite cache. Ils ont une. Ah, ça y est, j'ai plus aucune phrase dans la tête. La voiture, mais gros, où on met un truc derrière, ça s'appelle un petit camion. Une camionnette. Ah ouais, okay. D'accord. Okay. La camionnette, c'est avec une licorne dessinée dessus. Et en fait, c'est inspiré d'une américaine qui a une camionnette avec une licorne dessinée dessus, pareil et tout, qui a été connue pour ça, qui avait fait le tour un peu de Reddit ou je sais pas quoi, et qui a porté plainte et qui a gagné pour le coup. Ah, parce qu'en vrai, ils ont dit oui, on s'est inspiré de ce truc, mais on pensait. Donc, ils lui ont versé je sais plus combien. Sauf qu'elle essaye de faire interdire le film, qui est quand même osé. Mais ouais, en fait, beaucoup. Je pense que c'est ses avocats, mais il y a un truc de genre, il lui file je sais pas combien de milliers de millions. Ouais, c'est ça. En fait, ils attendent le gros chiffre pour dire ok, c'est bon. J'ai vu un tweet très drôle passer, parce qu'en gros Disney se targuait un peu d'introduire son premier personnage lesbien dans En Avant apparemment, et c'est un espèce de troll policier. Et j'ai vu une humoriste lesbienne qui disait super, notre première représentation c'est un flic lesbien, c'est un troll flic chamé. C'était assez marrant. Mais moi j'ai vu une bonne annonce, ça me donne un peu envie. Ouais. Ça a l'air d'être Shrek mais premier degré un peu. Enfin, ça a l'air d'être un peu genre. Moi, j'attends beaucoup plus Soul, qui a l'air plus dans l'esprit Vice Versa et plus dans le truc très sensible et très. Je sais pas, j'ai pas vu grand chose de ça, mais et j'attends surtout le retour des bêtisiers. Hein. Qui nous manque. Oui, oui, il y a deux trucs qui nous manquent du début 2000, c'est les bêtisiers à la fin des Pixar et Will Smith qui chante la chanson de rap de son film. Oui. Ça, en fait, moi j'étais un poil déçu quand j'ai vu la bonne annonce, parce qu'en fait ça repart sur un truc de il y a la vraie vie et il y a l'esprit. Mais bon, je sais très bien que comme d'hab, je vais vous allez faire ça et je vais sortir du cinéma en larmes en disant c'est ça, comme tu dis, il y a le syndrome un peu vice versa, on se dit oui, bon, c'est des fantômes quoi, et en fait je sens que ça va être complètement. Ça va encore nous surprendre. Et là, c'est Pete Docter, je crois, encore une fois. Oui, je crois. Donc, quand même souvent celui qui a quand même les idées et de là, scène. Et là, en avant, je pense que ça va être plus fou. Enfin, plus. J'ai l'impression. Enfin, j'espère que ça va être plus original que ce qu'il laisse croire. Enfin, pareil, je suis assez confiant. Ouais, pour l'instant, moi, j'ai juste l'impression que c'est un DreamWorks. C'est ça. Moi, j'ai l'impression un troll, c'est ça. Quoi. C'est. J'ai l'impression. Je dis pas parce qu'il y a des trolls. Non, mais et puis il y a Chris Pratt et. Enfin, en gros, c'est l'acteur de Gardiens de la Galaxie et Tom Holland de Spider-Man. Donc, en plus, t'as l'impression qu'ils reprennent les. Et tu vois, je te demande parce que je vois que tu regardes Soul, il sort quand? Parce que effectivement, je crois que c'est il sort pas de nouveau demain. La première fois où non mais les deux films sortent en 2020. Il sort le 19 juin en 2020. Ah, donc 2020 aux serré, c'est 19 ça. Juin aux États-Unis et alors, le 24 juin en France. En avant, il sort en février. Donc c'est pour ça que je pensais à Arlo, c'est que c'était la même chose, c'est genre ça sort à 5 mois d'intervalle. Ah oui, donc ça fait un peu genre peut-être rien à voir, mais la dernière fois qu'il y a eu ça, il y en a un des deux qui avait été bâclé et qui savait pas trop quand sortir et qui ont mis. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur d'en avant. On va voir. Écoute, mais je crois qu'il y a déjà des critiques de gens qui l'ont vu et je crois que c'est pas mauvais. Hein, bah, pour en tout cas, pour le moment, ça réagit pas mal. Donc c'est Chris Pratt. Et, on va aller le voir. Oui, puis Chris Pratt, c'est quand même un gars très marrant. Donc oui. Moi, c'est un Pixar ou c'est genre un Disney Pixar comme ils faisaient parfois. C'est-à-dire les Disney maintenant, ils sont en 3D donc ils ressemblent à des Pixar. Ah oui, non, c'est deux Pixar. Non, c'est vraiment deux Pixar. Ah non, les deux sont de Pixar. Non, c'est les studios Pixar. Non, parce que pour le coup, Disney, ils ont sorti Frozen 2 il y a pas longtemps là. Donc c'était ça leur dernier Disney. De Walt Disney Animation, je crois que c'est. Ils sont trop occupés à compter les billets, ils peuvent pas faire. Bah écoutez, les amis, merci beaucoup. Oh, voilà, merci. On va croiser tous les doigts et les effluves pour que cet enregistrement ait marché. Dernier truc en parlant de ça, c'est vrai que maintenant on vit dans une époque où c'est dur de faire la différence entre les Disney et les Pixar. Avant c'était très clair, les Disney c'était en 2D, les Pixar c'était en 3D. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de films d'animation aussi bien que les Pixar, mais c'est en fait des Disney. Et dans la tête des jeunes, je pense qu'ils voient même pas la différence. Et beaucoup des équipes sont parties chez Disney parce qu'après, l'autre façon de la différencier, c'est qu'il y en avait un qui était nul. Ouais. Non, mais c'est que, ouais, Zootopie, tout ça, c'est les équipes Pixar qui sont parties. Ouais. Bah, John Lasseter maintenant il est parti à la tête de Disney, c'est là où il y a eu Zootopie, c'était enfin quelques films Zootopie, comme ça. Reine des Neiges, Vaiana, qui était Vaiana, des films vachement bien. Ouais. Et du coup, je pense que maintenant les gamins ils voient pas la différence. Hein. Ouais, c'est possible. Les amis, merci en tout cas beaucoup d'être venus. Vous nous direz pour en avant. Un jour, je me dis si un jour je patreonise. Ce podcast, je pense que je ferai les rustines de tous les hors-séries que j'ai fait parce qu'à chaque fois j'en fais des hors-séries et des films ressortent et genre je vous appellerai au téléphone et vous me donnerez votre avis. Ah ouais, je serais ravi. Les amis, l'actu en ce moment, Valentin Vincent, tu travailles sur un truc un peu long, je crois. Oui, je peux pas te dire grand chose, mais sur un gros je vais partir sur un gros tournage pour un format long. sur un format long. Sinon, toujours Twitch avec Julien où on se voit tous les lundis. On fait une émission tous les lundis. On a fait un autre truc où on écrivait un film en direct, où on écrivait un pitch. On a fait, en gros, l'idée c'était d'aller jusqu'au traitement de film. On a fait 3 semaines tous les jours en direct. Et donc, ce projet-là, on va aussi essayer de le concrétiser, plus en direct, mais maintenant qu'on a un traitement, on essaye de le développer de notre côté. La BD Truth Boy qui est toujours très bien partie, mais qui a pris beaucoup de retard, mais c'est storyboardé en entier, si vous voulez tout savoir. Qui est parti, mais qui est en train d'arriver. Oui, c'est ça. J'annonce plus rien, mais c'est en cours. Ouais. Toujours. Je sais pas quoi dire. Toujours de bonne humeur. C'est déjà toujours énorme. De bonne humeur. Non, mais en fait, beaucoup de projets longs. Je peux pas dire, genre, aller voir la saison 2 de Groom au mois de. Bah, tu peux le dire quand même. Non. Mais vous pouvez revoir la saison 1 des Emmerdeurs. Je vous invite Mais dont je suis tellement fier. Enfin, qui est vachement bien. Parce qu'on fait la blague, mais en vrai, moi, j'ai énormément travaillé sur les Emmerdeurs. J'ai énormément travaillé sur les Emmerdeurs aussi. Timothée Hochet. Oh bah et ouh, ça commence mal ça. Alors je suis en train d'écrire la saison 3 de ma série Calls qui est sur Canal+. Puis-je me permettre de faire un petit aller? Aller? Ouais, je peux faire un petit aller. Oui, bien sûr. Allez. Ah, merci beaucoup, merci. Je commence l'écriture d'un long et voilà, c'est vraiment l'état de zéro. Et puis sinon, pour les trucs concrets. Sur Twitch, ça t'oblige à te lever. C'est vrai. C'était notre excuse, c'était pour nous obliger à bosser dessus qu'on a fait ça. Ah ouais, bah parfait, il faut vraiment que j'ai besoin de ça, donc je vais faire ça. Mais vous avez pas peur que les gens volent les idées? Si, mais du coup. Il y a un contrat tacite un peu. C'est ça, c'est okay. Que nous, et comme eux, en fait, pardon, je voulais pas te couper pour parler de ça, mais en gros, c'était un peu particulier parce que c'était pas on écrit un film avec vous sur Twitch parce que on a envie de le faire, donc. Et sauf que bah évidemment quand il y a des gens qui regardent et un chat, ils proposent des idées, ils sont très contents de rebondir. Donc il y avait un peu un truc toujours à l'écran de si vous donnez des idées et qu'on les lit et qu'on se dit ah mais oui trop bien, déjà on note votre nom quand même parce que mais on peut pas rémunérer tous ceux qui vont parler. Donc vaut mieux que vous ne dites rien, c'est plus comme un making of en fait qu'on documentait et où on servait du chat pour faire des sondages, pour savoir sur quel pitch les gens étaient plus chauds, pour avoir un peu des avis, etc. Mais du coup, comme nous, on pouvait leur piquer des idées, on disait en même temps, ce qu'on raconte, vous pouvez, c'est le contrat, c'est que vous pouvez aussi nous piquer nos idées. Quoi. Mais mon conseil, prends les avocats de Disney. Mais au moins, tout est filmé. Donc, François Je crois que... Ah pardon, t'avais pas fini Timothée, excuse-moi. Oh, bah, non, et le monde à l'envers aussi, là, j'ai l'impression que t'es quand même dans toutes les vidéos. Oui, j'apparais dans les vidéos du monde à l'envers de temps en temps, ça m'amuse beaucoup et voilà. Et est-ce que t'es dans un de leurs 17 projets secrets qu'ils teasent depuis 2 ans? Oui, bon, bah, tant mieux. Oui, ça va se faire. Et puis voilà. Je serai jury, Canceri, format court. Voilà, allez ça, donc si vous êtes à... Mais tu fais que ça ou tu fais une petite masterclass? Parce que des fois, Canceri font des trucs un peu cool, c'est pas prévu pour le moment. Là, non, je serai que ça. Je sais qu'il y a Groom, non, qui saison 2. Alors, je sais pas. Revenir sur ça. Pas devant Valentin. Je crois qu'il y a quelque chose avec. Non, mais c'est peut-être à Canceri aussi? À Canceri, ouais. D'accord, ok. Ouais. Parce que je sais qu'on fait Série Mania, et ça pour le coup, moi je serai présent avec Adrien Méniel. Mais Canceri, je crois pas. En tout cas, s'il y a quelque chose, je n'y serai pas. Je crois qu'Axel m'avait dit un truc. D'accord, ça. Très bien. Mais ça va être annoncé très bientôt. Bon, écoute, très bien. Il n'y a pas les emmerdeurs. Non, mais si jamais les gens se demandent. Si les gens se demandent. François Descrac. On est quand? On est. Bah là, on est vraiment le lundi d'après. Donc on est. 2 mars, un truc comme ça. Ouais, on est le 2 mars, exactement. Putain, mais pardon, une pendule dans ta tête. On est le 2 mars. Là, vous le voyez pas, mais il prend une grande inspiration. En fait, si on est le 2 mars, techniquement, il y a un nouvel épisode de Mystère Saint-Jacques qui est sorti. Mais s'il a été décalé, il faudra que je te demande de couper ce moment au montage. Parce que je suis en train de voir. D'accord. Voilà, bon, écoute, quoi. Tu me diras, de toute façon, donc, là, c'est bon ce week-end, hein, donc il n'y a pas de galère. Bon, en gros, de façon générale, bah, j'ai un podcast qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Très bon podcast. Dans lequel tu apparais. J'ai eu la chance d'apparaître. Et c'est un podcast d'impro, c'est un feuilleton à La Plus Belle la Vie, mais qui se passe en Bretagne. Et qui est. Voilà, donc. Un peu plus marrant quand même. Et voilà, c'est très drôle à faire et je suis trop content. À chaque fois, on a des invités voilà quoi qui trouvent qui ont des éclairs de génie comme toi Flaubert. Oh, c'est gentil. Mais on a aussi eu Poulpe, on a eu Eleanor Coste, on a eu Jérémy Delclos, voilà, on a eu plein de gens bien et donc ça c'est en ce moment ce que je fais, Mystère à Saint-Jacques. Trop bien. C'est très rigolo, ça permet de patienter pendant que les gros projets sont très lents à se mettre en place. Bien sûr, mais les gens ont l'habitude, les auditeurs de cette émission ont l'habitude. S'il y a bien un truc que ça peut vous apprendre sur le métier, c'est que c'est très très long, voilà, ça met beaucoup de temps et que souvent ça va dans les chiottes. Et c'est délicieux. Ah oui, il y en a eu plein aussi. J'ai hâte d'être vraiment à la Kevin Smith, un vieil auteur de 50 ans et qui dit: vous savez que j'ai écrit ça à l'époque, ça allait nulle part, mais j'avais écrit ça, hein. Ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir raconter tout ça. Bon, bah écoutez, les amis, je vous embrasse, merci encore d'être venus. Mais merci à vous. Et puis à très bientôt. Quant à nous, amis auditeurs, si vous avez écouté jusque-là, et bien dans une semaine. Techniquement, le 2 mars, non, vendredi, c'est le podcast au Bataclan. C'est pour ça, en fait, qu'on a eu une petite pause de plusieurs semaines, parce qu'en fait, on s'est rendu compte de la date un peu tard en disant: mais bordel de merde, c'est dans un mois. Donc, on a préféré privilégier le temps qu'on avait ensemble avec Adrien pour préparer l'émission, préparer des petits happenings. Enfin, en tout cas, bon, si vous avez écouté la première, on est dans le même esprit pour la deuxième. Et si vous avez vos places, je pense que vous devriez vous amuser. Et si vous n'avez pas vos places, le podcast sera évidemment disponible derrière. Et j'espère que ça vous amusera. Je vous fais d'énormes bisous et puis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao. Salut, ciao. Bye. Mesdames et messieurs, voici la Compagnie des Monstres dans une comédie musicale jouée, écrite et dirigée par Bob. Et produite par Bob Razowski. Maintenant. Et je me roule par terre. Il reste un strapontin, monsieur. Vous. Un enfant dans le restaurant. La panique dans les assiettes, tout le monde a couvert. C'est la débandade, que fait la police? Il court le coupable dans mon trampoli. À vous, Razowski. Où est l'enfant? À vous, le nous. À vous, ni aux autres. À vous rien. Je peine un boulot. Je fonds, c'est une vraie merveille. Un don du soleil, c'est mon arc-en-ciel. Bout de chou. Ressaisis-toi, mon grand. Et on.